Bonjour à tous, c'est la fucking Hermès numéro 14. On aurait aussi pu s'appeler les princes de sang mêlé, mais Jeanne est venue nous sauver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, il y a autour de la table beaucoup de gens. Déjà, il y a Steven, le fanfaron. Et oui, bonjour tout le monde. Ça va, c'est la fête? C'est grave la fête, ouais. C'est les vacances déjà, donc. C'est vrai, c'est les vacances, enfin. Il y a Alexis, que vous avez déjà attendu moult fois dans la fucking Hermès. Tout à fait. Qui est aussi de Universe.fr. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien, il y a un nouveau numéro de podcast de Universe qui est sorti. Alors c'est le numéro combien, voilà. Vous parlez de quoi? C'est le 27, un truc comme ça? Je sais pas du tout. Ok. On parle du deuxième film que tu as vu le premier avec nous, et là on a attaqué le deuxième film, Doctor Who. Les années 60. C'est ça. Donc on est 66. Dans une niche de la niche. Ouais, c'est ça. Dalek Invasion Earth 2150 AD. Merci bien, donc le podcast sera quand même un peu mieux que ça, je vous rassure tout de suite, hein, bien sûr. Alors ensuite il y a Charlito, Charles. Salut. Vous l'avez entendu dans ces news de Charles, dans le FK numéro 10, ouais. C'était un grand moment dont le podcast ne s'est pas relevé. Ça va Charles? Ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Bah, c'est nickel. Bien. Nickel. Et nickel. Enfin, l'invité un peu qui est jamais venu à la fucking kermesse, mais qu'on a déjà côtoyé sur Universe.fr notamment, qu'on a entendu même dans l'agence. Et dans certains bavards parisiens. Oh, partout. Il est dans toute la France en tournée. C'est César. Bonjour César. Bien le bonsoir. Attends, il c'est une voix suave, là, c'est mec. Stylé, quoi. J'ai une demi-molle exploitable. Et donc César, toi tu travailles dans des livres. Dans des livres. De j'en chez, change de temps en temps. Chez Brajlon et Milady, c'est ça. Le mec est une mythe. Et du coup, tu fais de la fantaisie. Voilà, on fait principalement de la fantaisie, de la littérature, de l'imaginaire au sens très large du terme. On s'est diversifié sur plein d'autres trucs, mais c'est essentiellement le cœur de notre métier. Et ça tombe bien parce que ce soir, on parle de fantaisie. Eh bien, comme quoi, c'est bien fait quand même. Hein, on aura là, il pas... y a des mecs qui travaillent derrière, on s'en rend compte parfois. On sent, et oui, parce que même si Zaza n'est plus là, on le sait depuis la dernière fucking Kermesse, n'est-ce pas? Et oui, il est parti en Tunisie pour raisons professionnelles. Et oui, c'est une manière de dire qu'on l'a chopé et qu'il est parti de l'autre côté de la frontière de manière forcée ou... c'est ça, ouais. En charter. Donc oui, voilà, il nous manque, mais il reviendra bientôt. Bien, très bientôt, peut-être plus vite que prévu. Qui sait, teaser. Donc voilà, on fait sans lui, on va s'en sortir. On a des bons camarades avec nous. Et il y a quoi d'autre à annoncer pour les petites news de la fucking Kermesse? Déjà, on est disponible avec une opercule sur le côté, en ouverture facile, pour que chez vous, vous puissiez nous ouvrir plus facilement. Voilà. Cette blague est nulle. Ça nous fait plaisir. C'est important d'avoir des innovations dans le podcast. Tu regardes vraiment tes notes pour les blagues? Non, je regarde les notes pour pas en fait, les blagues, là, c'est justement. Qu'il n'arrive pas à lire, alors il cherche, il fait des blagues pour meubler. C'est donc ça, on c'est s'excuse savoir. Bien sûr pour le retard. Hein. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard parce que la FK 12 a été postée en avril et la 13 a été postée en juillet. Je pense que vous devriez appeler l'émission On s'excuse pour le retard. En fait. Ouais, c'est vrai. La fucking, on s'excuse pour le fucking retard. Non, en 15 mois, on en a fait 13. C'est pas mal quand même. Ah, il y a quand même la coupure estivale, quoi. Voilà. Nous, on en a fait 13 en 3 mois. Ouais, mais ça reprend bientôt le marathon. Ah oui, putain, j'ai pas. Et enfin, on remercie les gens qui ont réagi avec véhémence sur les réseaux sociaux. Avec véhémence, oui. Et voilà, avec ardeur. Parce qu'on a eu le meilleur montage du monde, Émile Louis Vuitton. Ah, c'est vrai que c'était beau. Il faut aller voir sur Facebook, hein, cet homme-là, il nous a donné beaucoup de rêves. D'accord. On était chez Steven, on jouait à la pétanque, et on a vu cette petite photo, c'est ce phare dans la nuit. Ah, c'est un montage photo. C'est un montage photo avec Émile Louis sur un fond Louis Vuitton. C'est super beau. D'accord, très bien. Donc comme quoi nos auditeurs ont du talent. Non mais en tout cas on remercie tout le monde parce qu'on y a en eu plus, on a je eu crois beaucoup que vous avez de pété les records avec le dernier podcast, non? On pète toujours les records, mon petit gars. Bah ouais, ok. Non, c'est vrai. Et que on oui, pète oui. pas que les records. C'est ça. La fucking kermesse. Eh ben super. C'était une belle intro. On fait quoi, Steven, ce soir dans le programme de l'émission? On fait quoi dans le programme de l'émission? Alors déjà, on aura un petit roule-plateau. Ah ouais? Comme à l'accoutumée. Ensuite, on parle beaucoup de fantasy. On exploite les connaissances. Les 4 pages de conducteur qu'on a fait chacun, là. C'est ça, les connaissances de tous nos invités autour de la table. Et oui, dans les petites chroniques, on a un quiz. Ouais! Préparé par Stavro. Donc, Oh oui, il est très bien. J'ai hâte de voir ça. Toujours le moment difficile de l'émission. Et comme les bonnes choses n'arrivent jamais seules, et ben, y a aussi une règle 34 faite aussi par Stavro. Et oui, Stavro a beaucoup travaillé. Il a mis des bouchées doubles. Oui, mais il a fait ça en 10 minutes avant de venir. Et enfin, je clôture les chroniques avec une vie Patrick consacrée. Est-ce que tu pourrais mettre plus d'entrain dans ta voix quand tu parles, Steven? Je t'emmerde. Consacré à la pétanque. Et on devait finir sur une petite capsule de Zaza qui n'arrive pas. Putain, ils ont l'air sérieux en plus. Ah oui, c'est ça. Ah non, on parle vraiment de pétanque, hein. C'est très sérieux la pétanque. D'accord. César, il y aura un instant pétanque à la fin, présenté par Steven. Vous me préviendrez 2 minutes avant, j'irai PC. Ah non, mais ça va être très intéressant, vous allez connaître tout le vocabulaire de la pétanque. Et ouais, on avait une capsule normalement de Zaza, mais pour des raisons techniques, on peut pas la mettre là, oui, donc parce ça viendra. Que c'est un connard. Oui, voilà, c'est, wow. C'est vrai. C'est le mec, ce week-end, il était à la plage, il dit bah oh, finalement, j'ai pas le temps. C'est en vrai. Même temps, le jour où ce podcast sera posté, vous aurez peut-être eu le temps de recevoir. Il sera posté très prochainement, monsieur. D'accord. Très bien. Je parce qu'on t'a pas dit, mais c'est Alexis qui fait le montage. Allez, on passe directement à la suite. Alors, le roule-plateau, qui commence? Je crois que c'est Steven. Steven, il commence parce qu'il a un coup de gueule, apparemment. Steven, il tape du poing sur la table de jardin qu'on a sorti pour les vacances, faire un petit barbecue en famille. Et ben, Steven, il n'est pas content, il l'a cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop long. Alors. Alors oui, j'aurais préféré finir parce que c'est ce que je t'avais indiqué sur le roule-plateau. Je terminais le roule-plateau, mais c'est pas grave. Non, j'avais juste un petit coup de gueule, notamment parce que en préparant cette émission, j'ai écouté pas mal de podcasts et j'ai lu pas mal de blogs, d'autres conneries sur Internet. Et le traitement qu'on a de la culture populaire sur ce genre de médias commence à m'énerver. Et parce que c'est énerve-toi, bah, ça commence pas seulement. Ça non, mais sur le haricot un peu. Non mais ça, sur le haricot magique, bien sûr. Ça va être très long ce podcast. Non, parce que par les gens même qui apprécient cette culture populaire, tout le seul discours qui est tenu, c'est en gros faire des listes, des trucs super bien qu'il faut connaître, faire un top ou faire le top 10. Genre les bien sûr, il y a un connaître. Top à la fin de Walking Dead. Mais j'allais dire. Genre on parle de l'apocalypse et du coup on va parler de tout ce qu'on connaît sur l'apocalypse. Ah voilà. Bah on a parlé de ce coup de gueule l'autre fois ensemble. Mais oui, mais c'est parce que c'est un truc qui tient. La croisade de Steven. Et ouais. Bah oui, parce que du coup le seul discours qui est produit sur la pop culture, c'est soit les élites qui n'en parlent pas, donc c'est pas un discours produit, soit les gens qui font un blog pour dire ouais, faut voir ça, ça c'est bien, et moi j'ai vu ça, c'était bien, et tu peux pas parler de ça si t'as pas vu ça. Et au final, on ne dit rien à part faire l'éternel donc, panthéon. Il y a de l'élitisme ou du prosélytisme, c'est ça qui nous dit Steven. Et c'est ça, exactement. c'est super beau. Bien dit. Hein. Et du coup, même dans les réactions des. Alors, on est très content d'avoir pas mal de réactions sur la fucking kermesse, mais je suis toujours un peu déçu. Écoute, auditeur, c'est pour toi. D'avoir des réactions de type ah ouais, vous avez parlé de ça, mais vous avez pas mentionné ça. Mais si on n'a rien à dire sur, je sais pas, sur un tel film pourrave qui est sorti, mais que toi tu aimes bien. Et bah du coup c'est sûr qu'on en parle. Sache pas. Sache toi auditeur que tu es un connard. Que tu non c'est pas ça. Merde. Non mais c'est pas ça. Mais justement c'est pas pour critiquer les gens, mais juste dire si tu veux nous parler d'un truc, essaie de nous dire en quoi c'est intéressant pour la pop culture et ce qu'on a à en dire. Virgule connard. Par exemple là, sur la fantasy, on va pas parler de tous les romans de fantasy, on va même pas parler de tous les grands romans et de tous les grands films de la fantasy. Mais si on n'a pas quelque chose à dire sur une œuvre aussi. Deux œuvres permettent de parler d'un thème, dans ce cas-là, on va pas parler de tout. Et j'ai l'impression que dans la pop culture, c'est toujours traité comme ça, à faire des grands tops, et si t'as pas vu ça, et t'as pas vu ça. Et on parlait, je sais plus qui parlait d'élitisme, c'est une sorte de. C'est toi, je crois. C'est toi à la base, mais c'est oui. C'est toi à la base. Je viens de t'autociter. Oui, mais j'aime bien dire que c'est pas moi. ça me donne plus de crédit. Et je sais plus, voilà. Non, une sorte d'élitisme geek qui se fait à partir de trucs qu'il faut avoir vu. Si tu les as vus sur VHS, c'est encore mieux. C'est la référence, quoi. C'est ça. Et voilà, donc je pousse mon coup de gueule en espérant que ce soit entendu. En même temps, vous rond de cuir, elle est où la caméra? C'est Francis Lalanne, c'est une référence quand même. Non, j'ai déné moi, j'ai compris. En même temps, t'as aussi beaucoup de choses qui incitent à ça. Enfin, tu vois, genre sur YouTube, etc., dès que tu fais des vidéos, si tu mets top quelque chose dans ton titre, t'as plus de chances de résultats, c'est etc. Donc c'est... Oui, mais changer de. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Changer le monde. Voilà, alors, très bien. Merci, on va. Et c'était un peu aussi pour dire que voilà, notre fucking kermesse sur la fantasy, ça va pas être un top 5 mais un top 10 parce que voilà, nous on double les choses. C'est pour voilà. ça qu'on aurait dû le faire à la fin pour annoncer le thème du coup. T'aurais dû en parler à la fin du roule-plateau. Non mais justement à la... oui c'est ça ouais, ok bah ça tombe bien que c'est pour ça que sur le conducteur de l'émission que je viens de t'imprimer je m'étais mis à la fin mais tu n'en fais qu'à ta tête. Allez bah du coup on continue avec je vais le dire encore une fois, force et fracas, parce que mon vocabulaire est très limité, faut le savoir. Offrez-moi un Becherel. Alexis, tu voulais parler d'un truc, je crois. Tu as un très beau polo, donc ça va sûrement être très intéressant. Merci. Alors, je voulais parler de la saison 2 de Rick and Morty. Qui a... Je me suis trompé. Nous sommes... Le... Quel bâtard. Nous sommes le 28 juillet, donc elle a commencé il y a deux jours. Donc, c'est quoi Rick and Morty? C'est une série animée créée par Dan Harmon, le monsieur qui fait Community. Ah. Yes. Si je ne m'abuse, il y a une tu saison. Vachement bien le A, faussement intéressé. Non, j'aime bien comme. Il fait très souvent. Hein. La première saison a été diffusée en l'été dernier aussi. Ouais, il y a un an, je dirais. Ouais. Et donc, si c'est une saison 2, oui, a priori, il y a un an. Et donc là, la saison 2 vient de commencer et c'est tout bonnement super. En gros, c'est un pastiche un peu de retour vers le futur. T'as en plus, en été, c'est bien de regarder des pastiches. Très bien. de retour vers le futur où t'as le doc, donc. Qui joue par, qui est Rick et qui est accompagné de son petit-fils Morty et il voyage à travers le temps et l'espace et c'est complètement barré. Là, pour un peu vous spoiler entre guillemets le premier épisode de la saison 2, En fait, ils splitent le temps et donc du coup, ton écran se divise en quatre écrans différents. Il se passe quatre choses différentes de ce que tu vois. Un et peu chiant personnages... à regarder du coup quand même. Non, non parce que c'est des petits changements minimes, etc. C'est vraiment drôle. Et c'est très très drôle. Bah, tu retrouves un peu l'humour de Community, etc. D'accord, bah peut-être je regarde. Donc voilà, je vous conseille ça. Sur Cartoon Network, c'est ça, non? Comédie Centrale, non? Comédie Centrale, ouais, okay, je crois. Bah, ouais. C'est mais il y a pas mal de. Je trouve en ce moment qu'il y a pas mal de séries animées qui sont pour adultes, etc., qui sont bien faites. Et donc voilà, je vous conseille Adventure Time, regardez Adventure Time, tous. Ouais, j'ai regardé aussi il y a pas longtemps Over the Garden Wall. Yes, je voulais. Très très bon. Archer. C'est vraiment vachement bien. Ouais, Archer aussi. Enfin voilà. Très bien, merci. Bon, et South Park est renouvelé pour 3 saisons. Ouais. Et voilà. Notez que c'est la première fois que je ne parle pas de nazis dans le rôle plateau. Bravo. Voilà, maintenant c'est fait. Donc, merci. Raté. On passe du coup à. Allez, à Charlito, à Charles et moi. Charles et moi Lulu, et toi, quoi. Charles et Lolo. Mais ouais, donc non, on voulait parler de la mort d'Iwata parce que c'est. Voilà, donc Satoru Iwata, PDG de Nintendo, est mort le 11 juillet dernier. Ex-PDG maintenant. Ouais, c'est vrai. Merci. Il est mort du coup le 11 et juillet. Blague. Et c'était un. C'était 11 juillet. C'était un chic type. C'était le 11 juillet dernier. Merci, je crois qu'on a dit c'était le 11 juillet, je crois. Donc, ouais, c'est ça, le 11 juillet. Ok. Donc, il est mort et donc on s'en bat les couilles parce qu'on pourrait dire que c'est juste un chef d'entreprise. Mais non, c'est beaucoup plus. C'est un homme avant tout. Et je vais tenir au micro comme il faut parce que Steven me le tient tout le temps. Oui, donc pourquoi c'est triste qu'il soit mort, Charles? Il y a plein de belles choses qu'il a fait, cet homme-là. Il était plus seulement qu'un petit patron. Déjà, c'est lui qui a permis vraiment à Nintendo de décoller. Même quand il n'était pas patron, en fait, il a permis à Nintendo de décoller. Il était codeur à la base chez Nintendo. En fait, il a commencé de tout en bas et après, il a monté. C'est un peu Marx le retour, quoi. C'est ça, et c'est un patron chez Nintendo qui avait vraiment une culture de savoir quel était son cœur de métier, c'est-à-dire qu'il savait que le cœur de métier de Nintendo c'était vraiment les développeurs, ceux qui faisaient le jeu, et il les protégeait. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur Nintendo, mais lui il protégeait quand même les développeurs. Bah, il y a une citation célèbre de lui à la Games Developer Conference en 2011. Il a dit: moi sur ma carte il y a écrit que je suis PDG, dans mon cerveau je suis développeur et dans mon cœur je reste un joueur. C'est ça, mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait il y a eu beaucoup non, de. Non, mais ouais, mais c'est un peu démago, mais c'est vrai quand même. Il a fois, il y a une pression des actionnaires pour faire des licenciements, et lui il a toujours protégé les développeurs au risque que la morale de l'entreprise s'effondrait, ce genre de truc. Et c'est vraiment important, et c'est vraiment ça qui fait aussi Nintendo. Excusez-moi, il n'y a pas que des développeurs aussi dans une entreprise. Non, mais protéger les développeurs, mais c'est. Ah, mais non, ceux mais qui font les jeux, voilà. Ceux, tu vois, il y a tous les bailayers, tout ça. Voilà. Il a fait Kirby, c'est lui qui a en gros l'origine. Et tu vois, Grand en tant que patron, il s'est même souvent investi dans les jeux qu'a fait Nintendo. Bah, quand il était patron, il y a le dernier Super Smash Bros sur GameCube qui allait sortir en retard. Il a dit: bon, bah les gars, j'arrive. Il a retroussé ses manches et il a fini de coder tout seul. Il a refait le moteur lui-même. C'est et plutôt classe. Aussi, pareil avec Pokémon, tu vois. Pour or et argent, si je me sens bien. C'est lui qui a voulu rajouter une région en plus dans le jeu, c'est ça? Oui, en fait, c'est que le truc de compression n'était pas fini. Il voulait mettre plus de contenu. Arrêtez. Mais quoi? Pourquoi tu te moques? Et il a codé lui-même, en fait, tout le truc de compression. Non, ils mais ont pu mettre la deuxième région le du jeu. Le mec, il a révolutionné le jeu vidéo, il a rajouté non, une il a région pas révolutionné avec des le non, mais tu te dis que c'est vrai, le mec, c'est un gros Steve Jobs, niveau importance dans le marché. Ah ouais, bah ouais. Mais il allait sur le terrain faire des trucs tout seul avec ses petites mains, et c'est classe. Après, il a fait la Wii, c'est la console la plus vendue au monde. Il a fait la Wii U, il est mort en même temps que la Wii U. Il a fait aussi la DS, qui est une des consoles les plus vendues au monde aussi. Mm-hmm. Donc voilà, il a quand même, c'est un des grands du marché de jeux vidéo qui s'est éteint. C'est le créateur de Mario qui le remplace maintenant à la tête du truc, ça c'est les rumeurs. Temporairement. Comment il s'appelle, merde? Miyamoto, merci. Et un autre gars aussi. Un financier, tu vois, qui est bien dans un costard, qui assure l'intérim, je crois. Mais de toute façon, pour encore 5-6 ans, ça sera encore ses idées à lui qui vont diriger Nintendo avec la. Console, l'arrivée sur téléphone mobile, etc. Donc, mais voilà. Ça fait peur parce que c'est. Donc, les prochaines conférences de presse, ce sera son hologramme qui sera là. Pourquoi tu as peur, Charles? On sait que c'est lui qui s'opposait vraiment à ce que Nintendo aille dans le tout mobile, tu sais, comme beaucoup d'entreprises japonaises qui galèrent un peu comme avec Konami, les jeux, etc. Ouais. Exactement. Et donc, si c'est quelqu'un avec une moins bonne vision en fait, du jeu vidéo, ça fait peur de savoir ce que va devenir Nintendo dans en le même futur. Temps, Mario, ça tourne sur un iPad tout aussi bien. Mais tu n'as pas compris le message qu'on voulait faire passer. Mais bien il sûr, j'ai important. Compris, mais j'ai juste envie de troller. Et voilà, Satoru, on t'embrasse. Et on te met pas de bâton dans les Satoru. Oh merde! Voilà. Oh merde. Et on finit du coup ce roule plateau avec César. Caesar, de quoi vas-tu nous parler? Je finis ma gorgée déjà. Je t'en prie. Moi, à la base, on m'avait dit on parlera de The Newsroom de Sorkin. Oui, désolé, je voulais en parler. Merci. Mais... Tant pis. Est-ce que tu veux en parler? Non, je vais parler à la place de Sense8. La nouvelle série des Wachowski. Ouais, et de J. Michael Straczynski, donc grand monsieur du comics et de la série télé. Je vais pas en parler beaucoup parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la série en ligne, aussi bien en mal qu'en bien. Et bah, c'est ça que je voulais faire remarquer, c'est que cette série, elle a vraiment beaucoup de choses ont été dites sur elle de chaque côté, des deux extrêmes. Et je me dis que réunir autant d'avis extrêmes, justement, c'est déjà assez intéressant. Pour... C'est un peu comme Lost en son temps, non ? Non, tu me lanceras pas dessus. non. Enfin, moi, j'ai particulièrement aimé l'aspect émotionnel qui pouvait provoquer cette série. J'ai ni ri aux éclats, ni pleuré à chaudes larmes, mais ça a vraiment fait quelque chose de... genre, je vois venir d'ici la Black Salas, mais ça a vraiment créé quelque chose de très profond en moi. je pense on t'appelle que... le gouffre d'Orel dans le milieu de l'édition. Je l'attendais. Je me dis que, tu vois, le simple fait que ça fait autant de réactions, ça mérite le coup d'œil, en fait. Et après, bah, si au bout de deux épisodes, c'est pas pour vous, bah, passez votre tour. Si vous n'avez pas Netflix, vous avez un abonnement gratuit le premier mois, donc ça ne vous coûte rien. Et puis, si vous aimez, vous faites une soirée, plusieurs soirées télé à moindre coût pour une super série. Donc, c'est cool. Et t'es le seul à l'avoir vu ici ? Oui. Oui, okay. Moi j'ai pas. Oui. Non. Moi, okay, tout le monde s'en fout en fait. Non, j'ai envie de regarder, ça a l'air intriguant, on m'en a dit du bien, donc okay. Il faut. Mais moi je regarde Angel pour la quatrième fois, je sais pas. Oh putain. Voilà, alors, on a fini le plateau, merci. Ah, c'est pour ça qu'ils sont à côté. Putain, finir sur ouais, ça. Ouais, non, mais on dirait les deux vieux du Muppet Show là. Alors, on va pouvoir passer au thème de l'émission, la fantasy. La fantasy, on a plein de petites questions à poser sur ce genre incroyable, n'est-ce pas ? Pour voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est toujours pareil, est-ce que il y a que des magiciens et des gens qui lancent des boules de feu, ou parfois même dans les temps un peu durs des boules de feu. Alors, commençons tout de suite sur la fantaisie. Steven Magneto. Putain, c'est lamentable. Bonsoir. Je vais vous conter une histoire fascinante. Je m'appelle Gandulf, le cousin du sud de Gandalf. Alors. C'est pas du tout préparé, ça. Absolument pas. Je fais une improvisation totale. Steven Seagal. Non. Je vais les Seagal. Eh, en plus, j'ai fait une blague en même temps. Steven Seagal. Ouais, c'est très drôle. Il y a plusieurs lectures. Alors, de quoi on va parler ? En fait, on n'a pas d'axe précis comme d'habitude. On a juste plein de questions pour qu'on discute à l'envolée, à brûle pourpoint, à brûle prépuce. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que la fantasy, hein ? C'est ça la grande question du débat. Par rapport, par exemple, aux fantaisies. Ah non, attendez. Au fantastique. Mais tu viens de lire la phrase, comment tu peux te bourrer Par rapport au fantastique, à la SF en général, c'est ça. Quelle est la différence qui fait que c'est de la fantasy et pas juste de la science-fiction ou juste des trucs fantastiques, magiques et nanana ? Comment on sait que c'est de la fantasy et pas autre chose ? César, est-ce que tu veux en parler ? Moi, j'ai juste une petite question. C'est pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque la fantasy ? Comment vous voyez le genre ? Alexis ? Je vous demande pas une définition. Je vous demande qu'est-ce que ça vous évoque, comment vous voyez ? Ah, tu veux dire en termes de représentation, tout ça ? Ouais. Bah, des paladins. Moi, je vois des monstres, genre loup-garou, machin, tout ça. Ah ouais, t'es chelou. Oh, t'es bizarre. Moi, je vois des paladins qui vont sauver des gens et qui lancent des boules de feu occasionnellement. D'accord. C'est vrai qu'en général, on voit une équipe avec un elfe, un nain, une sorcière et. Et un paladin. C'est déjà bien. Moi, c'est vraiment en fait les univers qui ne sont pas le nôtre, quoi, tu vois. D'accord. Cliché. Okay. Ouais, évidemment, on est là pour c'est ça. C'est un peu la place des clichés ici. Non, mais c'est significatif parce qu'on va se poser pas mal de questions quand tu veux me dire, Stavro. Et en l'occurrence, moi, ce que je suis là pour dire que c'est pas que ça. C'est évidemment ça. T'as mis le Seigneur des Anneaux en fond sonore, c'est pas pour rien, c'est que ça évoque pas mal de choses évidemment. Au public. Mais, parce que ça se trouvait facilement aussi. Et parce que c'est des bons de trois, bien entendu. Pas trop, mais c'est pour ça que tu parles par-dessus pour éviter. Voilà. Mais du coup, moi, au boulot, donc je travaille chez Bragelonne, une maison spécialisée dans le genre. Pour tous les jours, on fait dans la des gens du genre. Non, pardon. Tu critiques Stavro là, mais ça y est, dès que tu vois une lucarne, toi tu fonces quoi. C'est ça. On l'appelle Maradona. Et donc, alors oui, la fantasy, c'est des clichés ce qu'on a dit. Ouais, et tous les jours en fait, dans notre boulot, on fréquente des gens qui savent pas ce que c'est, qui savent pas ce que c'est que les littératures de l'imaginaire. Et en fait, on a développé, enfin, c'est Olivier chez nous qui était. Lolo. Dombert, comme on l'appelle, mon capitaine, il a plein de pseudos. Et en fait, il a développé une petite théorie pour l'expliquer, les trois principaux genres des littératures de l'imaginaire, vraiment aux profanes. Alors, cadre comme cet appartement fort bien rangé. On va prendre Charles vu qu'on est chez lui. Charles rentre chez lui après une dure journée de labeur et il a ça un chat. Jamais ça. Ta gueule, t'as un chat. C'est plutôt les 7 escaliers qui sont du. Enfin, les 7 bon, t'as un chat en tout cas, ok. T'as un chat. Il s'appelle comment ton chat, Charles? J'ai pas de chat. Non, bon, mais il vient de te dire que t'en avais un. Non, j'en ai pas. Il s'appelle Gandalf. Oui, il est relou. Il s'appelle Flash Gordon, son chat. On va dire ça. On va dire Flash. Donc, Charles rentre chez lui, fatigué. Il a bossé 3-4 heures au moins. Et du coup, il ferme la porte, il prend son courrier. Puis il y a son chat qui fait bah, qu'est-ce que t'as foutu? Et là, Charles sursaute. Dans un monde de fantasy, c'est normal. Il sursaute parce qu'il n'avait pas vu le chat, il était juste derrière lui et c'est juste la surprise de voir le chat juste derrière lui qui a fait sursauter Charles. Donc on part du principe que dans ce monde-là, c'est normal. D'accord ? Dans la SF, Charles sursaute et après il se dit ah, bah oui, c'est vrai, là j'ai oublié que mon chat, il a comment dire, dans son collier le module qui permet de traduire les miaulements à la con par des paroles. Donc il y a un élément scientifique plus ou moins, comment dire, approuvé par la communauté scientifique, mes couilles, tout ça, qui explique, autrefois, qui a la prétention d'expliquer pourquoi ce truc-là est possible. Dans le fantastique, Charles sursaute, mais là, il comprend pas pourquoi, parce que son Charles, la veille, il parlait pas, quoi. Et le fantastique, c'est la grosse différence avec le doute, toujours, non, c'est ça. Ouais, c'est qu'il y a un élément perturbateur, il y a un truc qui s'est passé et le héros, les protagonistes vont dire ok, là je suis passé de l'autre côté. Alors que dans les autres genres, il ne se passe rien. Dans les autres genres, bah, il y a les péripéties. Si le romancier ou le conteur n'est pas trop con, ici il va mettre des trucs. Mais c'est comme ça qu'on a l'habitude de présenter les choses vraiment aux profanes. Ah, donc c'est pas mal. Donc fantasy, alors, SF, fantastique. Voilà, vous avez compris. Ouais. Mais après, tu vois, c'est vraiment. Grossier. Ouais, parce que tu vois, tu me parlais d'Harry Potter tout à l'heure. Harry Potter, ouais, bah, j'allais le dire. Pour lui, il sait pas ce que c'est ça, mais ouais. Au bout de 10 secondes, ça y est, c'est normal. Il y a des grenouilles au chocolat. Oui, je vais en manger, bien sûr. Mais tu vois, donc. Oui, il faut remettre en fait en contexte par rapport aussi à l'histoire, quoi. Parce que si le personnage par lequel tu montes l'histoire connaît pas forcément l'univers dans lequel il évolue. Ouais, après c'est des procédés narratifs. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en soi, dans le monde, c'est normal qu'il y ait de la magie, mais il y a un procédé narratif qui fait que à un moment, c'est pas normal pour une identification au lecteur à qui on va faire découvrir. Voilà, il faut qu'un narrateur comprenne pas pour pouvoir expliquer au lecteur. Si c'est normal pour tout le monde, personne ne se fait chier à expliquer. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut être pas trop con, avec tout le respect que j'ai pour les auteurs, parce que c'est tout le challenge de prendre un lecteur par la main et lui dire voilà, tu sais pas où t'es, mais je vais t'expliquer. Bon, si je m'appelle Tolkien, je vais te décrire de quelle couleur sont les feuilles et puis tu vas falloir que tu t'accroches. Et le tabac à pipe, bien sûr, pendant 100 pages, c'est important que tout le monde sache. Tout à fait. Après, ça peut se faire de manière très simple ou à peine t'expliquer, te dire juste qu'on est ailleurs et puis c'est tout. Puis ça suffit à poser un cadre et après tu racontes l'histoire que tu as envie de raconter. D'ailleurs, à noter que dans le milieu universitaire, entre guillemets, la fantasy... Ça y est, c'est parti. La fantasy qui est du coup un mot anglais qu'on n'a jamais trop traduit. Non, c'est un mot français. Les Anglais, ils ont... En fait, c'est bim. C'est le premier truc, en fait. Universitaire. Mais c'est devenu un mot anglais, tu vois. Évidemment, ça finit avec un Y, tu vois. Mais c'est le terme français fantasy qui a inspiré le... Oui, mais quand on le dit aujourd'hui, on parle de... Bah ouais, et c'est ça qui est dramatique, tu vois. Bah non, mais c'est vrai. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a un putain d'héritage, justement. Enfin, après je vais partir sur l'héritage des littératures de l'imaginaire français, oui c'est ça, oui. Et oui, parce que bon, littérature mais imaginaire, donc moi je sais pas aligner deux mots et du coup mais je te laisse finir du coup sur le fantasy et du coup moi je sais que mes profs parlaient de merveilleux du coup pour décrire le fantasy, quoi. Enfin, c'est le merveilleux, c'est pas faux parce que du coup c'est ce qui traduit le mieux le terme maintenant tel qu'on le conçoit Mais d'ailleurs, c'est particulier parce que du coup, c'est pas dans la langue française, c'est pas un nom. Tu peux pas dire le merveilleux. C'est un. Bah, si tu peux. Si parce que c'est pas dans le dictionnaire. En fait, en littérature, c'est thématisé surtout pour le Moyen Âge et un peu pour la littérature antique. Mais c'est vrai que par exemple, on parle volontiers de merveilleux pour les romans de, je sais pas, les romans de la Table Ronde, par exemple. À partir du moment où il y a un élément magique, on parle de merveilleux. Mais alors moi, j'ai une question par contre par rapport aux définitions avec le chat qu'a donné César. Est-ce que Joséphine Ange Gardien, c'est de la fantasy? Alors pour elle, c'est normal, c'est de la fantasy. pour le l'inspecteur, enfin le pour les Moldus. Voilà, pour les mecs lambda qui voient le truc, et fait non, c'est un élément fantastique. Et puis, mais bon, comme c'est des spectateurs de TF1, non, ils doivent se dire que c'est une intervention divine, wow, c'est normal. Calmons-nous. Okay. Donc, Joséphine, c'est pas de la. Mais justement, est-ce que juste dans cette définition, il n'y a pas déjà un problème, parce que tu dis c'est de la fantasy pour Joséphine, pour les autres. C'est du fantastique, pour les spectateurs c'est rien du tout. Parce pour moi que, voilà. C'est du porno parce qu'elle m'excite beaucoup. Mais est-ce que du coup, est-ce que ce truc de fantasy ou fantastique, c'est pour l'œuvre elle-même ou c'est un procédé narratif par rapport au personnage? Les gars, oubliez pas quand même, c'est la fucking kermesse, hein, on va vite se calmer. hein, bon. Bah là, tu vois, c'est une... là tu abordes indirectement en versant bruyamment ton jus d'orange c'est dans ton verre. Que... Et avec une technicité folle. Le sujet un peu des c'est étiquettes, parce que charme. Tu vois, pour on parlait d'Harry Potter, tu vois, pour quelqu'un ce sera de la fantasy, pour un autre ce sera du fantastique, et pour quelqu'un d'autre ce sera juste de la littérature jeunesse et basta. Mais... Donc ouais. C'est un très très vaste débat. Mais ce qui est important, c'est que tu vois, le mot merveilleux, c'est suffisamment large pour se dire bon bah voilà, il peut se passer n'importe quoi, ça ouais. peut être n'importe quoi, et ça au moins ça a le mérite de définir que la fantasy, bah c'est pas comme tu disais Stavro, des mages qui lancent des boules de feu sur des chevaliers, sur ouais. des paladins pardon, des paladins. Avec des épées à deux mains, tu vois, c'est évidemment le Seigneur des Anneaux, c'est Game paladin. Of Thrones. Mais entre c'est le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, mais entre les deux, il y a énormément de choses, et au-delà de ça, il y a encore plus quoi. Ok. Jingle. Il faut pas oublier l'aspect aussi. En fait, je veux le jus d'orange, s'il vous plaît. Pas de jingle, juste du jus d'orange. Il faut pas oublier aussi l'aspect transgenre, comme on en parlait tout à l'heure. Où t'as des... Ah, on revient à la théorie du genre de Steven. C'est vrai que Vincent McDoom, fantastique, fantasy. Non, mais tu peux aussi très bien aussi mêler les différents styles. Ouais, bien sûr. Mais en fait, la fantasy, c'est. Bon, allez, je veux pas dire de transgenre, du coup, c'est ça. La fantasy, je veux pas dire que t'as pas de règles, tu vois, que c'est rock'n'roll, mais c'est la liberté. Transgenre, t'as pas de règles, je crois. Ce qui doit primer dans cette littérature, c'est l'évasion. Tu vois, c'est, et au risque de m'attirer les foudres de certains, ça va être l'entertainment. Ça doit t'amuser, ouais. Ça doit t'émerveiller, justement, tu vois. Donc, merveilleux, tu vois, on y revient. Et tu vois, nous, moi, je la considère un peu comme l'héritière des romans de KPDP, tu vois, parce que c'est vraiment de l'aventure avec un grand A. Des DP avec un grand D. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on dit KPDP, il y a le petit sourire de Jordan, parce que DP, ça lui rappelle des souvenirs. On me l'avait jamais fait. Ça me rappelle le boulot. Aujourd'hui, du moins. Et du coup, c'est ça qui doit primer, c'est l'évasion. Après, en second lieu, évidemment, ça peut être chargé d'émotions. Alors, est-ce que c'est pour ça que... Tu peux y avoir des réflexions, tout ça. Est-ce que c'est pour ça que les éditions Bragelonne s'appellent Bragelonne? Ouais. Ah, très bien. Attendez, moi, j'ai pas compris. Pareil. Parce que c'est... d'être une culture, tu vois. Je crois que c'est le troisième roman de Dumas. C'est ça, ouais. Sur les mousquetaires, il s'appelle le Vicomte de Bragelonne. D'accord. Excusez-nous. C'est dans ce bouquin où il y a l'histoire du masque de fer. Ouais. D'accord. D'accord. Okay. On apprend des choses à cette Légionnaire des Capriots. Du coup, alors, est-ce que on a retenu que la fantasy avait une sorte de leitmotiv de divertissement et d'émerveillement? Donc, est-ce qu'il y a peut-être on en parlera après. Moi, j'ai envie de lancer. Tu veux griller tes cartouches. Des pavés dans la mare, mais peut-être que je vais attendre un petit peu, effectivement. Et alors, oui. On a parlé de définition, mais nous, on est en France. En France, n'est-ce pas? Et en France, il y a un petit souci avec cette littérature-là, n'est-ce pas? Pas vrai? Non, je parle comme Le Pen maintenant. Ça va plus du tout. Le mec est bloqué. Ouais, il faut qu'on avance, il faut qu'on y aille. Donc, on a à peu près compris ce que c'était. Il y a de l'émerveillement, le chat, il parle, et c'est normal dans ce monde-là. Mais alors, en France, pourquoi on n'aime pas la fantasy, César, Charles, Alexis, Steven? Là, je suis curieux d'avoir vos avis aussi avant de sortir ma science, qui sera surtout du venin envers une certaine intelligentsia. Ah, ok. Peut-être moi... j'ai répondu. Ouais, mais je ferai la version longue et il y aura plein de gros mots. Moi, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis posé la question cet après-midi en préparant le podcast. T'as bien travaillé. De savoir si j'ai l'impression que la littérature française a une tradition plus de réalisme entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est même, tout à fait ça. Même si on a des auteurs de SF, etc., un peu genre Jules Verne, tout ça. Non, mais même avant Jules Verne, il y avait déjà. Hein. Bien sûr. Mais Jules Verne, il était plus populaire en Angleterre qu'en France. Mais ce que je veux dire, c'est que même ces écrits-là étaient réalistes dans leur approche, tu vois. Mm-hmm. C'était de la science-fiction un peu dure, entre guillemets. Dans leur temps, disons, ils imaginaient pas des trucs surnaturels. Et du coup, je sais pas si c'est cet héritage-là, pardon, qui fait que... Bah encore aujourd'hui, on est moins attiré, je sais pas, par la fantaisie. Non, mais c'est juste ce que je te vais dire. Jules Verne, il était plus populaire en Angleterre qu'en France. Donc c'est déjà un truc qui existe depuis longtemps, en fait. Ça existe. Après, j'ai aucune idée pourquoi. Si on veut regarder vraiment dans la voilà, je vais être un peu chiant, mais dans la jeunesse de l'histoire littéraire française, à partir du XVIe siècle, les grands auteurs... Ah oui, ça n'aura pas duré longtemps, mais t'as eu un peu de chiant, ça y est. les grands auteurs commencent à condamner la littérature par le haut et par le bas. C'est notamment Ronsard... En bas. Ronsard, dans la préface des autres, dit que la littérature, en gros, elle ne doit pas toucher au truc scatologique et un peu chelou, donc... limitation par le bas, et pas non plus à des trucs fantastiques ou merveilleux, donc limitation par le haut. Et ça va aller très loin, des gens comme Malherbe, vont dire, par exemple... Pas du tout pareil. Non, c'est pas les mêmes gens. Mais ils vont dire, par exemple, pour propos d'un poème où la Terre est venue par les mains de Jupiter, machin, j'étais sur Terre, j'ai pas vu la Terre bouger, donc c'est des conneries. Et donc, suppression de cette littérature. C'est beau. Donc, et c'est vrai que le bon sens. Là, on commence à supprimer des trucs. Ce qu'il vient de dire, c'est très vrai. Hein. J'aurais des exemples récents pour le prouver. Dans toute la littérature, on a cette condamnation qui est faite. Ronsard et des gens comme ça, à la limite, toléraient des trucs antiques, par exemple les nymphes et les trucs comme ça, parce que les anciens y avaient cru, donc c'était crédible. Mais ce qui n'était pas crédible. Les nymphes, il y en a sur Terre. Les nymphes, pardon. Il y en a sur Terre aussi, mais d'ailleurs, super podcast sur les nymphes. Non mais voilà, donc ça c'était un peu chiant, mais c'est un peu littéraire. Il y a une condamnation qui est faite par ceux qui ont créé la littérature française, en fait. D'accord. Donc c'est vrai qu'après, c'est peut-être pas la seule explication, mais ça explique pourquoi en tout cas dans une certaine vision de la littérature française, ça s'est pas développé comme ça, et ça a été même très fortement condamné par des gens qui avaient la main mise sur la littérature. Là on grossit le trait, mais c'est tout ce que vous avez dit là tous les deux, c'est très vrai, voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Alors et toi César, t'as ton coup de gueule? Suite à ce que suite à ce qui vient d'être dit, je t'emmerde moi. Allez, le podcast se lance. Le clash commence. En fait, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, c'est que la fantasy, la SF, le fantastique, on incorpore ça à la culture pop, à la culture geek, comme vous voulez, tu vois. Et donc forcément, comme le jeu vidéo, comme la BD, comme tous les médias qui nous font kiffer en ce moment, c'est mal considéré par cette pseudo-élite qui, comme tu le disais, Alexis, voit ça d'un œil lointain parce que c'est pas réaliste, parce que c'est pas vrai, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un rapport très ça fait naître un rapport très malsain avec la littérature, tu vois, qui est vraiment palpable dans la culture française. Si elle divertit, c'est pas bien, tu vois. Si elle doit être sérieuse, elle tronflante, t'as une vision quand même un petit peu cliché. C'est ce que je disais, forcément, moi aussi, cliché, on va pas arrêter d'en parler, mais parce que moi je fréquente ces gens-là, je m'oppose à eux et j'essaie de leur dire que c'est pas que ça, mais j'en vois tous les jours, quoi, tu vois. Quand on est dans un salon, au salon de livres, tu vois, il y a des mecs qui font ça existe pas, tu vois. Prends l'expression littérature de gare, tu vois, elle est ultra connotée en France, tu vois, ouais. Et notamment, t'as la fantasy dedans, t'as la SF, tu vois, t'as du SAS. T'as tout ce que cette pseudo-élite, tu vois, ne veut pas considérer, veut occulter, tu vois. Il la met dans cette étiquette. Mais il la considère de plus en plus, quand il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites maintenant. C'est vrai que, par exemple, on a énormément de thèses qui viennent, notamment à la Sorbonne, qui sont faites sur des éléments de merveilleux ou de fantastique, et il commence à y avoir un changement. Mais je pense qu'il y a quand même... je suis tout à fait d'accord avec toi, César, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même, depuis quelques années, une évolution... Moi, je vois, en licence, j'ai eu 2 heures de cours pendant toute une année. Enfin, c'était un cours optionnel. Mais t'as eu que 2 heures de cours. Bravo, non, bravo, là, bravo. Par semaine, je veux dire, toute l'année. Sur par semaine. Super. Historien. Il a eu que 2 heures de cours par semaine. Mais non, mais sur Tolkien, j'avais 2 heures de cours sur Tolkien. On branle rien en histoire. C'est ça les profs d'histoire. Un cours optionnel. Et tu vois, ma copine qui a fait lettres modernes, en cours de littérature étrangère, ils ont vu quasiment que des bouquins de SF, de science-fiction, de fantasy. Non, mais là, je pense que ça commence un petit peu à arriver. J'ai tenu un discours très néfaste parce que, encore une fois, on y est confronté, mais je nie pas que ça évolue. Néfaste et furious, hein, d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse de savoir qui est-ce que tu mets dans cette élite. Tu vois, j'ai un exemple très précis. De l'élite en général. Je vais sortir 2 exemples très précis qui datent d'il y a quelques années. François Mitterrand. Non, je sais pas. D'accord, pardon. Non, j'ai oublié son nom, donc ça commence bien, ça a été bien préparé. Mais il y a un magazine littéraire qui s'appelle d'ailleurs, je crois, le magazine littéraire. Sur bien joué. La Grande Librairie. La Grande Librairie, merci. C'est de la merde. Très clairement, tu vois, les invités, c'est une certaine idée de la littérature avec un grand L majuscule. Oui, mais en même temps, la littérature, se fait aussi une certaine idée de cette émission qui... Parce que... Ouais, mais elle n'est pas très reconnue en fait. Bah, Dieu merci, parce que quand l'exemple que je veux donner, c'est que nous, on a un auteur chez nous qui s'appelle Terry Goodkind, qui a autant de partisans que de fans, tu vois. Pour autant, ce mec-là, c'est la meilleure vente de Bradland, d'accord ? Ouais, oui. C'est un million il d'exemples. Il fait bon genre un peu, je trouve, Goodkind. Il fait un peu bon genre. Merci. Blague de traduction. Ce mec-là, rien qu'en France, c'est plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, je crois, et rien qu'en France, c'est 1 million, tu vois. C'est pas rien. Et lui, pendant son top 3, donc là, il n'était pas question d'une chronique, tu vois, il n'était pas question de quelqu'un qui dit je vais parler de Terry Goodkind en bien ou en mal. Là, il prend le top des ventes, tu vois, donc le truc concret, et dit bon, bah en numéro 3, il y a eu ça, bon, en numéro 2, il y a Terry Goodkind, mais bon, ça n'a pas d'intérêt, hein, donc il balance le bouquin, tu vois, texto, tu vois. Donc en gros, il fait un doigt d'honneur à 1 million de personnes en France. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que cette émission, c'est particulièrement mauvais, particulièrement bien pensant. Mais c'est vrai que si tu vas vers des trucs... Alors que le mec, il devrait aller chez le coiffeur, hein, faut le dire. C'est vrai. Oh si tu vas sur des trucs un peu plus reconnus... Venant de toi, César, quand même, c'est... Un peu plus... J'ai un peu de haine, oui. Un peu plus reconnu, un peu plus sérieux. Je vous ai dit que j'avais des trucs comme les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Mm-hmm. Ils vont pas chercher Goodkind et tout parce que c'est pas assez connu. Non, mais pour, je leur demande. Là, encore une fois, j'ai trouvé un exemple bien précis. Oui, oui, oui. Non, bien sûr. Évidemment. Mais par exemple, ils vont parler volontiers de Tolkien. Parce que ça a parlé à Tolkien. Ouais, mais encore une fois. Tu vois, dans la grande librairie, Bilal, il est invité souvent. Et parce que Bilal, aujourd'hui, il est très reconnu dans la BD. C'est un auteur de BD, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que, c'est anti-Bilal. Voilà. Ouais, et. Et Tolkien, je pense que c'est pareil. Tolkien, il a dépassé son genre aujourd'hui. Mmh. En plus, avec les films, etc., il est devenu une superstar. Mais est-ce que justement, dépasser son genre, c'est pas un moyen pour la fantasy d'être reconnu? Parce que oui, à chaque fois qu'on dit qu'un auteur est bon en fantasy, on dit ouais, c'est de la fantasy, mais c'est pas vraiment de la fantasy. Bah, comme Damasio, par exemple. Parce que Goodkind, à chaque fois j'en ai entendu parler, moi j'ai pas lu, mais on m'a dit ouais, c'est de la fantasy, mais. Pas vraiment. Bah, ce qui est marrant, c'est que Goodkind, il dirait lui-même que c'est pas de la fantasy, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, c'est de la fantasy. Tu vois, on n'emmerde pas Tolkien parce que ça y est, parce qu'il est mort. D'une part, et parce que tout le monde se l'est approprié grâce à Jackson, tu vois. Maintenant, ça fait partie de la culture. On n'emmerde pas Robert Howard, le mec qui a écrit les nouvelles de Conan, parce que, du moins, surtout aux États-Unis, c'est en train de changer en Europe, mais littérairement, il est bien considéré, tu vois, Howard. Donc, ça, c'est du patrimoine, on les fait pas chier. Pareil avec Lovecraft, avec des personnes comme Philip K. Dick, tu vois. C'est des gens qui ont un imaginaire, mais débordant. Et voilà, ça avance, c'est du patrimoine, on y touche pas, c'est cool, tu vois. Il y a l'aspect économique, tu vois. On va pas emmerder Maxime Chattam. On n'emmerde pas parce qu'il fait 400 000 exemplaires le bouquin, tu vois. Et que lui, Chattam dira que c'est de la fantasy, mais s'il passe à l'émission littéraire dont on vient de parler, le mec dira ouais, votre roman, tout court. Oui. Ok, donc en France, on n'aime pas la fantasy. On va peut-être. C'est un beau résumé, ça vaut. Parler pendant 20 ans parce que moi, je m'ennuie. Voilà. Non, mais moi, je suis l'animateur, je suis comme ça, je suis là pour. Il est là pour le fun. C'est juste un dernier exemple pour vraiment appuyer ça. Tu as le droit parce que je vais pas le citer, mais un magazine littéraire. Enfin, quelqu'un qui est autour de cette table. Non. Qui doit s'appeler le magazine littéraire. Non. C'est un magazine sur le livre. Lire. Non, je dis rien. C'est pas compliqué, les gens comprendront. J'ai pas compris. Lors des premières années de Bragelonne, il y a ce magazine dresse un top, lui aussi, et il l'a viré l'un de nos bouquins du top. C'est-à-dire qu'il l'a falsifié. Censure. Il a clairement falsifié le truc. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Bah, non, mais c'est abusé. Comment ça t'étonne pas? C'est scandaleux, monsieur. C'est une pratique qui, à mon avis, est courante. Tu vois, moi, mes parents lisent Le Nouvel Observateur et c'est pareil. Ça me fait marrer de voir des fois dans les listes. Ouais, la société. Dans les listes elle a que des problèmes. De vente, etc. Tu vois, genre 1-2, d'un coup, t'as une parenthèse et tu sautes 3-4 numéros, tu sais pas ce que c'est, t'arrives à 5 direct. Enfin, tu vois, t'es. Et ça y est, maintenant je peux lâcher mes notes. Mais ça va changer. Allez, drop the mic. Ça va changer après cette fucking kermesse numéro 14. Exactement. Ouais. Puisqu'on est diffusé. Émile et imaginaire. T'as d'autres questions, Stavro? J'ai d'autres questions, j'ai plein de questions. Je n'ai que des questions. Sylvain, est-ce que tu veux poser la prochaine question? Qui? Moi je crois que. Oui, mais. Alors, non, tu te tais parce que je vais poser la prochaine question. La prochaine question sur mon conducteur, c'est pourquoi autant de sous-genres? C'est ce que j'allais dire, tu vois. Alors, c'est vrai que. La fantasy, c'est quand même assez merveilleux quand tu commences à chercher un peu la fantasy. C'est merveilleux. La fantaisie, c'est merveilleux. Hein, bien joué. Il y en a un qui suit dans la salle. Tu trouves toujours des trucs comme dans le métal ou avec un genre par auteur. Par groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a la fantasy, l'urban fantasy, la art fantasy, la nanana fantasy, la science fantasy. Je comprends pas, on avait dit qu'on en parlait en troisième position. C'est la troisième position. Ah oui, d'accord. La levrette. Alors. L'étiquette, elle est pas mal. Enfin, la comparaison avec le métal, elle est pas mal. Mais bon, en même temps, tu vas voir des amateurs de musique. Il y en a qui vont dire ouais, bon, ça c'est du black, ça c'est du hard, etc. Et t'en as d'autres qui vont dire ouais, moi, c'est du métal, tu vois. C'est pire que ça. C'est pas du black. C'est du trou norvégien de black metal épico-sodomite, voilà. Non mais tu vois, on peut dire pour un mec qui joue dans un groupe de black metal, tu te la pètes un peu, je trouve, Steven. Non mais il y a quand même, c'est vrai. Non, même c'est en musique, il y a tout un pan au-delà des genres qui dit bah abolissons les étiquettes et tout quoi. Oui, ouais, mais c'est parce que c'est du rock indé qui dit ça. Mais ta gueule. Mais notre société, elle est faite d'étiquettes, tu vois. Et autant. Non mais on peut se battre contre ça, tu vois. Mais c'est vrai. Mais c'est une manière de réduire la description à son essentiel pour dire bon bah voilà ça c'est oui. Tu vois si on dit c'est de la light fantasy, de la dark fantasy, de l'heroic fantasy, ouais, de l'urban fantasy, tu vois. Oui, on s'en fout, je suis d'accord avec toi. T'en fous, mais ça te permet de savoir ce que c'est en fait. Ah, mais dans les autres genres, il n'y a pas besoin de ça. Parce que light, dark, c'est donc fantasy genre lumineuse ou sombre. T'as besoin d'un genre précis pour donner le ton du livre. Le ton du livre, tu l'as selon l'auteur, selon l'histoire. Mm-hmm. Tu vas pas dire bah Maupassant, c'est du dark réalisme. Enfin, voilà, c'est du réalisme quoi. Non, c'est vrai. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi ce fétichisme de l'étiquette, spécialement dans la littérature de l'imaginaire ? Mais pas, c'est pas spécialement dans la littérature de l'imaginaire. Tu vas dans le rayon romance, t'auras une fan d'Arlequin qui pourra dire il y a de la littérature, enfin de la romance érotique, historique, contemporaine. Tu vois, Mais c'est marrant que ça joue. Là, tu cites la romance, ça joue dans les trucs qui sont considérés un peu comme des sous-genres. Mm-hmm. Ou comme de la sous-littérature, tu vois. Mm-hmm. Et. Comme disait Stavros, t'es élitiste quoi et tout, c'est pas possible. Pardon ? T'es élitiste toi aussi en fait. Non, c'est pas ça. Mais comme disait Stavros, pour des romans qui sont reconnus dans le game exactement, on va pas coller des étiquettes sur les étiquettes. À la limite, on va même pas en mettre une parce que dire que Maupassant c'est du réalisme, c'est déjà faux. Oui, je sais, j'ai dit ça comme ça. Donc, on va même pas coller des étiquettes, alors que dans les trucs de genre qui sont déjà sous une étiquette, on va rajouter des étiquettes aux étiquettes. Non, et après, il y a que des étiquettes et on sort pas des étiquettes. C'est ce que je disais d'ailleurs, il y a des gens qui pourront pas s'empêcher d'en rajouter. T'en as d'autres qui vont faire, on s'en fout. Voilà, et est-ce que c'est parce que tout à l'heure tu disais que ça avait un besoin, une nécessité de divertissement, la fantasy. Est-ce que du coup, vu que c'est de divertir et de nous amuser, on doit directement savoir à quoi on a affaire pour être tout de suite être sûr d'être diverti ? Genre là, c'est de la light science fantasy, donc je sais que j'aimerais bien. Alors que si c'était quelque chose qui devait pas nous divertir, mais être. C'est vrai que du coup, on s'attend un peu à ce qu'on va découvrir. Quand tu prends un roman de fantasy, tu sais à peu près. Si tu sais à peu près quel genre, sous-genre sont en plus à coller à ça, tu vas savoir à peu près ce que tu vas lire. Alors que si tu vas dans le rayon littérature classique, tu prends n'importe quel livre, tu vas pas du tout savoir ce que tu vas lire. Un petit Marc Lévy ? Ouais, voilà, par exemple. Par exemple. Mais si tu vas dans le rayon thriller, hein, bah, tu sais que tu vas avoir affaire à une enquête. Oui. Et donc tu vois, moi je peux sur je peux, Valérie par exemple. Ouais. Oh. Et ouais. Moi j'ai pas compris Valérie thriller. Thriller. Oh, merde. J'espère un truc avec Giscard d'Estaing, mais je sais pas pourquoi. Ouais, mais parce que dans le rayon thriller, c'est déjà quelque chose comme thriller, de la littérature quoi, de le genre. Ouais, donc mais comme, c'est comme une sous-littérature. Mais c'est une sous-littérature qui vend énormément et du coup, t'as des auteurs de thriller qui apparaissent en interview en prime time, tu vois. Oui. Mais ouais. Mais c'est déjà, tu vois, catégorisé dans la littérature. Mm-hmm. Tu les trouves pas parmi les classiques. Mm-hmm. En même temps, comme le disait César, c'est des littératures de l'imaginaire et la fantaisie peut tout imaginer. Donc tu vois, t'as un tel panel que Que voilà. Tu vois, c'est sans doute l'un des genres les plus ouverts. Donc mais chaque genre c'est faux, chaque genre est ouvert. Tu peux tout faire en littérature tant que tu veux. T'as un stylo, tu fais tout ce que tu veux. Donc ça n'a pas l'apanage de la fantaisie. Et là, c'est un auteur qui parle. En plus, un auteur pas publié, un auteur quand même. Il peut faire tellement de choses qu'il ne fait jamais rien. Non mais regarde Maupassant quand il fait le Horla, tu vois. Voilà, c'est normal, c'est de la littérature avec un L majuscule. Alors que bon, c'est un élément. C'est du fantastique, hein, tu vois. Oui, oui. Peut-être parce qu'il écrit bien. Vous êtes mignon. Non, vraiment, ça fait quelque chose de vous voir ensemble, quoi. Un vieux couple. On nous le dit souvent. Non, mais je le taquinais. Mais du coup, oui, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vu que ça doit nous divertir, si on sait à quoi s'attendre, on sera peut-être plus ouais, mais voilà. Tu vois, quand tu vas dans le Rayon Trailer, tu sais à quoi t'attendre. Quoi. Tu vas avoir une ambiance mais un peu sombre. Mais il n'y a pas thriller sous-marin, thriller d'été, il n'y a pas de sous-genre de thriller. T'as du thriller romantique, t'as du thriller fantastique. Ok, donc c'est peut-être juste des étiquettes. Peut-être que tu connais moins le genre. Non, moi, enfin. Mais en tout cas, on entend plus parler des étiquettes de fantasy que celles des autres genres. Bah, peut-être que notre génération, oui, parce qu'on est plus sensibilisé à ces gens-là, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est peut-être que si ça se trouve, tu vois, il y a 30 ans, la génération d'avant se battait pour que le thriller. Ce serait bien qu'on fasse une FK sur les thrillers. C'est vrai, bon, on arrête celle-ci. Allez. Ok, non, d'accord. Elle est où la sortie? Ok, donc oui, je pense que t'as raison. Peut-être juste que nous, on a. Et c'est parti pour la FK sur les thrillers. Alors, on commence avec Michael Jackson, thriller. Ensuite, on continuera sur Valérie Trierweiler. Ensuite, sur les thrillers, thrillers rouge, vert pour mettre les feuilles. Et j'ai plus de blagues parce que ça était déjà beaucoup trop hardcore. Très bien. Donc oui, ok, c'est peut-être juste que nous qui avons tellement absorbé de fantasy quand on était petit que du coup on est devenu peut-être plus exigeant. Comme je crois que c'est Alexis qui disait ça aussi. Ouais. Vu qu'on a vu beaucoup de fantasy, peut-être qu'on sait remarquer que là c'est tel genre, c'est tel sous-genre. Et tout. Non, puis je pense que c'est parce que t'es habitué à ce genre-là. Je sais pas si tu lis beaucoup de thrillers, mais moi j'ai une amie qui en lit vraiment beaucoup. Enfin, c'est le seul genre, tu vois, vraiment. C'est intéressant, ça. Et elle, j'ai un pote. Et elle établit elle-même des sous-genres, tu vois, dans le thriller, quoi. Et c'est peut-être parce que t'es plus sensible à la fantasy que tu connais plus les. Regarde, tu vois, dans le porno, Stavro. Voilà. T'es capable de faire des sous-genres partout, quoi. C'est vrai. Ok, donc c'est peut-être juste une affaire de connaissance et de. Ok. On aurait dû parler du porno tout de suite, quoi. Ça m'a répondu à ma question. Voilà. Ça m'a répondu. Il a dit ça ses favoris, midget porn, etc. Retenez bien sûr que je suis un auteur comme les Steven, donc ça m'a bien répondu. Alors, midget porn, c'est déjà une surcatégorie. Et après, il y a plein d'autres trucs. Ah oui, après, ça subsume d'autres sous-catégories. Subsume. Midget porn ça sublime même. Midget porn d'handicapé, midget porn interracial. Enfin bref. Oui, c'est bon, on a compris. On va s'arrêter là. Faire une petite pause dans tout cet océan de culture, de connaissances et de débats outrecuidants. Parce qu'on a déjà retenu à peu près ce que c'était la fantasy, comment on l'a différencié d'autres genres, pourquoi en France on ne l'aimait pas, et pourquoi il y avait beaucoup de sous-genres. On a répondu à plein de choses. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans le gras, dans la moelle, et avant ce ça, pouvoir faire un quiz. Ouais. Alors là, ça va être aussi de la fantasy. Hein. Merde. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers. Tu es Julien Lepers. Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. C'est le moment de la gueule. Et donc on revient dans la fucking commerce avec un quiz. Commerce. Un quiz fait par mes soins qui va opposer César et Alexis. Yeah. L'équipe. Okay. Oh merde, je suis avec Charles. L'équipe de dragons. L'équipe des dragons. Contre Charles et Steven. L'équipe des nains. L'équipe des dragons. L'équipe des griffons. Des boules. Parce que des les boules donjons de master. Les boules du non, dragon. Des boules. Non. Alors, vous ne trop pas être l'équipe des boules. Donc, bon, ok, vous êtes l'équipe de quoi alors? L'équipe des cavernes. L'équipe des nécromanciens. Ah non, l'équipe des néglomanciens. Ok, on va être les négromanciens. Allez. Tu sais que c'est diffusé sur internet, je te le rappelle régulièrement, mais. Lançons-nous. Ça n'est pas là, mais on pense toujours à lui, hein, bien sûr. Ah putain. La première épreuve du quiz, un spécial fantasy, c'est la réponse que t'as forcément épée ou anneau. La réponse que t'as forcément épée ou anneau, parce que. Ah, ça y a sent des les épées, bonnes blagues de cul. Il va y avoir Cockring dedans. Et des artefacts magiques, hein, des anneaux, des cailloux, des bâtons. Des cailloux. Enfin, voilà, j'ai pas compris. Ah ouais, j'ai pas compris. Donc tu mettras épée ou anneau dans la réponse. Et c'est quoi les cailloux? Bah, c'est pour dire, l'anneau, c'est un peu les artefacts magiques qu'il y a dans la fantasy, quoi. Va chercher un anneau. C'est quoi le caillou artefact magique? Je connais. Bon, tant pis. Vous m'avez saoulé. Tu écouteras la fucking kermesse numéro 9. Épée ou anneau? Le théorème du caillou. Et là. Quand il pleut, il est important de mettre son. Kéway. Anorak. Anorak. Un point pour les nécromanciens. J'ai pas écouté, c'était quoi la question? Quand il pleut, il faut mettre son anorak, bien sûr. J'étais complètement à côté. On continue. C'est moins swag que le RPR, mais plus marrant que les Républicains. Je sais ce que c'est, mais je sais pas la blague. C'est un parti politique. L'UMP. Oui, ah, l'UMP. Ouais, attends, comme on dit dans le sud. Moi, moi. Ah, bien joué. L'UMP, hein. L'UMP. Voilà, donc ça L'UM... Oh putain. 2-0. 2-0. Oui, c'est épée ou anneau. Voilà. C'est recherché. Ok, quand même question. Yes, bonjour everyone, I am Nelson Montfort, live for the Jeux Olympiques of Winter from... Voilà, là, il fallait être né il y a longtemps. Gradon. Oui. Anano, Nagano, Nagano. Oui, Nagano. Oh merde. Nagano. Les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Alors, okay, attendez, parce que j'ai répondu à une question de ce quiz, ça y est, je me respecte. J'ai plus, rien quoi. Pour noter. Ça fait 2-1. 2-1. Tiens, vas-y. 2-1 pour nous. Nagano, hein. En 98, il y avait Nagano, il y avait aussi là. Là. Voilà. Là. J'ai pas compris cette blague. J'ai pas compris. Nagano. Oui, mais c'est quoi le rapport avec là c'est passé en 98. Ah, d'accord. Allez, on continue. Il a sauvé la France en 1940. Épée le, ou anneau. Oui, Steven. Maréchal des Pétains. Oui, oh, Steven. Le maréchal des Pétains. C'était lui. Bah, il a sauvé la France. Non, non, c'est pas on vrai. L'appelait le bouclier, le bouclier quand même. Hein, mais non. Souvenez-vous, l'élite histoire de 55, la question, le c'est bouclier. Pourquoi j'ai répondu à ça. Donc ça fait 3-1, le maréchal. C'est pas votre équipe, c'est Dragon. Oui, Dragon. Pourquoi tu réponds pas à celle-là, toi. Ouais, c'est vrai. Parce que lui, il cherchait une blague avec Hitler. Hein. C'est ça, je sais pas. On passe ensuite à une autre partie du quiz. La réponse était forcément Hobbit ou Mage. Ah, ça sent les bonnes blagues. Ouais, Hobbit, je sens bien. Déjà avec Anno, on les a esquivés. Hein. Bah, il y a eu Anorak et Nagano. Non, ouais. Mais c'est pas grave. Mais il y a pas eu Anal. On a eu esquivé. Ouais, on a esquivé. On s'attendait à des blagues Anal, quoi. Ah non, mais je suis pas comme ça, moi. Comment appelle-t-on avec Hobbit. Comment appelle-t-on les marins Hobbit. Attends, c'est Hobbit ou Mage. Hobbit ou Mage. Les Hobbits. Marins Hobbit. Et ils sont sur la mer. Ils ont des bateaux, mais c'est des Hobbits. Comment on les appelle? Vous ne savez pas? Pensez port. Je ne l'ai pas du tout. Vous n'avez pas? Des hobbits votre... d'amarrage. Oui. Oh, oh putain oh, les hobbits d'amarrage. Mais ça a doublé, Steven, là. Steven, bravo. Steven me connaît trop bien. Ouais, c'est vrai, c'est ça. 4-1, c'est la piquette. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai hobbits d'amarrage, putain. Un duo de variété française des années 80. Facile. Ah, Hobbit et Images. Ouais. Émile et Images. Émile et Images. Émile et Images. Ah putain. Émile et Images. Mais Hobbit et Images, ce serait un très bon truc. Donc oui, Émile et Images, hein, bien sûr. Tu réponds, tu donnes à qui du coup? Je suis fatigué. Je donne à Alexis pour mettre un peu de piment. Ah, ouais. Ça fait 4-2. Discrimination positive. Quand elles sont automatiques pourtant... et sur Windows, elles cassent les couilles parce que le PC s'éteint tout seul. Les mages à jour. Ah merde. Bah ouais, les mages mages quoi. Voilà. Ah, ça fait 4-3. Blague informatique. On est parti très loin. Qu'est-ce que fait Hobbit avec sa femme? Il l'obèse. Bah oui, mais ça marche pas. Bah, il l'obite, je sais pas. Il la pensée ville, comté. Il ne prend pas du fromage. Oui, le Hobbit Bourg. Le Hobbit Bourg, bien entendu. Avec sa femme, le Hobbit Bourg. Mais oui. Ça fait 5-3. Oh mon dieu. Le Hobbit Bourg. C'est bon, c'est pitoyable. Je me respecte plus. Et on passe dans la dernière partie du quiz, la meilleure. Il faut répondre en disant. Et c'est court. Jacques Chirac, Gandalf. Ou les deux. Et pour bien sûr justifier votre réponse. Ok. Il est vieux et sage. Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Pourquoi les deux, Alexis? Ouais, parce qu'il a eu l'intelligence de dissoudre l'Assemblée nationale. J'accepte, je te donne le point. Ça fait 5-4. Ah putain. Il a bien justifié. Il a eu quelques soucis avec la communauté. Les deux. Les deux. Là, c'est plutôt Gandalf parce que j'ai dit communauté, mais bon, c'est vrai que ça, j'accepte. Parce que, Jacques bon... Chirac a des problèmes avec la communauté, je suis là. Oui, oui bon, c'est vrai. Quand on le bruit. What do you want? Do you want me go back to my plane and go ouais, back voilà. to France? Bon, ça fait 5-5. Ils sont remontés. Non, mais je sais. Ils sont remontés. Il a eu quelques soucis avec l'Assemblée. Jacques Chirac. Ah, qui l'a dit en premier là? Tout le monde. Ouais. Je crois que c'est Charles. Mmh, ouais, je suis d'accord, c'est Charles. J'étais avant. Ça fait 6-5. Je m'incline sur celle-là. Il monte souvent gris-poil. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que Bernadette a les cheveux gris. Non, parce que c'est le nom du vagin de Bernadette Chirac. J'allais dire je conteste parce qu'il ne la monte plus, je pense. Ah, il a raison. Il est plutôt du genre à se taper des petites jeunes, mon gars. Il l'a souvent monté, mais c'est vrai que le vagin de Bernadette s'appelle gris-poil. Il est vraiment monté. Ah si, quand même. Attendez. Ah non, je pense qu'elle est un peu toute seule depuis un moment. Insémination artificielle. Je le sais de source sûre. C'est Charles Pasqua qui me l'a dit. Paix à son âme, bien sûr. C'est vrai. Comment t'écris paix? D'accord, le comme quoi, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Bon, il se passe quoi là? T'accordes le point ou pas? J'accorde le point à Alexis. Ça fait 6-6. Non, mais c'est une blague. C'est scandaleux. Ça fait 6-6. Scandale. Il en reste 2 là, c'est ça? Il en reste 2, exactement. Prends un peu plus ton iPad. C'est bien quand tu. Il a des pouvoirs magiques. Les deux. Non, Gandalf. Les deux. Pourquoi les deux? Alexis, tu as dit les deux, pourquoi? Parce qu'il est capable de disparaître de la vie politique en... Non, c'est pas vrai. En donnant l'excuse de la folie ou je sais il plus. Il a la capacité de boire pendant toute une journée de la Corona sans être bourré. C'est pas mal. Personne n'est bourré en buvant la Corona. Alexis, c'est les deux, mais tu as mal justifié parce que, en fait, les pouvoirs magiques de Chirac, c'est créer des emplois fictifs. Ah! Oui, mais il les partage avec Alain Juppé. Mais du coup, ils l'ont pas. Tibéri, il a ressuscité les morts pour qu'ils aillent voter aussi. C'est vrai. Mais du coup, vous ne l'avez pas dit, donc c'est un point pour Steven. Ah, ils ont pas justifié cette. Bah, mais ils ont dit. On a dit Gandalf. Gandalf a des pouvoirs magiques, il n'y a pas besoin de justifier. Voilà. C'est abusé. C'est vrai. Et dernière question. Et il y a combien? 7-6 pour vous? Ouais. Pour les nécros? Ouais, les négras. Celle-là vaut 2 points. Comme ça, non, c'est quoi ce scandale? C'est la dernière question, c'est le banco. Ouais, okay. Vendu. Il aime beaucoup la bière et fumer du bon tabac. Qui a dit les deux? Moi. C'est Alexis. Ah. C'est Alexis qui a dit les deux? Non, ouais. Alexis a dit Jacques Chirac. Non, j'ai dit les deux. T'as dit Jacques Chirac. Non, il a dit les deux. Steven a dit les deux. Steven a dit les deux, je crois que c'est effectivement bien. Allez, bim, 2. Ah, donc ça fait 9-6. Et bim. Voilà, un quiz simple et efficace. Mais on termine avec une citation de Jacques Chirac pour clôturer ce quiz. Allons voir et pas de Gandalf. À nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est bel et bien de Jacques Chirac. T'aurais pu faire une citation d'un des deux, on savait pas. Et tu vois, il fallait trouver qui a dit. Gandalf, bon. Ouais, c'est vrai que Gandalf est moins sur les femmes que Jacques Chirac. Plus sur les hobbits, Gandalf. Voilà, c'était un bravo au nécromancien. C'était un beau coup. Ah oui, moi je vous avais prévenu. Comme cadeau, je vous enverrai la chanson de campagne en 88. Ah oui, c'était beau, c'est vrai. Ah, je m'en souviens pas, moi. Et ben on la mettra en fond sonore à la fin de l'émission. Ça marche. On passe du coup, on retourne à nos petites questions pour aller de la fantasy, voilà, sans attendre. Sans transition, ça. Il y a une question qu'on n'a pas encore posée, c'est le truc du. On parlait des genres tout à l'heure, il y a l'urban fantasy, le beatlit, etc. C'est quoi tout ça? Le médiéval. Enfin, niveau genre, pourquoi on parle de urban fantasy? Pourquoi on parle de urban fantasy? Ouais, la grosse question en fait, c'est qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de genres dans la fantasy, mais il y a quand même quelques genres qui surnagent, ouais, si tu veux, notamment la medieval fantasy ou l'heroic fantasy. C'est pas la même chose. Medieval fantasy, personne l'utilise. D'accord. Je crois celle-là. Okay. Enfin, c'est possible, mais là, ce sera des accros aux étiquettes pour le coup. Tu penses plutôt à high fantasy et low fantasy, non? Je ne sais pas. Non, je parle. En fait, ce serait une différence avec l'urban fantasy. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'urban fantasy? Comme son nom l'indique, c'est une fantasy urbaine qui se passe généralement dans un. Alors, pas forcément. Dans un bourg. Dans un monde contemporain, tu vois. Dans un bourg. Ça peut être une. Alors, dans la très grande majorité des cas, c'est à l'ère moderne, tu vois, mais ça peut être une très grande cité, tu sais. Exemple, Buffy. Buffy, tu vois, c'est un peu la précurseuse. On va dire ça. On va dire c'est du mouvement dont parlait Steven, qui est la beatlit. La beatlit étant un sous-genre de l'urban fantasy. Mais quand même, Buffy, c'est de la beatlit. Ouais. C'est quoi la beatlit? Quand on a voulu présenter la beatlit, alors la beatlit, c'est en gros, c'est Buffy. Parce que la beatlit, c'est genre... quand même une catégorie. Qu'est-ce que vous si vous voulez, vous faites un podcast tout seul, les gars. Alexis, il est en français, regarde bien, super. La beatlit. C'est pour ça qu'Universe gagne 10 euros par mois sur Tipeee grâce à ta intervention comme ça. C'est vrai que la beatlit, c'est une catégorie qui a lancé Brajlon. Non, c'est en 2008 qu'on a lancé Milady, qui est notre label poche en fait. On a notamment lancé un segment beatlit. On fait pas des pommes aussi, qui l'a dit? Non plus. Okay. On a dit qu'on arrêtait avec Chirac. on a choisi ce terme parce que la fantasy urbaine, c'était justement une étiquette qui était un peu qui voulait tout et rien dire. Et est-ce du que coup... Booba, c'est de la fantasy urbaine? C'est surtout non, c'est fantastique. Et donc la Big Hit, c'est quoi? J'ai pas compris encore. Ben, on parlait de Buffy et en gros, c'est un peu la marraine du genre. C'est devenu très connoté grâce à Twilight et tout ça, avec des vampires, des loups-garous, etc. Oui, donc Twilight, Buffy, même combat. J'ai dit même je genre, fais pas l'amalgame. Attention, hein, j'ai dit que c'est devenu très connoté. On est Charlie, c'est pas d'amalgame. Arrête, putain. Mais c'est effectivement un segment que Milady a pas mal développé et qui a fait les beaux jours de Milady parce qu'il y a eu un. Bah on a, aujourd'hui, le lectorat, toujours confondu, il est principalement féminin. Il y a 2/3 de lectrices et seulement un petit tiers de lecteurs. Et pour Milady, tu veux dire ou... Non, global. Dans tout jeune non, les femmes savent lire. Le secteur de l'écriture. Arrête. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, je pensais pas. Le lecteur principalement. Temps, ouais, ça ne marche pas sur les romans scientifiques. Ça reste à la maison, on va rien faire, hein, ça peut bien garder les livres. Voilà. Non, c'est pour vous. C'est lamentable. T'as Babelio qui a fait une étude il y a pas très longtemps. Oui, vous allez en parler, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais enfin, on s'est échangé le lien, mais on l'a pas lu. Elle est assez intéressante, mais elle nous a pas surprise. Et en gros, on apprend, parmi les utilisateurs de Babelio, ce qui leur étude était assez particulière. C'est quoi Babelio? C'est un site. C'est un site communautaire. C'est comme event.fr. Si tu veux, mais pour la littérature. D'accord. Au sens très large du terme. Et donc Bitlit, c'est une ville, des loups-garous, des vampires et des gens qui les tuent. Alors ça, c'est très réducteur, mais ça peut être ça. Ça Underworld. Peut être des anges, ça peut être des mages, hein, ça peut être. Y a, Charmed. C'est... Ouais, aussi. Hey. Charmed, c'est de la Bitlit. On peut, ouais. Alors, tu vois, lit, c'est pas pour littérature. Toi, j'explique si. Le terme. Mais ça, c'est pas. Lit, donc bit pour to bite, mordre, et lit pour littérature. Ah. C'est une référence à la chick lit, donc la littérature bourgonzesse, littéralement. Genre gossip et tout ça. C'est exactement ça. Ah. Et du coup, alors que. Le mec comprend. Avec une épiphanie intellectuelle. Utile dans ce podcast. Exactement. Non, mais il a répété bit encore 4 fois. Là, vous l'avez compris. C'est vrai. La bite. Et du coup, c'est de la fantasy urbaine, donc très féminin, plus ou moins sexualisé. Forcément, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des trucs. La tête de gondole du genre, c'est Twilight, j'imagine. En tout cas, c'est le plus connu. Non. Oui, à ceci près que c'est vendu au rayon adolescent. C'est vraiment vendu au rayon jeunesse, Twilight. Ouais. Tandis que c'est un genre qui s'étend. Il y a des auteurs comme Laurel Hamilton, comme Charlène Harris, qui. Là, c'est pour le coup, ça se passe pas sous la couette comme sur ABC. Là, c'est en full frontal, tu vois. Donc, c'est plutôt HBO. Donc, c'est en gonzo. Joséphine, ce serait plus de la bitlit, du coup. Pardon ? Joséphine, ce serait plus de la bitlit, du coup, parce que c'est dans la ville. C'est urban fantasy. Oui, mais il n'y a pas de romance. Attendez, moi quand je suis devant Joséphine, il y en a une chez toi. Il y a de la romance. C'est pas de la romance là. Alors, c'est vrai que la romance est un point de vue important de ce genre et c'est pour ça que les Américains ils parleront eux de paranormal romance. Tu vois, est-ce que ça inclut ce que les Américains appellent le paranormal porn? Enfin, il y a des auteurs qui se revendiquent totalement c'est comme ce segment quoi. Ça c'est un peu plus, c'est tout. Pardon? C'est que c'est un peu plus hard. Non, mais en général, c'est quand même genre des femmes qui baisent avec des triceratops quoi. Ah, c'est le dino porn. Tu vas sur Amazon, tu tapes dino porn, tu te tapes des barres. Ouais, c'est vrai que c'est tout, magnifique. Chez vous. Tout un univers sur moi là. Chez vous, tapez dino porn sur Amazon et c'est vrai que c'est merveilleux. Ah, je savais pas. Non, mais. Et en plus. Tu viens de me révéler un univers là. Non, mais attends. Et ça, c'est. Parce que bon, on fait des recherches, on est sérieux. Et. Et chaque matin, on voit popper des trucs qui sont encore plus. Étrange. Et Brajon ne fait pas ça. Non, Brajon ne fait pas ça. Mais il y a un certain mouvement de pression. On a un terme éventuellement. Parce que la nana qui a lancé ça, elle est millionnaire. Quoi. Ouais, elle fait de l'auto-édition, mais maintenant elle est millionnaire. C'est elle qui a lancé le dino porn. Ouais. Mais t'imagines, la meuf, c'est un génie. Quoi. Mais c'est trop fort. En fait, dans la vie, il y a eu Homer et elle. Non, mais tu regardes les vous aviez raison en disant que la deuxième partie serait beaucoup plus drôle. Parce qu'on est plus bourrés aussi. C'est ça, c'est l'alcool. Quand tu vas sur Amazon, tu vois le résumé des bouquins, c'est bon, voilà, il y a Shirafi de l'Est, de la bourgade préhistorique, tu vois, et elle rencontre ce ptérodactyle, et bon, il se passe quelque chose entre les deux. Oh, Dieu. Putain, mais quand il biffe le tristarotage, ça va être quelque chose. Hein. Mais ça, en plus, ça a l'air génial. Je sais pas si tu peux mettre des liens, si tu mets ça sur un billet, sur un site, mais je trouverai les trucs, parce qu'à partir de là, on a trouvé d'autres trucs, on a trouvé du gay porn légal, donc dans un milieu juridique avec des raptors. Alors là, les étiquettes, là, mon votre gars. Votre honneur. Là, il y a de l'étiquette. Tu vois, Non mais, c'est beau. Est-ce qu'il y a Chris Pratt? Non. Ouais, ce serait bien. J'ai ce pas mené bien. Mes investigations jusque là, mais bon, ce alors pas on était sur la beatlit et sur l'urban fantasy. On pourrait dire que c'était quand même de la fantasy, mais sans chevalier, sans armure, ou alors dans la ville, comme bah, Fables. Comme un indien. Fables, du coup, c'est de l'urban fantasy aussi. Alors bah, précise parce que de quoi tu parles. Fables, ouais. C'est un comics avec des personnages de contes de fées qui sont de Bill dans Willingham. New York. Tout et qui du coup c'est pour survivre à New York. Ça c'est de l'urban fantasy. La majorité de l'œuvre de Neil Gaiman c'est de l'urban fantasy. Neverwhere c'en est. C'est un gros. Enfin, la beatlit c'est vraiment qu'un segment d'urban fantasy. Okay, d'accord. Bon bah c'est un. On voit déjà. Mais que... c'est vrai que quand on parle, pardon, le regard qui vient de lui lancer. Je l'emmerde. Quand on parle de fantasy, on a plutôt un truc médiéval en tête. Ouais, c'est un vrai. Univers médiéval avec de la magie quoi. Et comme quand on j'aurais dit pareil mais en mieux. Donc c'est bien que tu m'as coupé. Bah vas-y, dis-le, vas-y, redis-le si ça te fait plaisir. Non, c'est bon, merci. Ouais, donc voilà. Oui, on voit des trucs médiévaux, mais là c'est dans la ville, donc on voit déjà que la fantasy n'est pas ce qu'on pensait au début. On apprend des choses super bien. On voit des trucs médiévaux, mais dans la ville, c'est le musée du Moyen-Âge. Vous avez dit exactement la même chose. Hein. Mais bon. Ça fait partie des codes, effectivement. Du mettre fan dans le jeu de rôle, dans la littérature, la BD, dans le cinéma. Hein, le Seigneur des Anneaux, on peut pas dire que ce soit autre chose que du médiéval. Mais c'est un code, ça peut être un cliché, mais la fantasy, ça peut être autre chose. Ça peut se passer à la Renaissance, ça peut se passer pendant un conflit armé. Même dans le futur, ouais. Quoi que ce soit. Ouais. Oui, il y a pas. Non, mais il y a quand même des cibles assez principales. Le Moyen-Âge, on est une. La Renaissance, un peu. Mais par exemple, on va peiner à avoir de la fantasy au 18e siècle. Parfois même, on double peine à avoir. Ouais, je savais qu'en disant ça. C'est marrant parce que j'ai Steven et Stavro dans le même angle de vue. Si je dis Steven, ils disent peiner. Et là, il se passe quelque chose dans les yeux. Mais même pas une seconde. Et là, ça y est, il faut que je s'en vende. Tu vois, j'ai eu le même regard quand tu as dit cap et d'épée tout à l'heure. Mon regard s'illumine. Non, bah, je sais plus ce que je disais à cause de ça. Tu disais que. On peinait à avoir. La fantasy avait une cible pour la médiévale. Ouais. Médiévale, comme la SF, elle a une cible pour le futur, etc. Ouais, mais moins, beaucoup moins, par exemple, 18e, 19e, 20e. Ça existe. Il y a quand même le steampunk. Ça existe, mais. Il a mouché là, hein. Il y a le steampunk, mais tout de suite, c'est. Alors déjà, steampunk, ce sera pas 18e, ce sera 19e. Mais Lovecraft, c'est pareil, c'est fin 19e, début 20e. Ouais, mais c'est parce qu'il est écrit là-bas. Non, c'est fin 20e, début. Non, fin 20e, oui, bien sûr. Lovecraft, il y avait les morts il y a 20 ans, Lovecraft. Fin 19e, début 20e, c'est ce que j'ai dit, mais c'est bon, c'est pas grave. Non, mais. On dit la bite un petit peu pour te calmer. En tout cas, il y a des grosses cibles, quoi. Ouais, le meilleur médiéval est une grosse cible. Ouais, c'est représente. Alors. J'essaie de conduire ton émission, connard. Tu m'aurais posé la question. Bah, il y a 20 ans, je t'aurais pas répondu parce que j'aurais pas été intéressé. T'avais 10 ans. Mais, 12. Ouais, ça aurait été l'essentiel du genre. Maintenant, c'est de plus en plus diversifié, quoi. D'accord, donc on voit que la fantaisie n'est pas seulement quelque chose avec des épées. Merci. Voilà, c'est bien. On va du coup s'intéresser. C'est le moment de Steven. Le moment où Steven va crier encore un petit peu parce que Steven, il est aigri parce qu'il ne couche pas assez avec un mec vénère, Steven. J'ai eu peur que tu. Voilà. Que tu racontes ta vie sexuelle. Non, voilà. Je ne permettrai pas. Non, tu l'as assez raconté pendant toutes les dernières émissions. On va parler simplement du kitsch. Il suffit de taper fantasy sur Google pour voir des tombereaux d'images qui pourraient être sur un skyblog avec des loups. Qui ont une épée dans la bouche avec un clair de lune derrière eux. C'est vrai. On dirait que voilà, faut avoir 14 ans. Et Vladimir Poutine qui les chevauche. C'est vrai, tapez fantasy sur Google Images et ça va être magnifique quoi. Un concert de Johnny. On dirait un concert de Johnny ou un skyblock d'une meuf pseudo-gothique qui aime bien Evanescence et Charmed ou Buffy et qui du coup fait des beaux dessins elle-même avec sa tablette graphique. Donc pourquoi la fantasy, ça doit être kitsch? C'est vrai qu'on parlait d'urban fantasy, on a parlé de Charmed dans le genre kitsch. On est assez loin. Twilight dans le genre kitsch, on est assez loin aussi. Mais même dans de la fantasy un peu plus respectable, il y a quand même pas mal de kitsch. Je vais faire tout le podcast comme ça maintenant. Je vais faire tout le podcast en mangeant des pour chips. Pour revenir sur mon exemple de tout à l'heure, parce que César il est en train de manger. Lovecraft, c'est pas spécialement kitsch. Je suis d'accord. On peut en parler. En fait, c'est une question d'interprétation. Tu vois, ce que toi tu appelleras kitsch, peut-être que Charles il dira que c'est un code du genre. Tu vois. Ça, c'est une différence de niveau intellectuel. Mais culé, je te sors de chez lui. Mais comment je t'emmerde. Mais je sais bien. Non mais le kitsch, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que du metal fan, hein, tu vois, c'est un code comment dire, qui est inhérent au genre, et on peut même parler de cliché, hein, c'est pas un problème, mais quand tu vas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu vas dans ta librairie pour prendre un bouquin de fantasy, tu veux une certaine dose de cliché, tu vois. Si t'as pas ton barbare avec une épée à deux mains alors qu'il est marqué truc touche le barbare sur la couvre, forcément tu vas être mécontent, tu vois. Si c'est l'histoire d'un comptable, bon bah, y a un problème. Alors Steven, est-ce que le kitsch est sérieux, parce qu'on veut pas, est-ce qu'on veut pas un peu de kitsch, hein? En même temps, je pense que si tu sors un petit peu des standards de la fantasy, tu rencontres pas forcément le kitsch, quoi. Je pense par exemple à Donjon, la BD française qui fait du coup du fantasy mais en zoomorphisme. C'est des animaux qui sont dans un univers fantasy. Ben ça casse quand même assez les clichés et le kitsch en fait de la fantasy, quoi. Mais Alexis, rappelle-toi de la FK numéro 5, oui, tu étais invité. Je m'en souviens très bien. C'est pas que les clichés. Je suis d'accord. Le kitsch, c'est un certain rapport à des choses, notamment un certain rapport à des objets. Et on voit déjà beaucoup dans le fantasy une volonté de collection. Bah pour vous tous qui avez acheté une réplique de l'anneau du Saint des Anneaux pour le porter au cou, voilà. Vous êtes kitsch. On est dans le kitsch. Et alors c'est ça. Et quand t'as acheté la réplique d'Anduril et que tu l'as mise sur ton mur, c'était quoi? J'étais kitsch. Et c'est Portugal. C'est ça. Vous l'avez dit. Arrêtons avec cette blague que je regrette déjà. C'est aussi papa, une certaine, maman, ils ne le pensaient pas. Une certaine manière de présenter quelque chose comme authentique. Alors que c'est tout pourri. Alors que c'est du plastique, quoi. Et notamment dans la fantasy, on a dans la construction des mondes, on a souvent tendance à essayer de fabriquer de l'authentique. Par exemple, quand Tolkien fabrique ses langues, on fabrique quelque chose qui doit sembler authentique. Mmh. Et c'est exactement là qu'est né le kitsch. Alors attention, moment Wagner. Wagner, quand il fait des trucs comme Percival ou les Nibelungen, qui sont des opéras, il essaie il commande des livrets, c'est-à-dire ce qui va être chanté, avec quelque chose qui doit sonner vieil allemand, sans être vraiment du vieil allemand parce que c'est incompréhensible, mais ça doit faire comme si ça en était, quoi. Mmh. Et le kitsch, c'est aussi ça, c'est essayer de vendre quelque chose ou de proposer quelque chose comme si c'était authentique, alors qu'en fait c'est du plâtre et du plastique. Je suis d'accord, mais c'est parce que c'est des gens justement qui essayent d'imiter quelque chose. Imiter une certaine manière d'être de la chose. Donc du coup, ce que je disais, c'est que si tu sors un petit peu des standards de tous ces trucs-là, tu peux réussir à dégager du kitsch. Mais César disait qu'on veut tous un peu de standards quand on va prendre un livre de fantasy. De SF ou de thriller, hein. Quand tu vas en rayon SF, si t'as pas pour acheter un space opéra, si t'as pas des vaisseaux dedans, bon bah t'es un peu déçu. Ouais. Donc il y a quand même une certaine inhérence au genre. Puis une certaine tendresse envers le kitsch, quoi. Je pense que d'abord. C'est pour ça qu'on aime bien Steven. Cette blague était pourrie. Excuse-moi. Ouais, mais elle a fait son effet. Elle a fait surtout un gros blanc. Non, mais par exemple là, j'ai dans les mains Les Portes de la Mort. Yep. Qui est un roman publié chez Pocket Fantasy. Qui parle de portes et de mort. Exactement. Le tome 1, c'est Les Ailes du Dragon. Et à la fin ça parle de dragon. De ce roman, disons, discutable, on a une sorte d'annexe avec les explications de comment fonctionne la magie dans ce monde. Mmh. Qui est pour essayer de rendre ça un peu, je sais pas, crédible ou je sais pas quoi, mais un peu authentique, tu vois, comme s'il y avait des scientifiques qui avaient écrit sur la magie dans ce monde, essayer de rendre ça un peu crédible, alors qu'on sait tous, au fond, que ça ne l'est pas et que c'est fabriqué pour faire genre, mais je crois que je connais mal Wes Ekman, mais ils ont une carrière démentielle derrière eux, mais ces deux-là, tu vois, ils ont justement une carrière démentielle derrière eux, et ils ont créé un nombre incalculable de choses, et je pense que il y a la volonté artistique de faire quelque chose parce que c'est leur dada, tu vois. Ils trempent dans l'univers qu'ils ont créé, ils surkiffent, tu vois, et donc forcément ils étendent leur univers de toutes les manières qui leur semblent appropriées. Non mais quand je dis kitsch, c'est pas quelque chose de négatif. Ouais, j'ai bien compris. C'est ce qu'on essayait de développer notamment dans la FK5 sur la SF. FK5, voilà. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est un certain rapport à l'art. Et tu vois, par exemple, j'ai parlé de Wagner. Mm-hmm. Wagner trempe dans le kitsch et c'est pas pour ça que Wagner c'est de la sous-culture. C'est un nazi. Ça, c'est autre chose. Faudrait faire une FK sur les nazis et le kitsch. C'est un proto-nazi, on peut chacun dire. Ses hobbies, oui. Chacun ses hobbies. Chacun ses hobbies. Chacun ses hobbies. C'est un certain rapport avec la volonté de fabriquer quelque chose d'un peu authentique, alors que ça ne trompe personne et c'est pas fait pour tromper non plus, quoi. Ouais, bah après, je suppose. Est-ce que c'est inhérent au genre ou pas? Ah ouais, bah rien que la carte, tu vois, qu'il y a un bouquin de fantasy sur deux, toujours qu'il y a carte pour dire bon bah voilà, même, il se passe là. Même si le bouquin s'en sert pas du tout, tu l'as toujours. Ouais, ouais. Et du coup, enfin, je crois que c'est un héritage du jeu de rôle, c'est aussi la carte, tu vois, c'est pour dire peut-être, bon bah voilà, on va se balader de telle région à telle autre, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi pour rendre un peu réaliste le truc? Bien sûr. On fabrique une carte, on fabrique les règles de la magie. C'est vrai que toute une partie de la fantasy, c'est le développement de l'univers aussi. Et moi, ça m'énerve un peu ça. Tu crées un univers de toutes pièces et du coup tu dois faire en sorte que ce soit un univers qui marche et tout ça. Le truc c'est que il faut que l'auteur, si ça a un intérêt pour son récit et que ce soit fun, très bien. Si c'est lui qui se branle pour dire il y a 14 sous-systèmes de magie et en dessous il y a 212 divisions de chaque école de magie, bon forcément. Mais je trouve souvent que c'est ça. Enfin, c'est l'image que j'ai. C'est au lieu de simplement utiliser ce qui est important pour le récit, parfois on a des descriptions de trucs qui servent à rien mais qui sont là pour t'émerveiller, comme on disait, et pour te dire tiens, il a créé ça, c'est génial, j'avais jamais vu ça et tout, alors qu'on s'en fout parce que c'est pas dans l'histoire. Et c'est pour ça, c'est la question que je aussi j'ai, peut-être tu peux y répondre, pourquoi ils font toujours des cycles? Pourquoi il y a pas juste un roman avec une histoire? Pourquoi il y a 10 romans? Et est-ce que le mec a dit attends, moi je vais faire un univers de ouf, il va se passer plein de choses dedans, parce que ça me fait chier de faire tout ça. C'est un peu pas, je trouve que c'est un peu relié à deux questions. Il y a Alexis qui levait le doigt, je trouvais ça mignon, donc on va lui laisser la parole. Oui. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est aussi la question de est-ce que l'auteur est plus ou moins doué ou pas. Est-ce que tu distilles à des petits endroits de ton récit des idées sur ton univers, etc., qui vont faire évoluer petit à petit l'intérêt de ton lecteur pour ton univers et vraiment stimuler son imagination, comme tu faisais en disant la bite à répétition. Exactement. Ou est-ce que tu livres dès le départ toutes les clés? Et après, YOLO, quoi, tu vois. Cet homme a raison. Analyse littéraire, et après, cet YOLO, quoi. Donner la parole, moi. C'est son mémoire, bien sûr, n'oubliez pas. Mais non, mais tu vois Damasio sur la route du contrevent, il te donne aucune interprétation. Non, mais après, aucune, j'ai l'impression que c'est deux manières de creuser ton univers. C'est deux manières de présenter la fantasy. En lisant un peu, je me suis rendu compte que soit, voilà, on fait comme Tolkien, au début, on présente l'univers, soit comme des romans, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais La Marque qui est publiée chez Bragelonne, j'ai oublié le nom de l'auteur, Jacqueline Carré. Ouais, là c'est pas forcément subtil d'ailleurs au début, mais on c'est pas fait du tout pour être subtil. En gros, ce que tu veux dire, dis-moi si je me trompe, en gros ça se passe dans une Europe fantasmée, hein, quand tu vois la carte, bah c'est l'Europe, la France, l'Espagne, etc. Et sauf que la France s'appelle pas la France mais Terre d'Ange, et elle se sert de ce contexte qui est pas spécialement inspiré de prime abord, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est revoir la mythologie qui se passe dans ce monde là et la marque c'est le premier bouquin d'un cycle très sulfureux avec beaucoup Kendrick, de cul. Kendrick La Marque, mais oh putain, c'est clairement porn comme bouquin, mais c'est extrêmement bien écrit. Porn. Et pour le coup, c'est qu'un décor, tu vois. C'est pas exactement ça que je voulais dire, mais justement, elle essaie d'introduire dans les premiers chapitres. Introduire, c'est rigolo. Pour un bouquin de porn, oui. Ah ouais, c'est très drôle. Elle essaie d'introduire un petit peu. Mais vous m'emmerdez. De mettre en place un petit peu au début les éléments tout en mettant des questions rhétoriques, des machins comme ça. Genre, je te présente l'univers, mais comme si t'étais censé le connaître. Et en fait, non, mais ça va venir petit à petit, tu vas comprendre. J'ai l'impression qu'il y a deux manières de présenter la fantasy. Soit arrêter. Soit une médiat stress au fur et à mesure. Ouais, exactement. In medias res, le mec parle latin. Ça veut dire quoi, in medias res? Au milieu des choses. Bien joué. Par exemple, hier, j'étais in medias res dans ta mère. Oh merde. Donc, soit in medias res et pas dans ma mère, soit à la Tolkien, genre, allez, je te balance 100 ou 200 pages, ça dépend des éditions. Oui, de, c'est ce que je te présente le monde. Et voilà. Bah, je après, il ouais. Y a des auteurs, tu vois, j'ai Terry Pratchett, un livre de Terry Pratchett entre les mains. Et c'est un auteur. 50 bouquins qui en a fait 30, mais qui est un auteur qui joue vraiment avec ça, avec le fait de vouloir tout expliquer, de faire ça, et qu'en fait, qui introduit de l'absurde dans tous ces trucs-là, parce que c'est absurde fondamentalement. Faut dire, le Disque Monde, c'est un monde qui est. Donc le roman de Pratchett, le cycle. C'est un monde qui est plat, qui repose sur quatre éléphants, qui eux-mêmes sont sur une tortue. Et en fait, il t'explique comment marche ce monde et tout ça, alors que, un peu comme dans tous les romans de fantasy, mais vu que c'est absurde, ça devient complètement n'importe quoi. C'est très drôle. À mon avis, ce que veut dire Steven, c'est que là, c'est, tu vois, les informations sur le Disque Monde sont éparpillées sur tous les romans. Et si on ne répétait pas ce qu'on a dit quatre fois déjà? Non, mais c'est ça. Mais oui, il y a deux écoles, soit tout au début, soit au fur et à mesure. Mais pourquoi on disait ça déjà ? On disait ça pour parler des cycles, parce qu'on disait que les univers étaient parfois développés, pourraient développer sans amener quelque chose au moment. Et on va du coup passer à une autre question, parce que Charles, vas-tu vraiment dire quelque chose d'intéressant ? Je ne crois pas, toi non. Enculé. On va pouvoir passer à une question très intéressante. Sur simplement, Charles, je vais pouvoir répondre en premier, parce que j'étais quand même un peu bloqué. Qui sont les lecteurs de fantasy ? Est-ce qu'il faut être forcément enfant pour être émerveillé par les épées, les dragons et la excuse-moi, magie ? Excuse-moi, mais tu es ce soir un maître de la transition. Hein. S'il y a pas une école de transition qui nous écoute... Je pense qu'ils peuvent prendre des notes. Transitologue. Hein. Parce que c'est, à chaque fois, c'est bon, bah on a parlé de ça, alors maintenant qu'est-ce qu'on va parler ? Bah qu'est-ce qu'il y a sur mon conducteur ? Eh ben, on va parler de ça. Non, mais du coup, on ne parle pas du tout des cycles en fait. Parce que c'est quand même hyper intéressant. On a juste dit que les cycles. On y reviendra, Charles. Non, mais. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé finalement. Vas-y, alors les cycles. Non, mais parce que. Alors parce les cycles, c'est 3 jours à la fin du mois pour beaucoup de gens. La blague attendue. C'est bien d'être 5 hommes autour d'un micro. Quand tu fais un roman de fantasy, quand tu fais créer un nouvel univers, tu ne crées pas juste. En fait, une histoire avec des héros et tout ça, tu crées aussi cet univers et tu. Mais ça sert à quoi le développer juste pour le développer ? On veut juste une histoire qui soit bien. On s'en fout qu'il y ait un château en forme de bite. Ça nous intéresse pas. T'as tout un univers et tu peux faire des multiples histoires dessus. Et en fait, si tu développes en créant des cycles, tu développes aussi l'histoire de ton univers en racontant des histoires. En fait. J'écoute pas, vous disiez quoi ? Charles, je vais juste faire intéressant. En fait, j'ai laissé parler Charles et ma première intuition était bonne, c'était pas très intéressant. Alors, qui sont les lecteurs de fantasy ? Non, attends, Charles est un lecteur de fantasy. Non, maintenant, vous avez Charles a niqué le crédit tout le monde pour cette question. On passe à la question suivante avec la transition qui est Charles dit la merde. Charles est un lecteur de fantasy. Est-ce que les lecteurs de fantasy sont des connards ? C'est maintenant qu'on la pose. Et la transition est maintenant tout trouvée. Alors là, c'est très beau. Faut-il être jeune pour lire de la fantasy ou faut-il être de tout âge, de tout race, de toute provenance. Je pensais que t'allais dire que tu être jeune ou simplement être con. Voilà, est-ce que ça peut émerveiller à tout âge la fantasy ? Bah c'est regarde César, je sais pas. Bah César, il est pas jeune. César, il est pas jeune, mais bon du coup. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est con, hein, César. Non, voilà, est-ce que toi, César, vu que tu passes un peu dans le milieu, dans le game, tu peux nous dire, est-ce que du coup, là, il y a les lecteurs, c'est quoi c'est qui les lecteurs de fantasy ? Est-ce que c'est des mecs qui ont des skyblogs et qui mettent des photos de dragons ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est notamment, je vais être très We Are the World pour le coup, mais on a des lecteurs de 7 à 77 ans. Comme moi dans mon lit. Non, mais, c'est une anecdote à la fois drôle c'est et pas drôle. C'est pas des lecteurs chez toi. Ils sont on a un cycle qui s'appelle La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est bon, un cycle assez important dans le genre. Et on fait une nouvelle traduction du cycle qui en compte 14 tomes. On en est à 7. On fait un tome par an pour le moment parce que ce n'est pas fait monstrueux. Et quand on a récupéré la série, il manquait 3 tomes inédits pour que la série soit terminée en France chez le précédent éditeur. Un des premiers mails qu'on a reçus, c'est un vieux monsieur qui avait 70 ans. Il disait, vous pouvez pas accélérer un petit peu parce que je pense que je vais mourir avant. C'est génial. C'est fantastique. Donc j'ai à la fois détesté et adoré mon job ce jour-là parce que j'ai dû lui répondre que non. Ah, les boules. Ah la vache. Oh, le petit pauvre homme. Tu aurais dû lui donner le mail de l'auteur pour qu'il lui demande la suite. Il est mort. L'auteur ? Oui. Ah mince. Donc, tout le monde est mort. mais du coup, qui est le lecteur de fantasy ? Bah, il peut Bravo de plus Steven. En plus. Il est jeune parce que grâce à Harry Potter, enfin, ça a vraiment fait quelque chose. Qui est du coup un peu de l'urban fantasy. Oui, voilà. C'est bien, t'as retenu. Hey. Mais enfin, le phénomène a permis à ce que le rayon jeunesse a vraiment grossi. Et maintenant, toutes les adaptations cinématographiques que tu vois, c'est issu de séries qui sont avant tout dédiées aux jeunes lecteurs, même si c'est sorti du rayon et maintenant c'est tout monsieur et madame tout le monde qui lit ces cycles, tu vois. Mais en fait, t'en as pour tous les publics. On parlait de Jacqueline Carré, tu vois. Bon, c'est clairement pour adultes. Il y a des bouquins qui sont pour les 4-8, des bouquins pour les 8-12 ans. Et genre pourquoi il y a Aragon, un silence par exemple. Ouais, quand j'étais petit, je lisais Eragon, c'était pour les jeunes. Voilà. Ouais, clairement, c'est pour du 10 ans, Eragon. C'est sans doute très bien pour du 10 ans. Eragon ? Eragon, ouais, tu connais pas ? Eragon. Oui, aussi. Ok. Si non, mais c'est pour ça que je fais encore son grammaire nazi, quoi. Trop pas. Et vous, est-ce que des opinions sur qui lit la fantasy ? Donc, moi, je me demande, dit, c'est tout le monde. Moi, je me demande si c'est pas une question de médium, en fait. Ah, sans si. Non. Oui, tu crois qu'il y a des gens qui lisent plus, mais qui du coup le voient au cinéma ou en jeu vidéo ? Bah, même en BD. En alors qu'ils lisent au cinéma parce qu'ils s'emmerdent. J'ai l'impression qu'en BD, il y a une frange plus. Enfin, comment dire, il y a vraiment, de toute façon je pense qu'il faut, enfin dans ma tête en tout cas, je distingue vraiment tout ce qui est jeunesse etc. du reste. Et dans le reste, je pense comme a... Oli. Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de franges. Le grand public qui fait cette distinction, c'est que tu vois, quand t'as Madame Michu qui achète un bouquin de fantasy à son gamin, c'est pas grave parce que c'est pour son gamin, tu vois. Madame Michu, elle fait toujours beaucoup de choses. Mais Madame Michu, quand elle achète un bouquin de fantasy pour son gamin qui, bon, qui a 32 ans et qui est encore à la maison, tu vois, là, il y a un problème, tu vois. Bon, effectivement, il y a un problème, mais. Ouais, je pense, ouais, il y en a un. Mais. C'est pas fantasy le problème. Mais c'est pas la fantaisie le problème, effectivement, tu vois. C'est bien, Charles, tu comprends peut-être n'est-ce qu'un symptôme. D'accord, donc on a juste dire ça, c'est tout le monde qui lit la fantaisie. C'est ça. Je suis pas d'accord. Ah, bah, c'est un contrepoint. Mais c'est vrai que c'est plutôt les barbus. On a passé notre temps à dire que tout le monde ne lisait pas de la fantaisie et que c'était que notamment au point de vue de l'élitisme, c'était pas vu. Alors moi, je dis que ça peut être tout le monde, tu vois. C'est ça le truc. En puissance, c'est tout le monde. Tout à fait. Ah, merci Aristote. Voilà, non mais c'était le point aristotélicien, je me sentais. Non mais je suis d'accord, tu vois, mes parents ont jamais lu de fantasy quoi. Ah mais moi par exemple, j'ai arrêté de lire de la fantasy, enfin, c'est pas une volonté, moi si je retrouve un truc bien, je le lirai, pas de souci, avec plaisir. Mais ça me vient moins naturellement qu'avant d'en lire parce que j'ai lu les Game of Thrones. Ah oui, c'est vrai. Il y a pas longtemps. Bon bah en fait, bim, en fait, j'avais oublié ma vie. Bon bah en fait, j'ai rien dit, c'est bien. Mais non mais pas parce que... en fait, j'en lis moins qu'avant quoi, voilà. Peut-être mais aussi tu vois, ces deux exemples là, c'est plus de la fantasy, c'est du mainstream quoi, encore une fois. Mais ouais, moi j'ai un problème avec ça. Allez, j'y vais. C'est que à chaque fois qu'on dit c'est plus de la fantasy, c'est du mainstream. Qu'est-ce que ça fait à la fantasy? Je le dis pas moi. Hein. Ah d'accord. Attention. Hein. Je parle du grand public j'ai justement. J'ai plus à gueuler alors. Qui, non, mais après. Ces gens-là, ils vont aller dans leur librairie, ils vont voir le truc en étalage, tu vois, en tête de gondole, ils vont pas se poser de questions de savoir ce qu'il y a autour, tu vois. Ils vont pas parce que tous les phénomènes. Alors. Harry Potter, c'était monumental. Si tu veux, toute la littérature jeunesse en a profité. Ouais. Game of Thrones, aujourd'hui, ne fait pas spécialement profiter le reste de la fantasy. D'accord. C'est ouais. Comme Hunger Games ne fait pas profiter tout ce qui est roman dystopique, tu vois. Ça crée des vocations. Il y a forcément un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser à des bouquins du même genre. Tu vois, il y a les mamans, elles sont trop contentes de dire « Ouais, mon gamin, il a aimé Hunger Games, donc est-ce que vous avez quelque chose du même genre ?» Et bah, forcément, ce genre-là bien précis se développe. Par contre, si toutes les personnes qui avaient vu Hunger Games, un, achetaient le bouquin, deux... Ça a bien marché en Afrique, je crois, Hunger Games. Hein. deux... Putain, mais c'est... Non, mais c'est lamentable. Parfait. Ta gueule, c'est de la nécromancie. Arrête, Zaza n'est pas là, tu en profites. Arrêtez de rire, ça l'encourage. Donc tu disais, on parlait de l'encourager le genre grâce à des romans tête de gondole. Voilà. Mais je sais plus. Non mais moi je voulais juste rajouter un truc, c'est que Stavro nous dit qu'il lit plus beaucoup de fantasy. Mais quand tu regardes, c'est qu'en lecture. Après, en jeu vidéo, il bouffe du Dark Souls toute la journée. Il fait que ça. Après. Non, mais en fait, moi, je vais préciser juste ce que tu dis. Il lit plus beaucoup de fantasy. Il lit plus beaucoup tout court. Voilà. Mais il joue à Dark Souls, qui est de la fantasy, tu vois. Ah ouais, on joue à FF8, c'est de la science fantasy. Donc oui, voilà, ouais. Tu as raison. Et j'attends mon film de Warcraft, alors que ça va être de la merde. Donc oui, effectivement, la fantasy, ouais, ça se développe sur d'autres supports. On parlera tout à l'heure des autres supports qui amènent la fantasy dans nos têtes. Pour l'instant, moi, j'ai une petite question avant. Ah. Est-ce que certains trucs de super, enfin trucs, histoires ou je sais pas quoi, de super héros peuvent être de la fantasy? Bah bien sûr. Thor, c'est de l'urban fantasy. Thor, c'est de l'urban. Si tu veux. J'aimerais dire que si toi tu mets ça, envie de mettre ça dans l'étiquette fantasy, c'est de la fantasy. Là c'est flou là. Même à mon avis, tous les trucs des X-Men, etc. Les X-Men, ils s'évoluent dans un monde où la population sait qu'il y a des mutants, donc c'est de la fantaisie. Et au fond de la salle, t'auras quelqu'un pour dire non, les X-Men, c'est quand on a trouvé le génome, la cellule de la mutation, et donc c'est ça l'élément perturbateur, et donc c'est du fantastique, tu vois. Ouais. Et d'autres qui diront non, c'est de l'anticipation parce qu'on veut te dire que c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que c'est pas ça un des problèmes de la fantaisie pour être accepté, c'est de pas avoir vraiment de définition au final. La première partie du podcast. Non, mais c'est vrai, on a pas beaucoup avancé. Parce que lâche le couteau, ça bro, c'est pas grave. On n'a pas beaucoup de moyens de définir ce que c'est ou au moins de classifier quoi. Non, mais alors c'est comme tous les gens. La classification, elle peut se faire aussi simplement que par un mot, tu vois. Il parlait de merveilleux, Alexis, tu vois. Pour les Anglo-Saxons, ça suffit quoi. Enfin, le terme fantasy. Oui, mais pour les Anglo-Saxons. Non, mais c'est mais comme pour tous les vrais gens, t'as toujours des limites. Pour eux, un thé à l'amande suffit. Hein, donc après tout, c'est... voilà. Non, mais c'est le débat que t'as avec pour les eux gens et pour chez même. Et pour Michel, c'est le débat que t'as avec tous les genres. T'as toujours des limites assez floues qui, ou ouais, des œuvres que tu peux pas classer dans un genre ou un autre. On discutait de Star Wars tout à l'heure. Pour moi, c'est pas de la SF. Et voilà, tu vois, et les gens diront que c'est de la SF. Et nous, enfin, moi, je pense que c'est de la fantasy. Attention, tu vois, on retombe sur le débat de tout à l'heure. Supprimons les genres. Mais voilà, mais voilà. Non, mais ah bah les genres. T'as des romans, des histoires que tu peux classer typiquement dans un genre, et d'autres c'est plus difficile, quoi. T'as des limites. Et moi je pense, et je vais le redire, que quand on peut classer typiquement dans un genre, c'est que c'est mauvais. C'est la vraie transition. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on l'arrêt au 34, c'est un genre précis, c'est le déjà porno, et donc c'est forcément mauvais, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui l'a fait. On parle de porno et de fantasy. Steven est choqué, mais Steven est ivre. Non, Steven n'est pas choqué. Steven est choqué que tu zappes la moitié des questions. Ouais. Non, c'est parce que, alors, on en parlera en off, mais j'ai réussi simplement à parler des questions en en mettant dans la discussion pour les poser. Enfin bref. Alors, l'arrêt de 34, c'est maintenant. Je vous emmerde et c'est moi qui ai raison parce que c'est moi le présentateur. Allez, c'est maintenant. Et l'Éternel dit à Moïse: Moïse, j'ai oublié de te dicter la règle 34. Pour tout ce qui existera dans le monde réel, tu créeras un équivalent pornographique sur l'Internet 2.0. Règle 34. J'aime mon intervention. Allez, c'est vrai que c'est Alexis dans le jingle et ça fait plaisir. Maintenant, on va tous m'écouter parler attentivement parce que c'est très intéressant. Et mes amis, d'ailleurs, vous m'avez déjà entendu vous parler d'émerveillement. Hein, on parlait de merveilleux dans le porno avec des aliens ou des nains et de ce retour à l'enfance qui constituait l'envie naturelle d'enculer un martien ou, pour vous, mesdames, de se faire titiller le clitoris par le nez long et hirsute de Alf, dont le régime alimentaire, on le sait, principalement constitué de chattes. De toute façon, les fans comprendront, bien sûr. Du coup, vous devez vous attendre à ce que je vous reserve le même couplet pour la fantasy. Des épées, des boucaquets d'elfes noirs qui à la fin finissent plus blancs que l'arbre du Gondor, ou avec des orques qui enculent des hobbits en plein dans leur smial. Alors un smial, c'est un luxueux trou de hobbits fait de tunnels ramifiés, comme cul de sac par exemple. Eh bien non, vous avez tort. Thor qui, quand il ne se rend pas, quand il ne prend pas Nathalie Portman, qu'il s'asgarde rien que pour lui, marteau non, avec son gros Mjolnir des familles, représente un passage intéressant de la fantasy nordique à l'urban fantasy. Mais bref, parlons de bite de troll. Alors, mettre fan et porno font-ils bon ménage, messieurs, dames? Moyen. Il y a beaucoup de films 3D d'orc qui baisent elfes et humains sans discrimination. Spoiler, Willy est sauvé à la fin, mais c'est pas lui qui repart à la nage. Il y a aussi, et c'est plus intéressant et un peu moins triste que le fruit du labeur d'un geek qui montre ses pixels au premier venu dans un coin sombre d'une Comic-Con du Wisconsin, une horde de films porno des années 80 qui ressemblent à des pilotes non diffusés de Xena la guerrière, avec moins d'armure et plus de DP. Spoiler, c'est un peu comme l'Excrime, on gagne dès qu'on touche le fond trois fois en synchro. Parmi ce tas de navets aussi grands que Minas Mankul, un coin un peu moins connu du Mordor, des films ou des sosies de Musclor font des solos de Xénophone à coups de Soldomi. Une perle, il y a un monument parmi tout ça, c'est Lord of G-String, The Female Shape of the Ring. Ah, et là, on se dit, oh, c'est de la merde, c'est juste une repompe de Seigneur des Anneaux. Et c'est pourtant tellement plus. Female Shape. Female. Une throbit. Donc c'est to throb, c'est genre branler hein, en anglais. J'ai perdu ma page par contre. Attendez. Donc une throbit qui s'appelle Dildo. Hein, normal. Aidé de ses compagnons, dont Smirnoff, un Gandalf qui ressemble au Clodo qui est devant le Franprix et qui est aussi bourré. Ils doivent détruire le string maléfique en le jetant dans la montagne du destin local, évidemment. Il y a très peu de cul dans ce film, mais beaucoup de dialogues qui ressemblent un peu à la saison 8 de How I Met Your Mother. C'est censé être drôle, mais c'est un peu malaisant. Et surtout, le meilleur moment du film, c'est un combat de mages où l'équivalent de Saruman pète des effets 3D de After Effects sur Smirnoff, le mage, pour l'empêcher d'avancer. Et je ne mens pas, et je vous promets que voir un trentenaire en cap flatuler des étoiles mal détourées sur un autre trentenaire en cap avec une fausse barbe, ça n'a vraiment pas de prix. C'est un très beau moment dans ma vie, je suis très heureux de l'avoir fait. Avec ma copine qui est à côté, donc elle a pu voir que j'avais des bons goûts. Le mec casque, il a une copine. Hein. Bah, c'est normal, en plus, ça te merde, faudra qu'on en parle après. ceci dit, c'est rien comparé au meilleur film que j'ai vu. Anal Fantasy, The Last Anal Destination. Alors, bien, c'était deux fois anal déjà. Ouais, est-ce que ça signifie quelque chose? C'est un chef-d'œuvre italien qui prouve que ce pays peut encore faire de belles choses sans chemise noire. Et honnêtement. Oh non, mais. C'est gratuit. J'ai pas compris ce film. Il y avait un robot deux Xena, un Conan, un savant fou, une sorcière et un vampire. On aurait dit un trailer pour la saison 11 de Doctor Who. Spoiler, il joue au docteur mais repart tous avec des maladies. Donc voilà, il y a deux ovnis, un trop cheap et un trop méta. Parmi une mer de gangbang mal dessinée en hentai et des courts-métrages malaisants en 3D, et c'est tout. Où sont les sexes magiques, les Cthulhu surexcités, les elfes qui enculent d'autres elfes avec leurs oreilles? Je partais avec tant d'envie et je m'en trouve presque frustré du peu d'imagination dont font preuve les créateurs de porno. Il nous faut un Tolkien du X, car même si nous avons beaucoup de Seigneur des Annales, personne n'est encore montré sur le trône de foutre. Il faut que ça avance, même si on le sait, si Jack Vance sait que tu... Nazgul, comment veux-tu? Comment veux-tu? Voilà. C'est beau. Belle fin. C'est bravo. Très beau. Oui, mais il n'y a pas eu une parodie porno de Game of Thrones? Si, Game of Bones. Ah, ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, à la fin, tous les films porno que j'ai vus, ça ressemblait à une fête, à une fête du village médiéval qui a mal tourné. Quoi. C'était déprimant. Les mecs en armure qui enculent des meufs en déguisant en pseudo-princesse, c'était nul. Quoi. Ouais. Il y a ça, soit du Conan un peu plus trash. Soit des trucs Conan un peu plus trash, soit des trucs de sodomie, soit des trucs en 3D quoi. Donc c'est vraiment pas terrible la porno et le fantasy, je suis très déçu. Bah du coup ça a le même comment dire, le problème que le cinéma traditionnel en fantasy pour le coup. Pour le faire, faut des moyens quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors il faut comme dans Lord un of bon scénariste. Au Lord of the G-String, c'est Lord of the G-String, c'est des dialogues chelous. Genre on dirait une comédie de genre Seinfeld mais avec des mecs qui se baisent. Donc ça peut sauver aussi un film. Voilà, du coup... C'était bien. Ça va, bah, je me suis quand même bien amusé en regardant ça. Et franchement, les trucs porno en 3D, c'est quand même vachement, vachement chelou, quoi. Et il y en a beaucoup en fantasy avec les elfes, les orques et tout. Est-ce que des gens se branlent sur ça, à votre avis? Bah, bien sûr. Statistiquement, il y en a forcément un. Non, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est si dans la classification... psychologique et psychanalytique des paraphilies, il y a un truc pour ça, parce qu'il y en a un pour les aliens. L'exobiophilie, c'est le désir sexuel pour les aliens, et c'est classifié par les psychologues comme sexualité déviante. Est-ce qu'il y en a un pour la fantaisie? La question reste ouverte, amis psychologues, si vous avez du travail. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas. Après cette petite excursion dans le monde magique du porno fantasy, on va reprendre... T'as dit quoi ? Dans le monde merveilleux du porno. Pardon, excuse-moi. On va reprendre du coup notre petit bonhomme de chemin avec une question qu'on a un petit peu abordée, mais peut-être pas assez. La fantasy, on a beaucoup parlé d'auteurs, de livres, et César travaille dans l'édition, mais il y a aussi d'autres supports pour la fantasy, à savoir le cinéma, les jeux vidéo, blablabla. Et est-ce que maintenant, ils sont pas peut-être plus à même de distiller l'émerveillement de la fantasy? Est-ce que maintenant on n'en bouffe pas plus par le cinéma ou par les jeux vidéo que par les livres de la fantasy? Et la BD, pensez-vous? Quantitativement, plus, absolument pas. Qualitativement, oui. Non, même plus. La BD... médiatiquement parlant, il suffit de voir Charles, hein, il a un syndrome de Stockholm avec Geralt de Rive là, sur Witcher. Donc, à la base, Witcher, c'est un roman. Ouais. Mais à la base, c'est un roman, tu vois. Mais le roman d'Andrzej Sapkowski, même s'il a toujours bien fonctionné, il a cartonné à partir du moment où les jeux sont arrivés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce roman? Parce que les gens ne connaissent pas nécessairement. Ça commence par deux recueils de nouvelles qui posent un peu l'univers et qui sont intéressants au sens... Moi, en fait, je suis pas César, hein, je suis Stavro. J'en parle quand même. C'est intéressant au sens où ça amène vraiment une routine dans... Toujours, c'est épique, hein, tu vois, la fantasy. Là, c'est routinier. Le mec, c'est un chasseur de monstres. Il tue plein de dragons et des trucs classe, ou des monstres pas connus que l'auteur a inventé. Mais... tu sens pas le côté épique, tu sens le côté il arrive, il fait son taf, il dit ouais c'est combien que vous me filez, ok bon je le fais, il arrive, il dit bon là il faut une potion, ça me fait chier mais je vais la faire, et il trempe son épée dedans et il le bute. Il y a pas, c'est fait avec un rythme qui est lent et qui est routinier, qui en fait ancre tout ça dans le réel, alors que dans le réel imaginé par l'auteur, mais dans le réel quand même. Et c'est ça qui moi m'a vraiment plu chez cet auteur dont j'arrive pas à prononcer l'histoire de Witcher. En fait, c'est que c'est pas Geralt, en fait c'est un mec d'un monde où qui est vieux. Et qu'en fait, lui, pour lui, les méchants à la base, c'est les monstres, et puis les humains, c'est les gentils. Mais l'univers de Witcher a évolué, est devenu beaucoup plus moderne, et c'est plus ça, en fait. Et c'est les hommes qui sont des monstres. En fait, c'est un peu un héros de drame romantique, tu sais, on dit venu trop tard, dans un monde trop vieux, tu vois. Et Geralt. On dit ça. Non, mais Geralt, c'est ça, en fait. C'est un... Les souffrances du jeune Charles. C'est un emo Charles en fait, on le sait. Non mais, c'est le drame romantique classique. T'as en fait. Le trailer de Witcher 3 qui le montrait ça quand on lui demande qu'est-ce que tu fais, il répond Killing Monsters mais et pas. Et en fait, il dit ça après avoir pondu un boucher, enfin un mec, une ordure et pas le Strom qu'il avait. Et c'est ça en fait, alors en Witcher, c'est tout ce côté binaire de la fantasy et l'auteur brouille un peu ça et te montre en fait que les monstres. Je crois qu'une des premières nouvelles du premier recueil de nouvelles qui ouvre la série, c'est justement il arrive dans une maison un peu abandonnée avec un monstre qui la hante entre guillemets, qui l'habite, et justement après tu te dis il va buter le monstre, il commence à lui parler et à devenir pote avec le monstre et à aider le monstre à la fin. Alors ça c'est un roman. Non, ça c'est un recueil de nouvelles, il y a eu deux recueils de nouvelles, et après il y a eu quatre romans qui créés, cinq. Et ensuite adaptés en jeu vidéo et traduits chez Bragelonne. Alors, on a fait les bouquins avant que les jeux sortent. C'est-à-dire que le premier bouquin est sorti en 2003 chez nous, donc petite fierté. Parce hipster. Que... Ouais. Non, mais en gros. Before it was cool. Moi, j'étais pas là à cette époque, mais je sais que c'est une petite fierté de l'équipe d'avoir trouvé des subventions pour traduire du polonais parce que c'est pas courant, quoi. Ouais. Oh. Et on a sorti un premier. Bah, pendant la guerre. Mais la traduction, on n'en parlera pas. Si tu veux. Moi, on ne parlera pas du titre, surtout. Je suis sûr, je te mets au défi de me dire que c'est un meilleur texte que par rapport au polonais, si ça se trouve. C'est ça. Sapkowski, c'est un personnage aussi. Et comment il t'a tué là, Mais si tu bonus veux, XP. Non, on a fait les bouquins donc bien avant. Vous avez réédité après avec le jeu. Ouais, bah et c'est là que ça a cartonné, si tu veux. Quand on a décidé de mettre la série en poche, c'est au moment où sortait The Witcher 2. Donc on a fait un deal avec Namco pour reprendre leur visuel parce qu'on savait que ce serait. Si tu veux, là c'est très marketing. Le marketing c'est sale, mais en même temps on doit défendre nos auteurs. Donc là, quel meilleur moyen que d'apporter aux couvertures du bouquin. L'univers visuel que tout le monde connaît, tu vois. Si on était vraiment des grosses putes, on n'aurait pas appelé ça Sorceleur, qui est le nom de la série de bouquins, mais on aurait appelé ça The Witcher, et tu vois. Enfin, puis en même temps, est-ce vraiment pire que les couves habituelles de fantasy? Ça dépend, t'avais Charles qui avait le nom du vent sur les genoux à l'heure. Les couvertures du nom du vent sont magnifiques. C'est Marc Simonetti, c'est un cador, c'est le mec qui bosse, qui a fait qui a bossé notamment pour George Martin et pour plein de... enfin il fait Terry Goodkind, il fait Terry Pratchett, il fait les couves de Game of Thrones, c'est un médaillon et un dragon, c'est pas non plus ça, incroyable. Mais ça c'est la l'imagerie de la série télé qui se sont réappropriées, tu vois. Maintenant quand t'achètes moi j'ai acheté récemment Game of Thrones, en gros ce que tu vois le plus c'est le logo HBO. Alors là Charles est en train de nous montrer qu'est-ce que tu le nom du vent, c'est l'exemple le nom du vent, l'illustrateur s'appelle Marc Simonetti, voilà, c'est kitsch. Steven, tu es de mauvaise foi. C'est vrai que c'est pas trop dégueulasse quand même. Oui, enfin, alors très honnêtement, ça reprend exactement l'iconographie romantique. Charles, t'as le Pratchett aussi sous la alors main. C'est des personnages de dos devant la nature, des montagnes. C'est vrai qu'on dirait que René va appeler l'orage là quand on les voit comme ça. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à Pratchett, c'est quand même c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux peintures romantiques. Je sais pas si tu vois fin 19e, les mecs qui sont sur la falaise et qui regardent l'horizon. C'est un peu ça les couvertures de fantasy. Mais pour Pratchett, autant, tu vois, l'exploitation des clichés volontaire. Mais pour reprendre le monde du vent, cette couve, on l'a pitché à l'illustrateur, on lui a demandé c'est ça qu'il faut parce que le personnage. C'est intéressant parce que j'ai trois romans dessous les yeux. Toutes les. Trois personnages dos à la prise de vue. C'est la même série. C'est la même série, c'est normal. Devant des montagnes et une cité. C'est ce qu'on appelle une collection. On essaie d'être cohérent avec nous-mêmes. Non, mais je dis pas que c'est mauvais. Hein. Vraiment, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça reprend typiquement l'iconographie romantique. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle le Wanderer en Allemagne. C'est le marcheur qui s'arrête devant la beauté de la nature. Je dis pas que c'est mauvais. C'est le promeneur solitaire, quoi. C'est le promeneur solitaire. On s'est inspiré de la couve allemande qui est moins bien que celle-là, mais qui est à peu près le même schéma. Non, très honnêtement, j'ai l'air de critiquer, mais je dis pas que c'est mauvais. Non, mais tu critiques, si tu critiques droit, quand même. Hein. Mais moi, je t'explique quelle était la démarche qu'on a eue pour faire cette couve-là. J'entends bien. Mais c'est intéressant de voir, tu vois, ces trois romans qui ont le même le même schéma. Bref, le même schéma. À la base, on parlait du coup des supports qui amenaient la fantasy oui, dans nos faces. Fait. On parlait du coup de The Witcher qui, à la base, est un roman qu'on a tous connu en jeu vidéo avec The Witcher 2 et The Witcher 3. Parce que The Witcher 1 était. Pas un The peu... Witcher 1. The Witcher 1 était quand même un peu. Moi, j'ai les 3. The Witcher 1 était un succès critique, mais pas vraiment commercial. Et le 2 et le 3. J'ai les 3 en collector, mon gars. Ouais, mais le... ouais, toi, t'es un connard. Et le 2 et le 3 sont devenus vraiment mainstream pour le coup. Et c'est intéressant parce que The Witcher, ça permet de nous immerger dans l'univers, genre le 3, où t'es pendant 100 heures dans l'univers que décrit Sapkowski, et plutôt que de le lire, tu le vis. Et c'est peut-être pour ça que c'est cool. C'est des projets, en fait, quand ils ont fait les jeux vidéo, c'est que ils étaient, c'était pas un studio, c'était un studio nouvellement créé. Ils se sont dit, si on va faire un truc, bah c'est l'adaptation de Sorceleur. Parce que c'est des projets qui sont polonais aussi. Comme ouais, ouais. Et en fait... toute proportion gardée, Sapkowski, c'est le Stephen King local en termes de vente, tu vois. Mm-hmm. Donc pour eux, c'est un phénomène culturel, tu vois. Fantasy ou pas, la question se pose pas, tu vois. Et ils ont décidé de faire une suite. Sapko, très honnêtement, de son côté, il dirait jamais que c'est un truc qui appartient à son univers, parce que pour lui, il a cédé des droits, il est très content parce qu'il a eu des thunes en échange, ouais. Tu vois. Mais c'était un pari, quoi. The Witcher, ça a été un bon succès critique, mais ça n'a pas été un succès commercial. Il a fallu deux, comme tu l'as dit, pour que ça explose, pardon. Et ce qui est cool, c'est que c'est des projets, par contre, c'est des mecs super respectueux du support original, qui ont parce que Sapkowski leur a dit vous faites votre truc dans votre coin, parce que la fin des romans, bah, il se passe un truc quand même bien précis qui leur permettait pas de faire une suite directe. C'est pour ça que au début de The Witcher 1, Geralt a perdu la mémoire, voilà, etc. Et ils sont partis sur leur propre mythologie, reprenant l'univers de Sapko. La série a rencontré le succès qu'on connaît, et pour le 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout connecté. C'est ça. Ils se sont dit, bon, on vous a parlé de tel personnage dans The Witcher 2, de tel autre dans The Witcher 1. Et en fait, c'est des personnages rencontrés dans les romans. Et donc là, ils ont la boucle est bouclée, comme tu viens de le dire. Et on voit Yennefer, on voit Ciri, qui sont des personnages incroyablement importants des romans. Et je trouve, enfin, c'est le seul exemple d'adaptation saine. Et je veux pas dire que c'est la seule bonne adaptation, tu vois. Mais c'est la seule adaptation. Parce qu'après on va dire oui, mais le Seigneur des Anneaux, c'est tout à fait respectueux de Tolkien, etc. Bon. Dans le milieu du jeu vidéo, franchement, j'ai pas d'autres exemples. Nous on est super content pour l'auteur, on est super content pour nous parce que ça permet de cash machine, tout ça, mais et ça fait connaître le genre, et c'est encore une autre manière de d'appréhender la fantasy autrement que par Tolkien ou Game of Thrones. Mais alors, qu'est-ce que ça fait à la fantasy d'être adapté aux jeux vidéo ou au cinéma? Mais on va partir surtout sur le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça fait à la fantasy? Est-ce que ça change la fantasy, ou est-ce que, après tout, comme la fantasy passe plus de temps à construire des univers que ça à vraiment développer de la littérature, est-ce que ça ne change rien, ou est-ce que ça change quelque chose à la fantasy d'être adapté? Charles? Non, j'ai un truc à dire. En fait, c'est le jeu vidéo, c'est un peu la même chose que le jeu de rôle. En fait, c'est, pour moi, c'est une extension un peu logique du JDR, parce que tu sais, quand t'as Tolkien qui décrit par exemple la végétation, t'as qui peuple la rive nord du lac, qui prend sa source au troisième truc du Mont Brumeux, tu vois, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est un peu ce qu'il fait. En fait, il t'invite à explorer un univers. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'imagination. Mais ce que fait le JDR et le jeu vidéo, c'est qu'il codifie en fait cette interaction avec l'univers. Tu sais, c'est ça c'est les règles du jeu, en fait, tout simplement. Et ça te permet de vivre en fait dans cet univers, tout simplement. Mais c'est ça, c'est la prolongation de l'exploration de l'univers de façon plus réaliste, quoi. D'accord, mais ça, du coup, pour toi, ça change pas la fantasy, ça change juste ton rapport à la fantasy. Ou ça la développe, ouais. Moi, je pense que ce qui change, c'est les auteurs qui, du coup, sont conscients du fait que la fantasy, c'est pas seulement un genre littéraire, mais un genre multimédia, entre guillemets, tu vois. Et qui ont eux-mêmes leur propre, référence. Il y a un auteur comme Brent Weeks, qui fait, on en parlait avec Charles tout à l'heure, d'un mouvement avec des assassins dans tous les sens. Il en est un bon exemple. Et lui, c'est un gros gamer, aussi bien de FPS que de RPG, tu vois. Et donc forcément, avec tous les jeux d'action qui se tapent le soir avant de se mettre à écrire, ça peut qu'influencer son écriture, ou qui est bourré d'action, ce genre de choses, tu vois. D'accord. Il fera mieux de baiser le soir. Mais... Non, mais il a deux enfants et tout va bien pour lui. Sa femme est adorable. Il y a du coup, là, on parlait d'adaptation. Il a baisé deux fois. On parlait d'adaptation pour The Witcher qui, du coup, a adapté un livre. Il y a force... Et moi, je vais parler. C'est le moment Dark Souls. Dark Souls. Ah. Ouais. Parce que c'est de la Dark Fantasy. Hein. Mm-hmm. Et du coup, bah, simplement, c'est un univers qui est créé par un auteur, entre guillemets, c'est Miyazaki, un game designer, qui, du coup, par le gameplay et par le. C'est un success story pour ce mec, d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, pour le... enfin, via le gameplay, la mort récurrente, etc., il a créé un univers et des thèmes, le cycle éternel de la mort où tu reviens et tout, qui du coup c'est un peu comme un livre quoi, il y a des thèmes, des schémas abordés, etc., et qui avait un univers qui est créé pour le jeu et qui se développe, et voilà, un élément de gameplay ouais qui est la base du jeu ouais. Et qui est partie de la narration aussi, et du coup voilà, il a, c'est presque un auteur de fantasy mais en jeu vidéo ouais. Il a fait son univers, il a fait son gameplay, il a, et moi quand je joue bah tu vois, bah, quand tout le monde y joue on comprend une histoire, tu prêches un convaincu hein. Tout le monde n'y joue pas mais ça change pas spécialement la fantasy du coup. C'était juste un autre support pour. Ouais, voilà, bah, en l'occurrence, c'est d'accord. Ça, c'est ce que Charles disait, ça change pas la nature de la fantasy, ça la développe ou ça la met. C'est, en fait, c'est, une, c'est naturel quoi. Quand tu pour le jeu vidéo, le jeu de rôle, oui. Est-ce que pour le cinéma, par contre, ça, c'est, ou la série, pour le cinéma, la BD, aussi bien. Faut pas oublier le BD non plus, qui est quand même un énorme support de fantasy. T'as des actions chez BD Media, toi. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, Donjon, c'est une des plus grosses ventes en France. Je crois qu'il est chez Donjon. Non, mais Donjon, les donjons de tout de Paris, bien sûr. Ça, et c'est son côté SM qui ressort. Pour casser les couilles à Steven, on va faire un top à la fin de cette FK. Ouais, parce que les tops, c'est après tout, on aurait dû faire que des tops. Et voilà, allez, et... faisons un top BD. Et moi, Donjon. Allez, Alexis. Allez, Donjon, ce soir sur Sci Fantasy. Mais non, mais Donjon. Oh non. Oh il l'a dit. Ça clash. C'est chaud. Non, mais Donjon, ça sera dedans. Mais tu vois. Et sincèrement, Donjon, à mon sens, ça renouvelle la fantasy par ses apports, comment dire... Mais personne ne connaît ça. Narratif, mais... Si, si. Attends, si, si, Donjon, c'est une des meilleures ventes Ce moment, on connaît pas. Voilà, donc personne ne connaît pas Johan Svar. Johan Svar et Lewis Trondheim, mec, c'est deux des plus grands auteurs de... Ah oui, les fameux. Je connais de nom. Et bah voilà, et sincèrement, renouvelé par le zoomorphisme, la fantasy, ah, okay, par la zoophilie. C'est renouvelé parce qu'on a mis des animaux. Ah bah super, bah excellent. Non, mais c'est une excellente idée. Ah bah attendez, c'est pas un paladin, c'est un chat. Ah bah c'est génial. C'est un chaladin. C'est vrai que Disney. C'est un chaladin. Non, mais c'est une chaladin, les 40 voleurs, tu connais. Bah j'ai renouvelé le genre du conte oriental. Et bah ouais. Tu confonds Aladdin et Alibaba. C'est super c'est raciste. C'est des arabes, attendez. C'est des voleurs. Chasser le naturel, il revient en chameau. Ah putain. Ouais, je sais plus ce qu'on disait du coup. On parlait de la BD d'Alexis. Ah oui, Donjon. Qui renouvelait le genre en mettant des animaux à la place des humains. Oui, c'est vrai que c'est vrai que Disney a fait ça depuis 50 ans quoi. Merci. Non mais sans parler d'anthropomorphisme, je l'ai bien dit. T'as quoi, t'as Troll de Troyes, t'as Manfeust, tu vois, t'as... En fait, donne-nous envie de lire cette BD qui s'appelle Donjon. J'ai pour les auditeurs. Pour moi, j'ai l'impression quand je lis de la fantasy que c'est des personnages assez usés, tu vois. T'as le nain assez bourru, t'as l'elfe un peu efféminé, t'as le barbare plutôt bourrin. Enfin, tu vois, c'est peut-être complètement des clichés, mais c'est vrai, c'est souvent. C'est Daniel Buck quoi que tu lis toi. Oui, non, mais c'est souvent. Ce ouais, que mais tu en même temps, c'est raison, le cliché tu de la fantasy. Ouais. Et Donjon renouvelle vraiment ça dans le sens où le gros barbare assez puissant, c'est une fourmi, c'est un éléphant, qui est violent, qui est un espèce de lézard qui crache du feu. Mmh. Et en même temps, il est assez peureux de certaines choses, il a ses petites phobies, etc. Et ça met en lumière certaines différences et certaines particularités que tu vois pas forcément dans la fantasy classique, quoi. D'accord. Bah, du coup, tu m'as plus convaincu qu'avant. Voilà. Ouais, c'est bien que je te redemande. Et du coup, question que je vous posais. Tu sais pas seulement d'écouter en fait. Non, j'écoutais vraiment. Ouais, le cinéma et les séries, est-ce que c'est des genres qui se prêtent à la fantasy? Parce que moi, je me souviens d'Eragon, c'était de la merde au cinéma, c'était pas trop mal en livre. Je me souviens de Game of Thrones, c'était bien en livre, c'était de la merde en série. Tout à fait. Voilà. C'est est-ce que partisan. C'est. Non, t'es un peu. Non, c'est de la merde en série. T'exagères un peu, mais non, pour moi, le cinéma, non, mais la série, oui, justement. Parce que le cinéma, tu peux. Enfin, tu vois, t'as une énorme partie, enfin, dans la fantasy classique. Le Hobbit, c'était de la merde en film, hein. Ouais. Non, mais oui, mais alors à l'inverse, Le Seigneur des Anneaux, n'était pas mauvais. Mais Charles et, voulait parler par et contre. Beaucoup, non, je m'en fous. Ah. Et beaucoup de gens retiens. Qui n'ont pas spécialement apprécié Tolkien pour des lourdeurs narratives, etc., mm-hmm. ont vraiment apprécié. Bah moi, moi non, j'ai pas aimé Tolkien. J'ai lu la trilogie. Voilà, c'était sympathique parce qu'il y avait voilà, des magiciens qui. Ça manquait un peu de boule de feu, tu vois. Bah, quand j'étais teenager. Ça manquait un peu de boule en général. Ouais, non, mais. Tout le long, mais tu vois, quand j'étais teenager, bah, du front, moi, je voulais justement des paladins, tu vois, des trucs comme ça. Tu voulais Torgal. Il y en avait. Oui. Et ça en manque cruellement dans Le Seigneur des Anneaux parce que déjà, ouais. je me basais sur ces clichés, tu vois, quand j'étais teenager. Ouais, ouais. Je lis Le Seigneur des Anneaux déjà, bon, je m'accroche pour arriver à la fin du chapitre 3 parce que le mec raconte quand, combien il y a brin d'herbe autour de mais la oui. comté. Oh non, mais oui, je comprends, mais. J'apprends mais... que Peter Jackson fait une. Comment dire, une adaptation. Une voilà, je me dis, ah bah, oh, quand même, tu vois, et bon, ça a pas loupé, moi, j'adorais les films. Ouais, mais ouais, moi, je suis pas d'accord dans le sens où, en fait, le. La fantasy, enfin la fantasy classique, j'entends, tu vois, on a fait une différence, mais c'est aussi une énorme partie de développement d'univers. Et au cinéma, même en faisant des films de 3 films de 4 heures en version longue où tu t'endors derrière parce que c'est plus possible, quoi, cette partie de développement de l'univers, elle est extrêmement tronquée en fait. Et... Oui, mais en même temps, c'est une narration dans un univers, alors t'es pas obligé d'exposer l'univers ouais. en faisant des tonnes et des tonnes d'expositions. Mais juste faire fonctionner l'univers. Mmh, et bien sûr. Jackson, c'est ce qu'il fait. Il fait fonctionner l'univers. Tu comprends l'univers de base. Tu comprends pas toutes les petites subtilités de la magie. Tu le comprends parce que t'as déjà les codes en fait de cet univers. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, ouais. C'est... ouais. Je pense énormément... que c'est à partir de ce film-là qu'on commençait à cerner les codes. Ouais, voilà. Il y a énormément de gens qui ont vu Le Seigneur des Anneaux. Je pense que la majorité d'ailleurs des gens qui ont vu Le Seigneur des Anneaux et qui ont apprécié Le Seigneur des Anneaux n'avaient pas ces codes-là. Okay. Mais en faisant fonctionner tout l'univers, ils les ont eu avec, alors sur un mode que tu vas peut-être considérer comme mineur parce qu'ils vont pas forcément comprendre la magie etc mais après tout on s'en fout bah ils ont pas comme Steven appris l'elfique ça balance ton silence en dit long donc tu disais bah non j'ai plus aucune crédibilité ah, putain, c'est le silence merde. Des anneaux c'est parfait Très bien, donc le cinéma, moi je suis un peu d'accord avec Charles. Est-ce qu'on arrivera vraiment à faire une fresque aussi prenante en film qu'en livre? Je ne sais pas. Moi je suis moyennement d'accord, mais au-delà du cinéma, même pour la série, dans le sens où, à mon avis, il y a toujours un problème de moyens et de mise en image, tu vois. C'est-à-dire que rien n'est plus fort que ton imagination, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, le livre ou la BD, il y a pas, enfin, tu vois, tu dessines ce que tu veux ou t'écris ce que tu veux. Réaliser à l'écran ce qui est écrit, c'est beaucoup plus difficile à mon avis. Et mais y a des limites. Quoi. Alors, Alexis, fondateur de Wooniverse.fr, nous parle de ça. Alors que chez Doctor Who, on arrive à mettre en image des choses absolument merveilleuse sans que ce soit kitsch. Ah, ok. La force de Doctor Who, c'est de partir du postulat qu'ils n'ont pas de budget, qu'il faut être créatif, tu vois. Oui, ouais, alors qu'ils ont un budget qui encule la moitié du PAF anglo-saxon. Non, mais toute proportion gardée par rapport aux productions américaines. Et surtout, Doctor Who, bah, c'est même s'il y a des fils rouges, tu vois, t'as des épisodes indépendants. Si tu veux adapter une œuvre de fantasy ou en faire une, et on va parler des cycles tout à l'heure, je pense, et donc on va supposer que c'est un truc à rallonge. Déjà, bah, t'es prisonnier du carcan de la timeline, du truc qui va durer des lustres et des lustres. Donc tu vois, Game of Thrones, ils sont bien sortis avec ça. Ils ont dit on encule Jean-Jacques Martin, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas non, ça. Non, c'est pas je tiens à préciser. Jean-Jacques Martin a dit qu'il ferait une fin différente pour chaque médium. C'est lui qui choisit ses fins. Non, il a pas. Enfin, il le précise dans le spin-off de la BD. Franchement, là, vous êtes dans des débats de spécialistes. Dans le spin-off de la BD. Ça n'intéresse pas spécialement nos auditeurs et à raison, j'ai envie de dire. Donc tu disais César avant que Steven soit un connard. Tu disais Doctor Who, c'est pas si mal. Machin. Ouais. Oui. Tu parlais de la série en disant qu'il y avait des trucs indépendants et qu'il y avait une timeline à cause des cycles qui étaient à rallonge. Oui, alors là après, s'il faut adapter, je parle d'adaptation parce qu'en création de fantasy sur grand écran ou même petit, tu vois. Ben, moi j'en ai vu sur NT1. C'était magnifique. Et attendez, King Rising de Uwe Boll, c'est de la fantasy. C'est une adaptation. Ah, d'un jeu vidéo. C'est d'un jeu vidéo, ouais, tu vois. Donc, j'ai vu un film, je sais plus, c'était un film polonais ou je sais pas quoi, où il s'agissait d'aller récupérer une sorte de boule que les dragons avaient sur la tête, et en sens se battre un dragon du feu et un dragon de la glace. Bon, j'étais malade, j'ai regardé ça sur NT1. Bon, c'était lamentable, mais c'était particulièrement divertissant. Il y a eu une adaptation télé de The Witcher aussi. Ah ouais, Exer. Tu trouves ça sur YouTube. Il y a aussi un film anglais pour les enfants de Disque Monde qui est pas très bon non plus, je crois. Mais un jeu vidéo, le Disque Monde qui est excellent. Disque Monde a eu des bonnes adaptations. Mais The Witcher, je t'invite à aller voir. Les... Est-ce qu'il y a eu aussi un film? J'ai vu la pochette du film, ça a l'air bien. Écoute, si tu tombes sur des images du film, t'as l'impression de tomber sur un vieux porno des années 70, en moins bien ça. Tourné. Et pourtant, ça a été fait avec il y a 20 ans. Alors que pourtant, on dit que la fantasy, ça date pas trop bien au cinéma, mais un des piliers de la fantasy, c'est un film, c'est Conan. Ouais, ouais. C'est un roman à la base. C'est un roman à la base. C'est pas vraiment le roman. Et c'est pas. Enfin. Ouais, c'est pas vraiment le roman. Le personnage est un peu changé, il est devenu un peu bête et Schwarzenegger, bon, on lui a dit pense un peu. Pense pas en fait. Et parce que Conan, c'est dans les romans, c'est quelqu'un de futé, c'est pas du tout la montagne des muscles que Schwarzenegger nous vend. Il a plus un physique de panthère, plutôt que de gorille, tu vois. C'est un peu comme Manimal. Non, mais je reprends la description de Howard en plus, tu vois, il le décrit comme un félin dans sa façon de se mouvoir, tu vois, c'est un guerrier accompli, tu vois. C'est Félindro. Si tu veux. Et alors moi j'adore les deux Conan avec Schwarzenegger, hein, mais c'est effectivement pas la même chose. Et pour le coup, ça a aidé à véhiculer une certaine idée de la fantasy, bah, pleine de clichés, hein, là aussi, mais au moins de la faire vivre, quoi. Pas pareil pour Willow. Alors le genre dans les années 80, c'est quand même démocratique grâce au cinéma, et on a l'impression que maintenant c'est plus possible. En fait, peut-être qu'on est trop habitué à la fantasy, qu'il faudrait trop de moyens, mais maintenant le film Warcraft, on a vu un trailer, c'était de la merde, on aurait dû mettre PS1. Et alors qu'en 80, on a eu le genre, c'est un peu développé dans l'esprit du grand public avec Conan, avec Willow, etc. Et après avec les Seigneurs des Anneaux en 2000. Et est-ce que maintenant on peut encore faire des bons films de fantasy? Parce qu'il y a eu Eragon il y a peut-être 4 ans, 5 ans, c'était nul à chier. Ouais. Plus que ça, 10 ans. Non. Ouais, peut-être. C'est nul à chier quand même. On peut. Bah, la preuve, il y en a eu récemment, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? C'est quoi récemment qu'il y a eu par exemple un bon film de fantasy? Le Seigneur des Anneaux. C'était il y a 11 ans. Voilà. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas de la fantasy? Le Hobbit 3, c'était une chiure. Oui, mais une chiure. Hein. Le Hobbit, c'était nul à chier, on peut le dire. Ce que ce soit bon ou pas, c'est ce qui empêche qu'il y a quand même encore de la production, tu vois. Ouais, mais il y en a un par an, quoi. Il y a pas beaucoup de films de fantasy. C'était Le Hobbit pendant 3 ans. Maintenant, il n'y en aura plus avant rien. Tu galères à raconter ce que t'as envie de dire. Je sais pas. Ouais, est-ce que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas de la fantasy, etc. Non, bah okay, oui, non. Enfin, non, oui, mais il y a Galaxie dans le nom, c'est pas de la fantasy. C'est trop compliqué. Voilà. Non, il y a des projets, mais comme il y a des projets pour toutes les adaptations, dès qu'il y a un truc qui sort maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, 2 semaines après, il est racheté par Hollywood et il se fera jamais, tu vois, le truc. Écoutez, voilà, on a vu que en jeu vidéo, par contre, ça marche bien. Voilà, y a et en BD, ça marche bien. Mais parce que jeu vidéo, JDR, BD, ça marche bien. On va parler un petit peu, pour faire plaisir à Charlito, de JDR, parce que c'est un peu la base à la fantasy quand même. On t'écoute. C'est vrai. Non, mais je t'en ai déjà parlé en fait. Pour moi, c'est Steven. Alors, pourtant, tu voulais me parler. Charles, ta gueule. Non, je suis là, tu vas parler, mais c'est Steven qui, dans le conducteur, m'a dit qu'il faut qu'on parle de JDR. Donc, il va expliquer pourquoi. Okay. Et alors, tu pourras parler. Pourquoi j'ai voulu parler de JDR? Parce que, à mon avis, c'est quand même un des médiums qui a porté vraiment la fantasy. Et tu pourrais dire un elfique, ça ou pas? Ouais, je peux le dire. Ça se dit ta mère la poutre. qui a porté la fantasy et qui l'a véhiculé. Et même certaines œuvres. En dehors du jeu de rôle, se sont réappropriés les codes du jeu de rôle pour faire de la fantasy. Notamment les sagas MP3 qu'on connaît. C'est vrai. Le donjon de Nahalbuck, Reflet d'acide, qui sont surtout Reflet d'acide très très bons. Mais des même éléments. Nahalbuck est pas nul. C'est bien quand t'as 14 c'est ans. C'est pas nul. Non, mais Reflet d'acide, il y a une maturité, une écriture. Mais en tout cas, qui intègre des éléments même dans la narration même du jeu de rôle. Ouais. Donc le jeu de rôle, en gros, Charles, est-ce que tu peux nous dire vraiment très très rapidement ce que c'est que le jeu de rôle? Bah, le jeu de rôle, en fait, c'est... On parle de jeu de rôle sur table. Très rapidement, Charles. On parle de jeu de rôle sur table, parce que sinon, jeu de rôle très rapidement. C'est beaucoup plus vieux que ça. Rapidement. Mais c'est en gros des personnes qui se réunissent autour d'une table avec souvent un maître du jeu, et en fait, qui explore un univers par l'imagination, en quelque sorte. Et ils ont des feuilles et des crayons et des dés. Pour mais pas forcément encore, tu vois, les dés, c'est annexe. Ils explorent un univers. C'est juste ça, ils explorent un univers imaginaire ensemble. Chacun joue le rôle d'un personnage. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'en général, bon, c'est parce que c'est le. On connaît Donjons et Dragons. Voilà, c'est le grand jeu de rôle qui a lancé le truc et qui a eu un succès international assez fou, Donjons et Dragons, qui nous met dans un univers de fantasy. Avec des personnages et qui met des codes en place. Mais Donjons et Dragons, c'est le premier JDR donc, qui a été créé par Gary Gygax. Gygax. J'arrive pas à prononcer. C'est G-Y-G-A-X. Gilux, c'est ça? Et en fait, oui, alors le troll en scène 2. Et en fait, qui était un passionné du Seigneur des Anneaux, qui avait travaillé sur, déjà sur des jeux Seigneur des Anneaux avant de créer lui-même Donjons et Dragons, et après qui a créé ce jeu. C'est pas cassé Donjons et Dragons, mais il a créé un univers qui s'appelle Faerûn et qui a été repris en Faerûn, c'est l'un des univers de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, il y a plein. Les royaumes oubliés. Il y a plusieurs plans et tout ça, c'est compliqué. Mais après, il y a eu des livres, il y a eu des jeux vidéo, etc. Donjons et Dragons, merci. Mais c'est ça, et il a voulu créer un jeu en fait où chaque personne qui jouait incarnait un personnage dans cet univers-là et influait sur cet univers. Un paladin. Alors là, ça nous a mis en place vraiment des codes, le code qu'on disait tout à l'heure de l'équipe avec un nain, un machin, un truc, un elfe, un barbare et truc. C'est piocher un peu dans toute la fantasy, faire une équipe type de mecs qui vont aller chercher l'anneau magique du seigneur. C'est totalement dérivé du seigneur. En jeu de rôle, en fait, on dit souvent D&D, c'est, enfin Donjon Dragon, c'est donjon porte trésor. C'est, tu rentres, tu tabasses des gobelins, tu ouvres la porte, il y a une énigme, et c'est après porte trésor. Monstre trésor. Oui, pardon, c'est pareil. Voilà, tu tues un monstre, après t'as un trésor et tu te partages le trésor, machin. Je suis d'accord avec toi, c'est clairement le jeu de rôle à commencer par Donjons et Dragons qui a permis de faire exister la fantasy pendant un temps, quoi. Tout de suite après le Seigneur des Anneaux, on pouvait compter, bon bah il y avait Howard qui était à peu près au moment, t'avais des gars comme Fritz Leiber, mais dans la sphère littéraire, ce qui a permis le premier vrai boom depuis la sortie de Seigneur des Anneaux, c'est clairement Donjons et Dragons, et ça a été vertueux dans la mesure où après il y a eu des genre t'as du côté japonais de la force, t'as les ils ont créé Dragon Quest qui est clairement inspiré de Donjons et Dragons, tu vois, et tu vois, c'est de fil en aiguille, ça a permis de tisser un schéma qu'on connaît tous aujourd'hui, qui sert qui quelque chose de très codifié et pour certains diront très cliché, tu vois, mais tout le monde connaît ça grâce à... Non, mais tu peux aller plus loin. Donjons et Dragons, c'est même un peu en quelque sorte une certaine base pour les jeux vidéo où en fait on codifie les interactions avec les univers, tout simplement. Mais en fait, ouais, et on peut dire Donjons et Dragons, c'est l'univers, parce qu'en fait, il y a un maître du jeu. En fait, souvent, il y a quatre joueurs qui jouent chacun un personnage, donc un paladin, un prêtre, etc. Et un maître du jeu qui, lui, joue l'univers. Donc, ce qui va se passer, est-ce que le monstre, il va te taper comme ça? Est-ce que l'arbre, il va tomber sur toi ou sur quelqu'un d'autre? Et du coup, encore une fois, dans Donjons et Dragons, tu fais ce que tu veux. Tu dis, moi, je vais à gauche, moi, je vais à droite. Tu t'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Et du coup, encore une fois, c'est l'univers qui prime plutôt que le scénario. Donc, on en revient à ce qu'on disait, l'émerveillement, de découvrir des choses, de faire ce que tu veux. Et l'univers, c'est le maître du jeu qui l'invente. Et du coup, c'est toi aussi qui l'invente. Et enfin, une fois, est-ce que c'est bien pour la fantasy? Ça permet de la développer et même de la faire vivre vraiment, parce que c'est toi qui crée l'univers au fur et à mesure de tes actions. Et donc, je trouve encore que plus fort qu'un livre. Ce que tu dis, c'est intéressant, mais ça permet aussi, je pense que l'apport de notamment Donjons et Dragons et du jeu de rôle en général, on fait émerger un truc dans la fantasy qui est assez puissant, c'est la figure du narrateur qui devient quelque chose de... Alors pas dans toute la fantasy, évidemment, mais le narrateur... avec Donjons et Dragons prend une place très importante et devient presque un personnage. Donc je parlais tout à l'heure du donjon de Nile Buck. Là, il y a pas spécialement de narrateur, mais par contre dans Reflet d'acide, la série de JBX, il y a un narrateur qui est un personnage qui interagit directement, qui parle au personnage comme un maître du jeu parle à ses personnages. Et énormément de choses que j'ai pu lire moi en fantasy donne une place assez importante au narrateur et du coup se inscrivent dans une tradition de littérature plus mainstream ou plus classique à partir, encore une fois, du 19e siècle. Des gens comme Flaubert qui donnent une place très importante à la narration et à la figure du narrateur, avec un humour du narrateur qui se retrouve énormément dans des fantaisies comiques où le narrateur va être un levier de cette comédie. Et dans le jeu de rôle, parce que quand t'es maître du jeu, parfois tu fais de la merde. Voilà. Oui, voilà. Mais du coup, le narrateur prend une place, et je trouve, moi, à chaque fois qu'un truc de fantasy m'a un peu séduit, c'est que le narrateur avait cette place-là, et justement, comme c'est celui qui te guide dans cet univers et qui permet de comprendre, et de quand il a une relation directe, et que ce soit comique ou simplement d'une bonne plume littéraire, ça te permet encore plus de t'accompagner dans cet univers. Et après, on critique Charles. Eh bien, merci Steven. Du coup, on parlait de jeux de rôle comme... bitch. Truc qui a créé aidé à créer la fantasy, dans nos têtes. et en plus... et moi, j'ai un style de narration particulier. Et après, on critique Charles. Et après... ça a en plus donné des livres qui sont par exemple chez Milady, ceux de Drist, de Odon, dont je parlais en antenne, Hera Salvator, c'est ça? En antenne, et... oui. Et y a c'est eu intéressant coup, de dire ça. Bah non, mais on sent. En antenne, je vais envie de dire en antenne parce que je suis. Et après, on critique Charles. Et du coup, ça a donné des livres, donc voilà, ceux de Salvatore et d'autres gens qui ont fait Les Royaumes Oubliés, c'est ça? Il y a eu toute une saga. Bah, Donjons et Dragons a donné naissance à énormément d'univers. Variés qui tendent tantôt à la fantasy pure et dure, tantôt à la. Enfin, mettons, il y a Dragonlance qui est de la fantasy vraiment clicheton, tu vois, avec paladin, mage, etc. Si je continue comme ça, on peut parler de Warhammer, tu vois, Warhammer où c'est juste un. On parle de figurines pour arriver à des romans de fou. Est-ce que vous pouvez juste un peu définir Warhammer rapidement? À la base, c'est un jeu de figurines. Il y a Warhammer Battle qui c'est avec des orques, des elfes, et donc c'est de la fantasy. Et Warhammer 40 000 où c'est des marines et des squelettes dans l'espace, donc c'est plus de la science-fiction et du space opéra. Donc en gros, le principe de Warhammer, c'est un jeu où on fabrique des figurines, on les peint, et après il y a des règles hyper compliquées pour pouvoir faire donné, des batailles. Du coup, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais César, du coup, parlait de tous les romans que ça a donné. Est-ce qu'il y a eu des romans, mais voilà, oh par pelleté, ouais, c'est incroyable. Mais ouais. Tu vois, c'est ça, c'est que tout ça s'est inspiré de bouquins à la base. Et Dan Abnett qui va bientôt signer chez Crunchyroll, soit dit en passant. Ah ouais? Ouais. Bonne news. Scoop. Qu'est-ce que je veux dire? Mais tu vois, tout ça s'est inspiré de bouquins et c'est devenu des jeux de rôle. Et c'est redevenu des bouquins, quoi. Et aussi des jeux vidéo avec Baldur's Gate, Neverwinter Nights, etc. Je fais plaisir à Charles, je fais un petit clin d'œil. Merci. Voilà. Pillars of Eternity. Tout ça qui vient du coup des Donjons et Dragons. Comme quoi ça a apporté la fantasy, ça a donné des codes et ça a donné des œuvres. Donc c'est beau. On va peut-être du coup passer à une autre question avec une transition inexistante avec les cycles. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais on va peut-être en reparler. Je me demande juste qui a décidé à un moment donné que tu serais présentateur de l'émission. Je pense que c'est toi. Parce que c'est moi qui ai dit du podcast. Ouais, c'est vrai. Ça a du sens. Et du coup. Quand t'as juste dit, on fait un podcast. Quand t'as acheté des sandwichs triangle au Dona à 8h du matin, ça. Exactement. Au Dia. Charles, tu voulais reparler des cycles, tu m'as fait chier en antenne pour parler des cycles. Alors que tu voulais dire quoi dessus? Moi, pour moi, c'est simple. Moi, je suis un mec comme ça, tu vois. Comme ça. Non, mais si t'as un truc à dire, tu fais un roman, tu le dis. Tu fais pas 20 romans pour dire la même chose 20 fois, mais dans une ville différente, non, avec mais des personnages différents. C'est ce que alors je te pourquoi disais... faire des cycles? Alors pourquoi en fait, t'as lu tous les bouquins c'est de Hera Salvatore? C'est une demande du public, en fait, le cycle. Parce que j'étais jeune. C'est dès la création de la fantasy moderne, donc du coup, avec Bilbo le Hobbit. En fait, les gens, le public a demandé à en savoir plus sur l'univers. Parce que c'est aussi un nouvel univers. Les gens voulaient le découvrir, l'explorer, tout ça. Et ça a donné le Seigneur des Anneaux, simplement. Le Silmarillion, etc. Et exactement. En fait, Tolkien, dans son coin, comme il est un peu taré, il écrivait le Silmarillion. Merci. Et en gros, la Bible. Et en gros, la Bible avec des grosses araignées. En gros, avant d'écrire le Hobbit, il a écrit tout l'histoire de son univers du début à la fin avec tous les trucs qui s'est passé. Les lecteurs, ils en veulent encore. Oh, c'est trop bien. J'ai plein de trucs à raconter. C'est Marion, c'est chiant. Non, c'est trop bien. Ferme ta gueule. C'est chiant à mourir. C'est les fermes vogues. Bon, les gars, ça n'intéresse personne. Enfin voilà. Et en gros, quand on lui a demandé, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton univers? Ça nous intéresse. Et ben il a dit bah oui, j'ai plein de trucs à raconter. Il a fait toutes les chroniques des âges, des deux second âge, troisième âge, c'est on ça. Pas les mais c'est trop bien. Il raconte rien. En fait, il fait c'est vraiment ce que j'aime pas, et c'est vraiment la quintessence du cycle, tu viens en parler. Le mec il nous raconte l'histoire de la Terre du Milieu il y a 4000 ans où il y avait il y avait Hercule, enfin un équivalent d'Hercule, il s'appelait Jason et voilà, il a fait ça et c'est ça nous casse, on s'en fout. Il raconte ça sur une page. Alors le roi Jason et les Argonautes. Le roi du Numenor 3, il a construit une ville, il a été en bateau là, il est pas revenu. Ça c'est le Silmarillion. Mais après on s'en bat les couilles de ça, c'est un roman. Arrêtez de vous venir. On ne comprend même pas de quoi vous parlez là. On parle des cycles. Est-ce que c'est important de faire des cycles dans une. Voilà. Alors, mais là, on parle calmement. C'est Merlion qui a un cas un peu spécial. Parce qu'en fait, c'est tout. Non, ta gueule, Charles, ça suffit là. C'est tout l'univers en fait qu'il a détaillé dans un bouquin. Je crois mais, qu'il faut différencier le les univers et les cycles. Et là, je fais quelque chose que je déteste, à savoir essayer d'entrer dans. Enfin, mettre la main dans le cambouis, tu vois. Mais bon. Tolkien, bah, clairement, il a étendu son univers. Il avait Bilbo, puis il a fait le Seigneur des Anneaux, puis il a fait voilà, tout ce qu'on connaît. Pour rien. Là, j'ai l'impression que toi, la question que tu posais, Stavro, c'est pourquoi il y a 14 tomes à des séries ou des trucs comme ça. Oui, à la base, c'était ça, effectivement. C'est vrai que c'est pas la même question. Mais c'est venu dès le début de la fantasy, en fait. Ouais, mais je pense qu'on peut expliquer ça de deux manières. Le premier, c'est Bah déjà, on parle de bouquins d'aventure, de trucs avec énormément de péripéties. Tu prends la geste à Turayen, c'est pas 14 pages, quoi, tu vois. C'est un truc très long. Donc je pense qu'à partir du moment où tu décides de pas de raconter une tranche de vie de l'histoire de Jason Paladin, tu vois, après qu'il soit devenu chevalier, non, là tu vas le prendre quand au plus jeune âge, tu vas prendre qu'il est orphelin, qu'il va être élevé par le tâcheron du village, mais qu'il a un grand destin et qu'il va prendre une épée, qu'il part dans une quête, et là tu qu'à la moitié du tome 1, tu vois, et je pense que c'est un des codes du genre, mais je pense aussi qu'il y a énormément, enfin je pense pas, c'est certain, il y a énormément de trilogies. Pourquoi? Parce que bah, c'est devenu là aussi un code, pas intrinsèque au contenu genre du bouquin, mais au genre. Ouais. Et il suffit, bah voilà, la Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie. Je pense qu'il y a plein de. Il n'y a pas besoin d'aller. Star Wars, c'est une trilogie. Voilà, il n'y a pas besoin de rester uniquement sur la fantasy pour en trouver, tu vois. Le découpage en trois actes, c'est un classique. Voilà, c'est la poétique. C'est la poétique. Et je pense qu'il y a un système économique qui s'est imposé derrière. Ça fait bon, bah voilà, tu vas. Il y a autant de cas que de publications. Mais ouais, je vais faire une question un peu conne. Je suis désolé, Charles, de te couper. Mm-hmm. Mais Maupassant, il n'a pas écrit Le Horla 2. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, justement, par rapport à ça, c'est que. On va rester. Tu parles de Maupassant. On va rester en. Je sais pas ce que c'est cette fixette sur Maupassant. Moi non plus. Il y a une volonté, voilà. En tout cas dans la critique littéraire. Vraiment 16e, 17e, de revenir à l'épopée, parce que le modèle de la littérature, c'est Homère. Mmh, donc l'Iliade et l'Odyssée. Et donc il y a vraiment une volonté d'épopée, sauf que personne n'est foutu d'écrire de l'épopée dans ces siècles-là. Et pendant très longtemps, on n'est pas foutu d'écrire de l'épopée. Et aujourd'hui, la fantasy nous propose quelque chose qui ressemble très fortement à de l'épopée. Mmh. Donc c'est vrai que dans l'épopée, on a tendance à faire des trucs très très longs. Homère lui-même ou eux-mêmes. On écrit l'Iliade puis l'Odyssée, et donc avec une construction de monde et quelque chose qui ressemble à un cycle ou des suites. Il a tout piqué à Tolkien, moi je suis. C'est vrai. Mais c'est vrai que la fantasy nous permet peut-être d'approcher ce truc épique. Je sais pas ce qui. Enfin, c'est pas épique, c'est pardon. Cette épopée. C'est pas idiot. C'est un peu l'autre truc que je voulais dire, en fait, c'est que le cycle, ça renforce aussi le côté mystique, en fait, parce que. À quoi ça renforce la légende, en tout cas. C'est ça, c'est à quoi ça. Tu compares ça, en fait, les trucs qui sont aussi longs. C'est soit l'Iliade, l'Odyssée, mais aussi les textes religieux, en fait, qui font des milliards de pages. Ouais, mais qui n'ont pas la même. Des pas... milliards. Non, mais voilà. Non, mais bon, j'exagère un petit peu. J'exagère un peu. Un tout petit peu. Mais c'est ça, en fait. Milliards. C'est avoir un esprit. C'est-à-dire que la Bible, c'est un cycle qui contient des tomes qui sont les évangiles. Alors, bah, évidemment. Mais bien sûr. Non, mais en même temps, la Genèse, etc. C'est des... Je sais pas si, c'est si vous avez déjà lu. Et c'est le... ça. Je sais pas si vous avez déjà lu l'Apocalypse. Oui, bien sûr. De Saint Jean. Ouais, encore. Alors là, on est. Non mais bah, tu le reliras ou tu le liras, je ne sais pas. Mais on est typiquement dans la fantasy. Il y a des dragons. Mmh. Bien sûr. Il y a des dragons. Il y a des morts vivants. D'ailleurs, ça sera bientôt édité chez Bragelonne. Exclu. Mais voilà, exclu pour le podcast. L'autre idée, en fait, à mon avis, de faire des grossis comme ça, c'est d'avoir cette espèce de mysticisme, cette grande, grand bouquin qui recueille. Mais... Comme, qui te rappelle la religion, les grandes légendes, ouais, et tout, mais ça. Tout à fait. Et tu vois, vous avez beau critiquer le Silmarillion, et je peux tout à fait le comprendre, mais le Silmarillion, à mon avis, donc critiquer le Silmarillion, c'est critiquer la Bible. Non, mais bien sûr, non, mais c'est un peu ça. Je parce peux que... critiquer la Bible, mais pas le Silmarillion. Pour ceux qui ne sont pas au club, non, mais pour ceux qui ont les dragons du Silmarillion, c'est des vrais dragons. Non, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le Silmarillion, c'est vraiment l'établissement de l'univers. De Tolkien. Je crois qu'on l'a assez dit. Encore un peu de la basse. Et non, mais au-delà, vous pouvez critiquer, mais moi ça me plaît dans le sens où c'est un peu un repère, tu vois. C'est vraiment une Bible dans le sens. Toi, t'es religieux. Bah. Non, je suis pas religieux. Il est religieux du hobby. Mais ça m'intéresse. Mais ça me fait kiffer de savoir d'où tout est parti. Voilà, en fait. C'est ça. Je sais pas si c'est mon côté historien, mais ça m'intéresse de savoir. Oh, vraiment c'est ton côté historien. Surtout. Je sais pas si c'est. Mais tu vois, non, ça m'intéresse de savoir vraiment l'ensemble d'un univers. Tu vois, regarde, quand ils ont annoncé une nouvelle trilogie Star Wars, où on disait on va te raconter l'histoire de Dark Vador. Donc t'avais, ah putain, génial. Bon, après, t'as déchanté. C'est nul à chier. Mais t'étais intéressé par le concept qu'on t'annonçait. Moi, ça m'excite pas les trucs de points horizontaux. Origins, tu vois, Babar Origins, Wolverine Origins, tout ça. Moi, je m'en fous de ses origines. Oui, mais toi, t'as Jar Jar Binks Origins. Voilà. Ouais, mais peut-être que je suis pas la majorité. Tu as raison. C'est vrai que ça intéresse les gens. D'accord, je comprends. Et dont Alexis qui veut savoir que Gandalf c'est un Vaillard au service du Maillard de l'eau qui s'appelle Ulmo. Non, la vraie question, c'est des Eldar et tout. Qui a Ken, la mère de Gandalf? C'est ça la question. Et ça m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est ton bien ce qui parle de qui a la mère de Gandalf, parce que la dernière question de ce podcast, c'est... Moi, j'en ai une autre. Eh ben moi, c'est dit que c'est la dernière, donc ça sera... la pénultième. Est-ce que la fantasy peut encore nous émerveiller? On a vu Warcraft, oui, on a vu Dark Souls, oui. On a vu Tolkien, on a vu D&D, on a vu tout ça. Est-ce qu'on peut encore avoir de jolies choses? Oui. Est-ce que on a tout vu là, c'est bon, faut qu'on bloque tout. Moi, je vais voir mon patron demain, j'ai fait un podcast avec des potes, ils m'ont convaincu. Je vais démissionner et je t'invite à faire mes boutiques. À te suicider, monsieur. À te verser beaucoup. Non, mais finis tes vacances et puis après, on ferme la maison, on fait de la littérature de grandes personnes. Je pense que là, on va plus parler d'expérience personnelle, en fait, tout simplement. Mais je vous en prie. Alors, à quel âge t'as perdu ta virginité, Charles? Non, mais... Que tu me dises émerveille. Moi, j'ai un peu de science-fiction. Ça, c'est pas très sympa. FDP. Non, mais... Moi, je vous casse les couilles avec Chonjon, mais... Même avec Fables, etc., qui renouvelle, à mon avis, le genre. Et tout simplement, tu replaces dans le contexte Alain Damasio qui écrit la... Bon, j'allais dire ça aussi, ce mot magique, c'est Damasio. Qui écrit la Horde du Contrevent. Est-ce que vous pouvez détailler encore une fois? Est-ce que tu l'aurais imaginé il y a une dizaine d'années? Je sais Damasio, Alain Damasio, c'est un auteur français qui a écrit La Zone du Dehors et la Horde du Contrevent. Oui, et beaucoup de nouvelles. Et c'est de la fantaisie, mais de la fantaisie... de la fantaisie, quoi. Voilà. Hey, César, il me regarde un peu. Enfin, ta gueule. Non, je réfléchis à ce que je voulais dire. Damasio, c'est déjà. En fait, c'est Ilmray. On l'a vu avec Alexis un jour ou l'autre. Et il m'a dit. J'ai lu Deleuze et Nietzsche. J'en ai fait un roman. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça m'a parlé plus que d'autres trucs. C'est qu'il y a T'as senti tout ton être vibrer. Ouais, c'était le vif, mon gars. Et voilà, simplement, il a. Le vif d'or. Il écrit vachement bien, il y a 23 narrateurs différents, il y a 23 styles différents. Et c'est le ça. Mec avait quelque chose à dire dans son roman. C'est pas juste il y a des épées et des dragons parce que c'est classe et ça nous émerveille. On a compris c'est qu'il est dans ton top 3, c'est bon quoi. Quelque chose. Et ça, tu vois, pour le coup, ça renouvelle vraiment le genre. J'ai craché sur mon micro par contre. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vraiment différent de ce que t'as pu lire pour l'instant en fantasy. Et bien sûr, j'ai pas tout lu, mais quand t'as lu Tolkien, etc., tu lis La Horde du Contrevent et on te dit que c'est de la fantasy. T'es quand même assez surpris, quoi. Ça te sort vraiment des sentiers battus, etc. Tu vois, tu me demandes si on peut être encore émerveillé. Moi, ça fait 8 ans que je travaille chez Bragelonne et j'étais déjà lecteur avant de fantasy. Maintenant, c'est clair qu'il faut se lever tôt, déjà pour nous faire apprécier un bouquin, parce que je crois qu'une de nos forces, c'est de se dire ok, j'ai tant d'années de lecteur de fantasy, il faut se lever tôt, mais ce bouquin-là, je sais qu'il peut plaire à un nouveau public, tu vois. La Moira de Henry Lovenbruck, tu vois, c'est une histoire très simple avec une gamine et des loups, tu vois. Pour autant, les gamins de 13 ou 14 ans, ils kiffent. Pareil pour Magali Sigura qui peut réinterpréter le mythe de Romain des Bois en faisant un truc un peu plus féminin, tu vois. Romain des Bites. Tu salis tout. Romain des Bois, ça suffisait, c'est le sol bois de Boulogne, c'est bon. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas féminin. Hein. Mais tu vois, il y a plein d'auteurs qui parfois ils vont pas avoir un univers de ouf et vont te prendre par la main pour t'emporter, pour dire voilà, on va commencer tel bouquin en visitant tel continent. En fait, je pense que c'est pas les univers en eux-mêmes qui émerveillent, mais soit l'écriture de l'auteur. Et en fait, le reflet un peu déformé que ça renvoie de notre société à nous, en fait, tout simplement. Alors là, c'est une fiction très 18e de la fantasy. C'est genre, peut-être. Ah, c'est Voltaire qui parle, quoi. Non, mais en même temps, Alain Damasio, il présente l'heure du contre comme ça. Hein. C'est ça. Et Witcher, tu vois, regarde, même Witcher, tu vois, parce que là, je suis à fond dedans. Donc, mais c'est des drames humains qui sont créés par le monde de la fantasy, mais c'est des drames humains réels. Tu sais, ça parle de suicide. Qu'il est chiant. Ça parle de suicide, tu sais, de trahison et choses comme ça, et ça te renvoie en fait à partir du monde fantasy qui crée ces situations-là, ça t'envoie un miroir déformant du coup de notre monde réel. Et justement, pourquoi ne pas publier chez Bragelonne du Voltaire? Mais Candide, il n'est pas exclu qu'un de ces quatre on fasse des classiques. Alors, ouais, interprète classique comme tu veux, tu vois, mais on s'est dit pourquoi on ferait pas. Pourquoi on ferait Cyrano pas. Cyrano de Bergerac, le Voyage sur ouais, la Lune. Ouais, non, mais avant toute chose, voilà, pourquoi on ferait pas Les Trois Mousquetaires, tu vois, qui est un bouquin super important pour nous. Ouais. Pourquoi on ferait pas Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Moi, j'ai une dernière question. Eh bien, pose-la, Steven. Enfin, j'ai envie de dire, entre ici, Steven. Entre ici, Steven. Avec. C'est quoi la suite de la phrase? Entre ici, Jean Moulin. Avec tes dragons. Alors, continue. Ouais, entre ici Jean Moulin avec tes dragons. C'est bon. La question, c'est quand même, moi en baladant dans les bibliothèques, enfin pardon, dans les librairies. Te baladant et les 40 voleurs. Ouais. dans les librairies spécialisées SF fantasy. T'en connais beaucoup. J'en connais pas des masses. La librairie fantastique. Ouais. Donc, par exemple, celle qui est à côté où tu nous as emmené la dernière fois qu'on était chez Bajlon. Ouais, il y a aussi Critique à Rennes, il y a Trollune à Lyon, on va leur faire de la pub. Il y en a une à Angers. Merde, comment ça s'appelle Imaginaire. Tout le monde s'en branle. À Angers, personne n'y va. Ta gueule, ferme ta gueule. Je connais même pas cette ville. C'est ma ville représente. Alors, non, mais c'était pas la seule que je vitais, mais ça m'a marqué notamment dans celle-là, la surreprésentation du nazisme. Non, je suis là, je prends mon micro. C'est vrai que je suis présent. Une coupe sur deux représente une croix gammée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit penchant? Non, je suis pas, tellement d'accord. Ce que tu veux dire. Un petit penchant nazi. Est-ce que ça marche pas un peu nazi? Alors, alors très objectivement, ce sera le sujet de ma deuxième émission d'histoire. Ah. Non, alors podcast, vas-y, on présente ton podcast maintenant qu'on est là. Un podcast ami de la fucking Kermesse qui s'appelle Analeb, c'est collectif va être lancé. C'est ça, exactement. Un podcast sur l'histoire et son rapport avec la fiction. Et en fait, moi, je théorise... Le hijacking de podcast. C'est ça. Je théorise l'idée que... Les nazis, ils n'avaient pas tout à fait tort. Non. Ils ont fait des autoroutes quand même. C'est pas ça. Tu as énormément d'impact si tu modifies un événement de l'histoire, et si tu crées une nouvelle histoire à partir d'une modification de notre histoire. Comme le Haut Château de Philippe Apendice. Le maître du Haut Philippe Château, Philippe Cadic. Exactement. Et du coup, et clairement, un truc qui est commun à tout l'imaginaire de la population mondiale, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et le nazisme, c'est un truc qui est ancré dans toutes les... T'es en train de dire... Non. Dans tous les espaces du monde. Le nazisme, non, c'est dans notre entier. ADN, monsieur. Non, mais c'est et pas ça. Un nazi. Mais non, mais tout le monde connaît... T'es en train de dire qu'on en fait trop avec Seconde Guerre tout mondiale. Mais un peu, oui, bien sûr. C'est vrai. Alexis Mbalambala, excusez-moi. J'avais une question. Allez, retrouvez Analeps... aux éditions Contre Culture. Non, jamais de la vie. Non, mais il n'invente vrai... rien, c'est écrit dans ses livres. Hein. C'est vrai que si tu regardes. Emmanuel Todd l'a écrit, je crois, hein, d'ailleurs. Si tu regardes... C'est vrai que si tu regardes une énorme partie de la littérature de l'imaginaire à partir de la moitié du XXe siècle, c'est oui, parce énormément. Non, mais en même temps. Excusez-moi, Steven, non, mais c'est énormément parce que emprunté c'est... d'imagerie fasciste, en fait. Mais c'est pareil dans la littérature normale. Beckett, Ionesco, ils parlent des nazis aussi. C'est le postmodernisme, c'est construit sur les nazis. Donc pourquoi pas. C'est une question que je pose. Et arrête et de me faire un procès. Et moi, je te dis, c'est pas que la fantaisie, c'est toute la littérature qui a fait le contre-coup des nazis en parlant non-stop. Voilà, Ionesco, Beckett, c'est les nazis. Non, mais moi, je trouve que Tolkien, c'est l'apartheid. Enfin, voilà. Tout je le trouve qu'il y a une certaine fascination. Enfin, non, en fait, pas du tout. Tolkien, c'est l'apartheid, mais tant pis. Non, mais même Lovecraft c'est le racisme, etc. Lovecraft était pro-nazi à la fin de sa vie. On va se faire insulter dans les commentaires. Mais non, mais vraiment. Attendez, Toulouse, c'est clairement Hitler. Non. Non, mais Lovecraft, c'est une vraie théorie qui existe. Lovecraft qui est raciste. J'ai une vision de Toulouse avec une moustache. le salut de Nesnik Toulouse est très beau d'ailleurs. Lovecraft qui est raciste foncièrement. C'est vrai qu'il y a un dossier sur le cafard cosmique. Mmh. Qui est xénophobe, considère l'étranger et crée des monstres marins parce que les étrangers viennent de la mer comme il est américain. Et, et c'est vraiment une théorie qui existe. Et à mon avis, c'est pas totalement faux, quoi. De toute façon, je veux que tu vois comment il décrit un noir, tu sais, dans ses bouquins, quoi. Ça se voit qu'il est raciste. Tous ces gens qui viennent de l'Atlantide, n'est-ce arrête, pas arrête. Je pense qu'il va y avoir de la censure dans cet épisode. Anti-Aquaman. Mmh. Non, mais même dans les postures, en fait, dans les postures de méchants, tu vois, si on est très binaire, quoi, c'est souvent des figures fascistes, en fait. Et en même temps, après la Seconde Guerre mondiale. Tout est mieux avec un nazi, enfin... Il nous parlait de ses parties sexuelles en fait. Tout est plus drôle avec un nazi. Non, en fait, ce que je voulais vraiment dire. Est-ce qu'il avait une moustache et son pénis, bien sûr. C'était avant de partir dans cette xénophobie malséante et ces choses diverses qui vont être censurées. C'était de dire que, quand même, la fantasy, à mon avis, il y a la fantasy et la SF qui naissent un peu au 19e siècle. La bonne fantasy et la mauvaise fantasy. Non, je dis pas du tout ça. Y a la fantasy, elle a des nazis. La fantasy, elle a des dragons. La fantasy, quand même, cristallise un certain traditionnalisme avec toujours des quêtes de trucs, ouais, qui se passent sur les terres, machin chose, de l'ancêtre Trucmuche, avec le fils machin qui est le fils de truc, qui est le fils de truc, qui est le fils de truc, mm-hmm, avec c'est un droit du sang machin, et des races qui sont classifiées dans. Ouais, t'as ça, qui ne se mélange mais t'as pas que ça. Si tu regardes la geste arthurienne, encore une fois, bon, t'as Arthur, il est prédestiné à faire tout ce qu'il a à faire, tu vois, mais t'as énormément de bouquins où c'est le pauvre gars qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Perceval. Notamment, après, ouais, et ça fait partie encore une fois des clichés, tu vois. C'est pas faux. Mais de moins en moins, et j'irais même jusqu'à dire qu'il faut qu'il y en ait de moins en moins, parce que du coup, ça nous enferme dans un genre, et alors que ces dernières années, on a vu énormément d'auteurs qui ont tout fait pour en sortir. C'est vrai que d'un certain côté, Tolkien est hyper conservateur. C'est parce qu'il est catholique ? Non, mais c'est que, effectivement, le Sud. Arrête. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, je m'arrête. Il y aura juste beaucoup de bips. On va bientôt arriver cette question à la beaucoup fin plus tôt, en fait, de l'émission avec la vie Patrick de l'ami Steven qui aujourd'hui nous parle d'un sujet de fantasy assez connu, la pétanque. Et oui, cher Patrick, voilà l'été. Les cigales chantent et te voilà beau, te voilà fier. L'odeur du sable chaud se mêle telle une symphonie aux exhalaisons de merguez. Tu as sorti ton plus beau short et tes sandalettes. Tu es donc dans ton plus bel accoutrement. Et la caravane arrimée, tu peux enfin commencer à vivre pleinement ces deux semaines de congés payés que ces branleurs de gauchistes ont réussi à t'obtenir il y a bientôt un siècle. Tu es donc au fabuleux camping de la Roubinette, le cadre idyllique de la France éternelle, diront certains, et pour laquelle quelques jeunes en polo se battent corps et âme, sur Facebook principalement, en attendant le RSA, revendiquant la chrétienté au nom des PMU, la misogynie et le racisme au nom de l'histoire d'une France qui semble pourtant née d'un gangbang immigratif. Je m'égare, mais au camping... Jeanne ? Il y a bien des choses qui s'approchent de cette éternité. Et surtout un sport qui fait honneur à la France, et ce depuis la Gaule. L'alcoolisme d'abord, mais surtout la pétanque. Je te conseille donc, Patrick, de t'avancer vers un terrain et de prendre contact avec un groupe en mesure de t'accepter. Je vais donc te donner quelques conseils. Un peu de culture pour commencer. La pétanque naît en effet en Gaule. Voilà de quoi amuser tes futurs camarades sur le terrain. Hé, hey Jean-Michel, un sport de boules qui est né en Gaule. Ah, c'est rigolo. Et Gérard d'ajouter, quand César avait la Gaule, Vercingétorix avait les boules. Voilà pour la culture et les bons mots. La prise... Tu sais que j'ai la gauze, moi. La prise de culture étant amorcée, c'est ce que le linguiste Jacobson nommait la fonction fatigue du langage, mais n'en parle surtout pas au camp. Ces petites blagues ne font... pas tout le skill du bouliste. Tu trouveras sur l'internet moult sites dédiés aux techniques de la pétanque. Comment prendre la boule, comment lancer au fer et patin coup fin. Ces tutos sont agrémentés de blagues sur le simple syntagme « prendre une boule » qui fait aussi rire les boulistes les plus expérimentés. Après tout, la pétanque, c'est aussi le sport authentique de la simplicité. Mais pour partir à la quête du but magique, le but que les plus racistes d'entre nous nomment le cochonnet, juste pour éviter que le Qatar ne colonise ce sport, pour partir à la quête du... ce que tu dis, c'est de l'art. C'est vrai. Il y a un deuxième effet qui se coule quand tu comprends la ouais, c'est parfait. Pour partir à la quête du but magique, disais-je, il te faut te faire accepter dans une partie. Et pour ça, je te conseille de viser les triplettes, c'est-à-dire les deux équipes de trois pélos dotées de deux boules. Fais quand même attention de ne pas être à la fistinière qui dispose ses équipes avec la même configuration. Pour te faire accepter dans un groupe, le skill n'est pas essentiel. Assez rapidement, chaque triplette atteindra un degré d'alcoolémie approchant des 7, multiplié par les 39 degrés du soleil, et qui éloignera naturellement les boules du but visé d'environ 2 mètres. Ce qu'il faut, mon Patrick, c'est maîtriser des codes. Je vais donc te livrer un petit vocabulaire pratique de la pétanque. La pétanque, comme le vin et la musique, c'est avant tout une manière de parler. Commence par te moquer d'un Parisien s'approchant du terrain et qui fait la Micheline. Cette belle expression, alors toutes les expressions que je vais donner à partir de maintenant sont des expressions qui appartiennent réellement au vocabulaire de la pétanque. Toi, t'as eu des vacances en camping particulièrement douloureuses, j'ai l'impression. Non, j'ai traîné sur l'internet. Donc, moque-toi d'un Parisien qui vient et qui fait la Micheline. Cette belle expression désigne celui ou celle qui se présente à une partie sans sa paire de boules. Dans le brouhaha, peut-être que ton expression ne va pas être entendue, mais sans doute qu'un joueur va te repérer et s'intéresser à toi pour éventuellement te recruter. D'où viendra le fameux « Hey Patrick, toi tu es plutôt pointeur ou tireur ?» La question est délicate, je te conseille donc de gagner un peu de temps en disant que tu tires toute l'année au bureau et que donc pour une fois tu vas peut-être pointer. Bonus humour, toujours bon à prendre, te voilà dans une équipe. Commence par être un bien lourdingue en affichant immédiatement une haine amusée envers l'équipe adverse avec une mauvaise foi assumée. J'ai pour toi la meilleure expression sportive de tous les temps. Lance un petit « Alors là, les cocos, je vais vous dire qu'on va vous mettre une fanny ». Mettre une fanny signifie gagner une partie avec un score de 13-0. Et c'est la réponse à une autre expression « Embrasser Franny ». Sache que chaque club de pétanque dispose d'une effigie d'une femme le cul à l'air, Fanny, c'est véridique, hein, qu'il s'agit d'embrasser, sur le cul donc, lorsque l'on perd avec 0 point. Il te reste encore quelques expressions à placer. Je te laisse le soin de trouver les bons moments pour faire une rétropicette, c'est un terme officiel, hein, qui est une technique de pointage avec effet. De te moquer d'un joueur qui a paloufé, c'est-à-dire qui a envoyé la boule beaucoup trop courte, ou bien qui a fait un paix de vieille, c'est-à-dire un tir qui se contente d'effleurer la boule visée sans la faire bouger suffisamment. Putain, vive-moi la pétoque aux Jeux Olympiques. Hein. Et ça vient. Ou de dire à tes alliés qu'il y a largement de quoi faire une valoche, c'est-à-dire de prendre 5 ou 6 points dans une même main. Voilà plein d'expressions. Et voilà, mon Patrick, avec toutes ces belles expressions, tu es prêt à passer pour le meilleur joueur de pétanque du camping de la Roubinette. Et la prochaine fois, Alexis te conseillera pour une vie Patrick, puisqu'Alexis fera la prochaine vie Patrick. Ouais, j'ai la pression. Ah ouais ? Il s'agit de trouver un sujet maintenant. Faut pas qu'il fasse sa Micheline, hein ? Et il va pas falloir faire la Micheline. Ou un peu de vieille. Bah, c'est une bonne idée qu'Alexis fasse une vie Patrick. J'aimerais bien voir ça, moi. Enfin, alors la prochaine vie Patrick, ce sera en août pour le prochain podcast de la fucking kermesse. Qui sera une FK spécial jeu. Steven n'est pas d'accord. Moi, je l'annonce, je suis un mec comme ça. Ce sera une FK où on jouera. Il y aura un quiz permanent. Il y aura un jeu à boire. Il y aura une course à l'œuf. Il y aura une course en sac. Il y aura tout ça. Donc, ce sera une FK spécial jeu. Ça sera pas sur les cheat codes. Ça sera une vraie kermesse. Non, ce sera pas la première fois qu'on annonce un truc qui vient pas. Alors, si jamais ça vient pas, allumez la télé. Regardez Hanouna, et puis voilà, ce sera la FK. Stavrogin Hanouna, c'est vrai que c'est presque pareil. Voilà, c'est pas faux. On a fait une belle FK. Steven nous a rabiboché avec la pétanque, j'ai envie de dire. Exactement. On a tous envie d'y jouer. On a parlé de nazis, on a parlé de dragons. maintenant, on va finir en faisant ce que Steven critiquait dans le roue plateau, des tops. Ah, on sent bien. Alors, c'est le meilleur moment de l'émission. On se sent chez nous. On va tous faire un petit top de nos œuvres préférées en fantasy. Qu'il s'agisse de littérature, le cinéma, le jeu vidéo. On va faire un petit top 3, je pense que c'est bien. 3, ouais, c'est bah la oui, Trinité. C'est, vrai, c'est, bien. C'est bien. 3 Alors, fois 5, c'est génial. T'as un générique hit machine ou un truc du genre pour habiller ou... Ah, ah. Je vais peut-être en post-prod. Ouais, ce sera juste facile. Aujourd'hui, on va parler des tops. Qu'est-ce que les tops ? Dans le jardin de mon cousin Ballon, il y avait des tops. J'avais mon marteau. Bon. Alors, on va commencer par Charles. Charles, il fait un peu trop le malin. Charles, quel est ton top ? Ton top 3 de fantasy pour conseiller aux auditeurs de la fucking kermesse. Une part par rapport à ce que je vais continuer à parler. Alors, Charles, toi qui es. Bon, ok, j'arrête. Dans aucun ordre particulier, en fait, moi, je mettrais déjà le Hobbit. Parce que j'ai. En fait, c'est mon Tolkien favori. Et en fait, quand j'étais ado, j'adorais Le Seigneur des Anneaux. Mais en vieillissant, en fait. Ça reste pas, en fait, c'est vraiment le style, j'y accroche plus, et le Hobbit est vraiment, reste toujours frais à chaque lecture, tu vois, est toujours bon enfant, tout ça, et c'est toujours un plaisir à lire, quoi. Et vous vous marrez, putain. Mais non, mais c'est parce que c'est drôle. Ok. Sinon, après, il y a Le Nom du Vent, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui est de Patrick Rothfuss, donc, et ses suites. Donc, c'est la chronique du Tueur de Roi, en fait, le titre de la saga. Et c'est pas encore fini, mais c'est à première vue, en fait, ça paraît ultra classique, enfin, ou très classique en tout cas. Et mais c'est tellement bien écrit, c'est hyper poétique. Et très bien traduit d'ailleurs au passage. Hein. Je dis pas ça pour César qui est avec nous, mais voilà. C'est pas lui le traducteur, mais je vais pas dire. C'est ma tati. Et en fait, c'est. En fait, il y a une vraie poésie vraiment dans l'écriture de Patrick Rothfuss qui se dégage. Et c'est passionnant à lire juste quand il joue de la musique ou quand il est clodo, tu vois, tout ça, parce que le personnage. Passe un moment où il est clodo. Attends, c'est de la fantaisie sur la ligne 13 où le mec joue de l'accordéon. Non, mais c'est ça, et c'est hyper beau. Et c'est hyper beau, hyper bien écrit. C'est, pour de la fantaisie, c'est, j'ai rarement vu un truc écrit comme ça. Je me permets de hijacker son top parce qu'il est dans le mien aussi. Et c'est juste pour dire en gros, on est dans un monde de fantasy classique, sauf qu'il y a un scribe itinérant qui a entendu parler d'un dénommé Vos qui est. Au centre de toutes les chansons, de toutes les légendes, il aurait tué le roi, il aurait sauvé la princesse, il aurait tué un dragon, etc. Et il remet la main sur le vrai Vos, qui est en fait paumé dans un patelin où il est, où il tient une taverne. Une taverne. Et il dit, ah mais ça y est, vous allez pouvoir raconter votre version, parce que moi, mon boulot c'est de faire raconter aux gens leur histoire. Et le Vos, tu réponds, non mais attends, si je suis paumé ici, c'est parce que la moitié du monde connu veut ma mort, donc tu vas me laisser tranquille, et puis surtout, casse-toi quoi. Ouais, il est un peu pathétique en plus quand il le croise et tout ça, et en fait il raconte son histoire. Et c'est le même début que L'Étoile du Matin de David Gamel. Et voilà, et tu vois, genre, il y a des moments où il joue juste de la musique, et ça dure plusieurs pages, et c'est hyper beau à lire. César le vent, c'est un peu mieux que toi, quand même. Ça marche vraiment bien. J'ai encore tiré 2-3 personnes à la Japanese. Et dans mon dernier, en top 3, je mettrais un roman jeunesse en fait, parce que ça m'a vraiment marqué. C'est gamin, de Philippe Pullman. C'est À la croisée des mondes, du coup, de Philippe Pullman. Mein Kampf. Ouais, c'est un roman jeunesse. Et à la croisée des mondes. À la croisée des mondes, Philippe Pullman, parce que donc c'est un, en fait, c'est un livre qui parle de l'univers parallèle, de fantasy, tout ça, de, etc. Quel connard. Je veux plus. À la croisée des mondes, la Méditerranée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je dois en parler en fait parce que ça parle. J'en peux plus. Ça parle de sujets hyper pertinents, tu vois. En fait, ça parle de mort, de bien et de mal, de religion, et de façon assez sévère à chaque fois, mais pour un ado en fait. Non, je suis d'accord avec toi parce que moi j'étais c'est privé hyper de télé, formateur comme et bouquin. Du coup j'ai lu ça et c'était grave mieux que la télé. Privé de télé. Même les films sont pas nazes. Non, le film est haché. C'est avec Daniel Craig, non, c'est pas ça? Oui. Je crois, mais le film est haché. Mais vraiment. Mais c'est vrai que c'est un bon roman pour jeunesse. Et pour, c'est hyper formateur. Non, mais jeunesse, l'ami jeunesse. Non, mais tu vois, moi qui ai vu. Bah, Véronique Jeunesse, on la connaît. Je me suis dit, bah tiens, le livre serait intéressant à lire. Le livre est beaucoup plus engagé. Oui, c'est une trilogie, c'est ça? Et oui, c'est une trilogie. Et le premier. Qui est cool, c'est vrai. C'est vraiment cool. Il y a deux héros, c'est ça? Une fille et un mec. Au début, en fait, tu suis la fille et c'est assez classique en fait pour la fantaisie. Après, le mec arrive et là, c'est classe. Et à la fin du premier bouquin, t'as la révélation sur les univers parallèles. Et là, le bouquin devient vraiment. Victor Spoil. Et si je ne m'abuse, Philippe Pullman a fini méga conspirationniste et tout. Je ne sais pas du tout. C'est bien. Ensuite, Alexis, quel est ton top? Ah, c'est mon top 3. En troisième position, je mettrai deux œuvres. Égalité. Tu triches. Ah non, mais j'ai pas le droit. Non, mais voilà, les top. Tu le fais vite alors, tu le fais vite. Ok. Alors, je mettrai Fables et Donjons. Donc, Oh là okay, là, on a déjà parlé. On sait ce que c'est, t'en as parlé 4 fois. Voilà, donc Fables, numéro 2. Fables de Bill Willingham, qui est un comics sur. En gros, les je l'ai déjà dit. Tous les personnages des fables que vous connaissez qui vivent dans notre monde réel. Et Donjon, qui est écrit, avec des animaux, écrit voilà. Par Johan Svar et Lewis Trondheim et dessiné par plein de dessinateurs, donc je vais pas les décrire, qui raconte tu veux les décrire physiquement, les dessinateurs, parce que sinon on n'a pas fini quoi. Et qui raconte l'histoire d'un donjon et donc des personnages qui le hantent et qui foutent la misère aux aventuriers qui y viennent. Un peu comme Dojo Keeper, mais en BD. Voilà, c'est ça. En deuxième position, je mettrais Monty Python Sacré Graal, qui pour moi est quand même une œuvre de fantasy. Et qui est un excellent film. Et quoique la fin. Ouais, mais justement. Il est ça... un peu de gauche, oui, je te l'accorde. Ouais. Et bah, Charles de gauche. Oh, putain. C'est un excellent film. C'est, à mon avis, le meilleur film que les Monty Python ont fait. La vie de Brian, quand même. La vie de Brian. Ouais, la vie de Brian est très bien. Mais Sacré Graal, putain, quand même, quoi. Ah, ça se bat. Donc voilà, si vous aimez la comédie anglaise, etc. Si vous aimez Disney. L'humour et les gags. Voilà. Non, mais c'est un truc qu'il faut pas. Je pense très sincèrement que ça fait partie des films qu'il faut avoir vu au moins une humour, fois dans sa vie, quoi. En humour, il y a Norman et ça, quoi. Ça fait mal quand tu présentes comme ça. Et en premier lieu, je mettrai l'ordre du contrevent d'Alain Damasio. Ok. Voilà. Que je ne décris mais pas parce que on l'a déjà fait. Voilà. En fait. César. Bah, j'avais Rose Fuss en numéro 3, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais dire David Gemmell en 2. David Gemmell, c'est l'auteur que j'ai découvert un peu tardivement en entrant chez Bragelonne, et c'est l'auteur qui a fondé à qui on doit tout, en fait, parce que c'est. Mais il a fait le Macaulay Club, enfin le Gemmell Comedy Club. Putain, ça marche la deuxième fois. David Gemmell, c'est une fantaisie assez peu. Très peu de magie, c'est beaucoup de personnalités bourrues qui sont un peu. Que la vie n'a pas épargné, on va dire. Et Vis ma vie. Vis ma vie de Drus. Drus, c'est le premier bouquin du cycle de Renai, qui est un peu son œuvre phare. C'est un vieux guerrier qui a choisi ses combats, qui est un mercenaire, mais qui ne s'est pas vendu aux plus offrants. Et il sait que son pays va être bientôt envahi par une armée de barbares un peu similaire au Hun d'Attila. Et il n'y a qu'une seule place forte qui empêche l'armée d'envahir le pays. Et il va se rendre à cette place forte où il y a juste un millier de réservistes sans commandement. Et en plus, le roi de Renai est mort. Donc c'est vraiment la merde, géopolitiquement parlant. Et il va se dire, moi, je suis bientôt mort. Donc autant que j'aille là-bas pour donner un brin d'espoir à tous ces gens qui, de façon, vous clamser. Gemmell, c'est de la bravoure. Il nous fait vraiment ressentir son code d'honneur. Et surtout, Gemmell, je parle de l'auteur, de la personne, c'était vraiment un type extraordinaire. Et donc je vous invite à lire tous ces bouquins. C'est l'écriture à une main, c'est ça c'est Gemmell de Bouze. Mais la blague à ressort. César, tu disais que c'était une personne, mais s'il est décédé Non, c'est devenu un enculé. Ça fait 2-3 ans, il dit plus bonjour, enfin il est vraiment insupportable. Donc oui, il est mort alors, ce pauvre homme. Il est décédé. D'accord. César n'en peut plus. C'est la fin. Et donc, ton numéro 1, César, au top. Et mon numéro 1, alors déjà, faut lire pas seulement Drenaï de Gemmell, mais 3 Rigantes, surtout Rigantes, c'est génial. Et mon numéro 1, c'est Guy Gabriel Kay. Guy Gabriel Kay, c'est un auteur canadien. Qui de la même manière que Gemmell, en fait, il a un univers pas connecté chaque bouquin n'est pas connecté, c'est-à-dire que il va prendre une période historique, par exemple la Reconquista espagnole, et il va en faire un bouquin de fantasy. L'un de mes bouquins préférés, c'est Les Lions d'Alrasan, qui raconte justement cette espèce de Reconquista dans une Espagne qui n'est pas l'Espagne, mais donc un pays imaginaire. Et il y a 3 personnages, un qui est... qui n'est pas musulman mais qui est musulman, une doctoresse qui est juive mais pas juive, en fait c'est ça le Gemmell Comedy Club. Et une espèce de chevalier chrétien qui n'est pas chrétien, mais qui n'est pas chevalier, voilà. Tout ça n'est pas le monde qu'on connaît. Et en fait c'est beaucoup de gens disent que George Martin c'est un cador de la narration, il vous fait croire, il vous manipule comme vous voulez, et c'est vrai, mais Guy Gabriel Kay, il est capable de faire ça et bien plus encore. Et c'est une plume extrêmement belle. Je donne cette recommandation tout en sachant que le bouquin commence à être dur à trouver. Et c'est vraiment exceptionnel. Bientôt chez Bragelonne ? Non, justement, c'est j'ai lu la tête. Eh bien, merci César. Et Steven, en fait, il n'a pas le droit de dire son top 3, c'est non, ça mais... Ah si, je dis merci César. Allez, vu que c'est bientôt l'heure, qui est déjà quand même déjà César moins le quart, on va passer à Steven. Alors moi, je vais faire que du gratuit. Oula. C'est pour les nains qu'ils ont dans la salle. Un beau Black cliché. Fantasy. Black Fantasy. Alors je vais commencer par Les Merveilleuses Aventures de Kalon, K-A-L-O-N, d'un monsieur qui s'appelle Asp Explorer. Ça se trouve gratuitement sur internet. Ça a été publié entre les années 1995 et 2000 ou 2000 quelque chose. Il y a une quinzaine de petites nouvelles qui en fait peuvent constituer assez rapidement des chapitres d'un grand roman. C'est en gros, ça part sur une sorte de parodie de Conan, parce qu'on a un barbare qui est, pour le coup, n'est pas très futé, encore moins que Schwarzenegger, et qui prononce, je crois que sur au moins sur les trois premiers chapitres, il doit parler trois fois et il doit dire quatre mots en tout. C'est assez intéressant parce que pour le coup je parlais de narrateurs tout à l'heure qui ont une place assez importante. Là le narrateur a vraiment une plume et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui parle énormément. Dans la première aventure qui doit faire une dizaine de pages, ça se lit très très bien, ça se lit très vite et c'est très drôle. Calon rencontre Melgo le voleur, puis dans la deuxième aventure il rencontre Souk la sorcière sombre et ils vont comme ça faire des quêtes. Donc voilà, si les gens ont apprécié, si nos auditeurs ont apprécié le Donjon de Noël Buck, allez lire Calon, qui est un peu ce sur quoi Noël Buck a un peu pompé, et c'est beaucoup mieux écrit. C'est écrit un peu à la manière d'une autre saga MP3 qui s'appelle Le Reflet d'Acide, qui est mon deuxième de mon top, de JBX. C'est une saga MP3 qui commence à, qui va bientôt avoir son épisode 7, je crois que je crois que JBX est en train de travailler dessus. Mais il met 2 ans à faire un épisode maintenant. C'est la troisième année là. Maintenant, ouais, c'est ça. Je crois que c'est 3 ou 4 quatrième année. Mais c'est des épisodes très longs et vraiment écrit. C'est très très bien écrit. Il y a vraiment une plume là pour le coup. C'est toujours de la fantasy assez drôle, très inspirée du jeu de rôle, avec un narrateur très puissant. Oui, c'est très très jeu de rôle, parce que même t'entends parfois des fois... Il y a des jets de dés, des fumbles, etc. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas non plus besoin de connaître précisément le jeu de rôle pour comprendre l'humour de Reflet d'Acide. Ça se trouve très facilement sur Internet. Mon dernier c'est top... C'est gratuit. Et c'est gratuit. Le mon dernier top, gratuit, comme dirait Charles. Toujours gratuit, parce que c'est meilleur quand c'est pas cher. C'est un podcast qui s'appelle Elbakin, qui est à la base... Ouais, c'est vrai. Non, mais ça... qui est à la base un site et un forum. Je sais pas si tu connais, César. Elbakin. Moi, je connais, ouais. C'est quand même très... Et le podcast est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'habillage sonore et compagnie. C'est réservé quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais à des gens qui connaissent un peu la fantasy, parce qu'ils ont tendance à balancer les auteurs. Sans nécessairement dire non. De quoi il parle, mais non. Oh, voilà, j'ai fini. Ce mec est fou. Black Fantasy. Alors voilà, j'ai fini, vas-y. Bon, alors Stavro. Donc Elbakin, site et podcast. Voilà, pour le top 1 de Steven. Stavro, moi avec des podcasts thématiques sur un peu tout ce qui se fait sur la fantasy, effectivement. C'est très bien. en top 3 de mon top, il y aura évidemment Dark Souls. Dark Souls. C'est de la nous faire Dark Souls 1 en top 3, en 3 Dark Souls 2. C'est de la Dark Fantasy. Qu'est-ce que c'est la Dark Fantasy? C'est de la fantasy qui fait un petit peu peur. Au lieu d'émerveiller, ça inquiète, ça met mal à l'aise. Et il y a vraiment dans l'univers graphique, dans la direction artistique, les chatons en ruine, le désespoir, ambiance. Chatons en ruine. J'ai compris les chatons aussi. C'est du porno zoophile. Ah, c'est du zoomorphisme. Les chatons. On leur passe sur le corps. Et donc Dark Souls, c'est vraiment bien parce que c'est des choses que j'avais pas vu en fantasy encore, genre le. Pour les connaisseurs, le dragon béant dans le niveau des égouts, on dirait une sorte de vagin avec des dents, mais des ailes en même temps. Et il s'appelle génial. Le dragon béant. Oui, et c'est une sorte de vagin avec des dents, mais c'est un dragon. Et il y a plein ah, de. Ah, mais je comprends mieux pourquoi tu le manga de Dark Souls continuellement. Et en fait, c'est juste l'univers qui m'a fasciné. Et il est c'est très malin. Faut que tu lises le manga Berserk, qui est pas facile à trouver aussi. Et bah, t'inquiète pas, je vais y venir ensuite. Parce que là, je parlais de mon top 3, mais j'en parlerai après. Top 2, c'est Game of Thrones. George R.R. Martin, je l'ai lu en anglais, il écrit bien cet enculé. C'est vrai qu'il écrit bien. Alors, au niveau du style, c'est pas très flamboyant, mais c'est efficace. Mais ouais, tout est dans l'efficacité. Il y a quelques formules parfois qui sont là. On fait ah ouais, le mec ça pète quand même. Et bah, bien sûr, les niveaux histoire, le cinquième tome est. Souvent, c'est lent. On a l'impression de lire un résumé du conflit israélo-palestinien sur BFM. Mais à la fin, ça pète. tu mets 300 pages à dire attendez, BFM, lui c'est le frère de machin et tout, et à la fin tu fais oh putain, donc ça tu mets le temps, ça se mérite. Il faisait partie de la CIA. Mais quand tu y arrives, c'est trop cool. C'est ça. Et j'attends Victarion dans la série, s'il vous plaît, faites-le un jour. Et en numéro 1, ce sera L'Ordre du Contrevent, comme Alexis Damasio, un chef-d'œuvre. Voilà, et je l'ai pas mis dans mon top, mais je vais juste en parler deux secondes. C'est bah, super. Non, mais vous avez fait deux, lui il a mis deux œuvres dans son top 3. Moi je mets un truc hors top, mais je vais en parler moins une fois. Parce qu'on n'a pas du tout parlé des mangas qui sont parfois un peu fantasy. Ah, c'est dommage quand même. Et du truc japonais. Et moi j'ai bien aimé Fairy Tail, alors c'est chaud pour moi. Ouais, mais c'est, chaud, c'est ouais. Un truc fantasy. Oui, oui. Avec des mages qui se combattent, etc. C'est un peu Naruto avec de la magie. Hein, on va ouais, c'est ça comme ça. Le montage te fatigue. Oh là là. Et il y a des œuvres de japonaises de fantasy qui sont vachement cool. Berserk, il en parlait, Charles. Mmh. C'est de la art fantasy, je sais pas quoi. Hein, mais c'est vachement bien. Fairy Tail, c'est un peu shonen, un peu con. Mais en fait, vu que le rythme est rapide, on oublie. Certes, c'est comme One Piece et Bleach et Naruto. Bien. Mais vu que ça va vite, bah c'est pas grave. One Piece, il met un combat en 5 épisodes. Lui, il le fait en 2. Du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, bref. Au Japon, il y a de la fantasy cool. Les mangas Dragon Quest sont sympas aussi. C'est la musique. Non, je mets de la musique d'ascenseur pour patienter. Non, mais voilà, au Japon, il y a aussi une fantasy avec qui est un peu différente et qu'on aurait dû un peu évoquer, mais on n'est pas assez cultivé. Voilà. Et puis on fait pas tout. Hein. Oui, on n'est pas exhaustif, comme l'a dit Steven en début d'émission. Voilà, on est ivre, le podcast noire, est terminé. Ça fait plaisir, j'espère que ça vous aura plu. Alors merci César d'être venu. J'espère merci à vous de votre accueil. Merci Alexis. Eh bien merci à vous. Rendez-vous sur Wooniverse.fr. Ah, super. Oh, merci Charles d'être venu pour la première fois. Tipeee.com/Wooniverse-fr. Merci Charlito d'être venu. Merci d'avoir accueilli chez toi. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis pas vraiment venu. Et merci Stavro. Merci Steven. Merci Steven. Merci à tous. On est une belle fraternité. On est une belle communauté du podcast. La fraternité de l'anneau, c'est la nouvelle traduction. C'est quoi? C'est vrai? Ouais. Ouais. Non. What? Bon, on va en parler en antenne. On se retrouve bientôt, sûrement dans pas si longtemps que ça. Certainement. Pour une FK jeu. Je le répète pour que ce soit sûr. Avec, avec une VP d'Alexis. Ou alors pour la FK 15 avec Oupi de ZQSD sur les comptes. Sur les comptes dans la pop culture contemporaine. Exactement. Genre le Blanche-Neige et le Chasseur, par exemple. Ouais. Voilà. Donc on se retrouve bientôt. On fait des bisous. Laissez des commentaires. Sucez-nous la table. Envoyez-nous de l'alcool et de la cheese. Et de l'argent. Et voilà. On se dit à bientôt. Au revoir. Ciao. La nation.